ça va ? Dis full. T'es content, Jean-François ? Vous êtes vraiment des clochards, sérieux. Merci, Jean-François. Cédric. 1m78, brun, beau gosse, plutôt musclé, bien membré. Ouais, je connais pas. Marie. Samy. En plus, tu as vu, moi je trouve l'été quand tu vas à la plage et tout, le sel de la mer, ça te fait du bien à la peau, tu vois. Et Karim. Et ça raconte, t'as allé fou, ma gueule. Ah ouais. C'est-à-dire que même les autres qui tournent avec lui, il leur parle pas. Putain. Diffoul Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et attention, attention, je sais, pour certains, demain c'est la rentrée. Bon courage à vous. Dites-nous à quelle heure vous rentrez demain d'ailleurs. J'aimerais bien savoir, parce qu'on se posait la question ce matin avec Romano, on discutait à la fin de l'émission. On était là, putain, ils ont pas de chance, hein, s'ils sont battus. Hein. C'est quoi, ça va être 9h, nous on fait les cons tous les matins. Entre 6h et 9h, on se lève tôt, mais au moins c'est pour rigoler. Oui, c'est clair. Au bahut, tu rigoles moins quand même. Hein. Bah, ça, ouais, ouais. C'est moins le délire. Ouais. Quoique le premier jour, ça va, tu te marres un petit peu. Ouais, c'est le seul jour. Ça dépend. Hein. Bah, le premier jour, j'ai eu des interros. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Ah, mais c'est genre retard, gros. Tiens, bon, on va tester votre niveau, bien entendu, je suis à contrat de la moyenne. Ouais, mais t'es content du voyage ? T'es vite comme ça ? Vite remis dans le bain dans cette histoire. Ouais, t'atterris vite. Très bien. Marie, elle plane complètement. Ça commence bien, je l'ai pas parlé. À 20 000. Et je plane, c'est génial. C'est quand la rentrée ? Mon cartable, il est où ? T'inquiète, Marie, on t'a préparé avec ton petit cartable. Voilà. Bonjour, Marie, d'ailleurs. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe. Salut, Cédric. Salut, ouais, Samy. Salut, Karim. Romano, bien ? Ça va bien. Ouais, donc on parlait de la rentrée. Vous rentrez à quelle heure demain ? Allez, vos messages. Tiens, c'est parti pour les messages. Monsieur Charot, lui, rentre à 10h30. 8h15 pour Phoenix. Moi, je commence à 10h. Ah, bah, vous allez pouvoir écouter le morning tout le temps. Toi, c'est bien, toi. J'aime Diffoul sur Skyrock de Paris qui nous dit. Moi c'est 13h30, 8h. Oh là là, toi tu es un de ceux qui va rentrer le plus tôt là. 8h, tu es. Ah c'est la Bourguignonne. Salut la Bourguignonne. Ah c'est pas de bol ça. Et du côté de la Bourgogne, on rentre à 8h du matin. C'est horrible la rentrée, vous avez raison. Vous avez pas une place pour moi. Ah Moko qui nous laisse un message. Moko, bah on a une place pour vous tout au long de la soirée, hein. Vous savez comment ça marche. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Venez vous détendre. Venez vous détendre avec nous. Venez nous détendre aussi. Venez faire les cons en direct. Allez-y au 01 53 40 30 20 sur le 41 759 sur l'appli Skyrock, vous pouvez y aller aussi. Et on salue Cécile qui commence à 8h elle aussi. Ah, et Paul qui va mettre tout le monde d'accord. Lui, il reprend vendredi, tu vois. C'est tranquille. Ah non, j'en ai un autre qui met tout le monde d'accord. Kevin du 70. Il ne reprend jamais. Ouais, non. Demain, direction la Tunisie pour moi, pour une semaine de vacances. Voilà. Lui, il est venu pour nous énerver. Ah, hein, Kevin. Attends, ouais, toi, j'avoue. T'as le droit de rester, mais tu dois énerver tout le monde, Kevin, derrière la radio. Là. Bah, moi, il fait exprès. J'ai cours de 8 à 10 pour Soso, 8h pour Sacha, 14h pour Dark Walls, 13h20 pour Le Nantais. Donc nous, on a bien noté, Romano, demain, on rentre à 6h du matin, c'est ça. Oui, hein. Oui. Bah nous, c'est bon, on est déjà habitués. Hein, les cartables sont prêts ? Oui, on a préparé les cartables. Oh, j'ai mon ispa. Ouais. Bien prêt, ouais. J'ai ma truce. Cédric, il a son cartable Hello Kitty, son célèbre. Hein. Il a gardé le même que l'année dernière. C'est bah oui. Magnifique, rose, avec des petits brillants dessus. Wow. Oh ouais. T'es trop mignon, wow, c'est trop swaggy. Voilà, c'est trop swaggy si tu veux. Ouais. 14h pour Elena, 10h à l'université. Ah ouais, les universités ouvrent déjà dès demain. Tiens, Capucine, 18 ans, qui nous envoie un message. Quentin, lui, il rentre pas parce qu'il a pas trouvé d'école. Bah, forcément. Il y en a qui ont moins de chance. Moi, j'ai cours de 13h30 à 16h, nous dit DLN. Bon, vous nous raconterez hein, demain soir comment ça s'est passé pour votre rentrée. Vous nous direz ça demain soir. Demain soir, on aura en plus du foot à suivre. Et ce soir, c'est la dernière soirée du mercato. Et ouais, les derniers transferts. Il reste 2h57. Les derniers transferts, on va les suivre en direct sur Skyrock jusqu'à minuit, puisqu'on est là jusqu'à minuit. On a un peu, nous aussi 2h57 d'émission. C'est ça. Donc profitez-en. Et puis toutes les nouvelles du foot, on vous les donne en direct. On vous le rappelle si vous n'étiez pas là il y a 3 minutes, 4 minutes, juste avant Mike Buster, on en parlait avec Fred. Les derniers transfert du Paris Saint-Germain. Oui. PSG, David Luiz est parti à Chelsea. David Luiz est parti à Chelsea. Il est retourné à Chelsea. Enfin, il passe sa visite médicale là. Donc après pour la visite médicale, ça devrait être bon. Et donc un joueur de moins pour le PSG. Et ouais. Et vous, vous faites venir personne. Non, parce qu'on a un petit jeune, il s'appelle Kimpembe, il peut le remplacer, donc ça va, il est super fort, il a fait toute la préparation, rien à dire. Super. Il veut récupérer 47 millions d'euros quand même. Surtout, ouais. Pas loin de 40, ouais. C'est pas négligeable. Sinon, il y a d'autres. Vous l'aviez acheté 50, ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cette année, ça va être une année de merde. Aïe, ben on verra, gros. Moi, je sais pas, je me sens moins fort que les autres années. Moi, je sens que cette année. Vas-y, Romano, continue, ça énerve Karim, vas-y. Non, mais c'est même pas question de l'énerver, c'est ce que je pense en tant que professionnel du football. football. Non, mais tu vas m'énerver, après je vais te taper, gros. Non, mais je te dis, non, mais vous êtes moins en puissance que les parle années. Pas mal, man. Parle pas mal. Vous n'avez plus Zlatan, les mecs se barrent, il n'y a personne qui arrive. Mais t'inquiète pas, on va vous n'avez plus de stars. C'est allez. Si, on a des stars, gros. On a Thiago Silva, Marquinhos, ouais. David Luiz. Ouais, c'est comme Zlatan, les mecs. C'est exact. Moi, je suis un peu d'accord avec Romano. Avec Cavani, mais man. Je vous souhaite bonne chance. Non, mais ouais, d'accord, Cavani, mais qu'il s'achète des pieds, le mec. C'est vrai, Cavani pourrait s'acheter des pieds, c'est une bonne idée. Romano, t'as pas un conseil pas cher pour qu'il s'achète des pieds? Bah écoute, si vous avez son numéro, on peut régler ça. On peut lui picrave des pieds, ouais. Bon, on parlera donc. Le PSG va rien gagner cette année, nous dit Speedy Gonz. Vous allez voir, on va être champion, mon frère. On s'en fout de David Luiz, nous dit Charlie. En plus, il est pété. Marquinhos sera titulaire, il est beaucoup plus fort. Moi aussi, je préfère Marquinhos que David Luiz. Il est plus marrant en plus. Même Doria est plus fort. Ah ouais, il se fait traquer. Merci pour c'est les messages là. Doria, le défenseur de Marseille. Ah, défenseur de Marseille, putain, je pense que c'est Doria là, ouais. Vu le niveau du gars, tu vois. Doria. Il y a d'autres transferts, gros. Il y a Samir Nasri qui part de Manchester City, Séville, qui a signé au FC Séville, ouais. Ah ouais, il va à Séville. Ouais. C'est un peu la descente. Bah, il jouait plus trop. Il jouait pas beaucoup, ouais. Il va trouver du temps de jeu. Il y a Mangala, le français, qui joue à Manchester City, qui est parti à Valence. Ouais. Tu vois qui c'est, Mangala, Romano? Mais il a pas joué en équipe de France, lui. Bah, si, exactement. Il était à l'Euro, je crois. Putain, mais tu me mets. Ouais. Romano, mais tu t'y connais de plus en plus en football, c'est un truc. Ouais, après, franchement, le mec, je le croise dans la rue, je le reconnais pas, mais tu vois, je sais qu'il a joué à l'équipe de France. C'est ça, ouais. Mais il y a encore. Il y a Balotelli qui devrait normalement s'engager avec Nice. C'est pas un prêt, finalement, ça devrait être un transfert définitif. Ah ouais, ça va pas fait encore. Ça va leur coûter cher. Ah, grave. Les Niçois, Balotelli à Nice, ça serait super. Ah, ce serait génial. C'est confirmé par Brahms, c'est confirmé par Tinkoff du 92. Et le transfert de la journée, quand même, les gars, faut le dire, c'est pour Marseille. Ah. Ils ont acheté Rod Fanny. Ouais, c'est un ancien joueur de chez nous. Il est tout. Vas-y, arrête de te foutre de notre gueule, toi. Mais gros, nous on aime bien, tu vois, les mecs comme ça, fin de carrière, ils viennent pré-retraite au soleil à Marseille, tu vois, gratuit. Ouais. Beau gosse, le mec il connaît, il est chez lui, tu vois, c'est cool. Ah, ça promet cette nouvelle année. Putain. Cette nouvelle année footballistique m'excite déjà. Mais vous l'avez payé, ce mec? Non, gratuit. Gros. Non, gratuit, ouais. Ah, ouais. Gratuit. Ah bah écoute, c'est bien. Il avait résilié son contrat avec son club dans les Émirats, là, il vient gratuit, tranquille pour, tu vois, pré-retraite. Finir la carrière, quoi. Ouais, voilà, pépère. Non, mais c'est vrai que c'est le bon plan Marseille. Bah ouais, il fait beau, tu vois. Un petit salaire tranquille. Sissoko va à Everton, nous dit Blue aussi. Normalement, c'est soit Everton, moi j'ai entendu Tottenham. Tottenham et Chelsea aussi. Ouais. D'accord. Bah, Blue, il a de bonnes infos en général. Merci à toi, Blue. Hein, fidèle. Sinon, l'OM, ils ont recruté un joueur de Tottenham, Clinton Ngie. Ngie, ouais, ancien Lyonnais. Il jouait à Lyon avant. Hillary Clinton va donc jouer à Marseille, à l'OM. Et en parlant de transfert, il y a le colonel qui nous dit Cédric, est-ce que tu te fais transférer une nouvelle tête pour cette nouvelle année? Un nouveau corps. Mais je vais me transférer une nouvelle coupe de cheveux là d'ici demain ou après-demain. Oh. Wow, tu vas faire quoi, gros? Est-ce que tu vas refaire ta coupe nazi? Tu sais, pas à zéro, mais à la Hitler là comme t'avais fait. Non, non, dis fou, c'est une petite moustache. C'était pas, ça ouais, mais cette année, je mets la moustache en plus. C'est pas tendance cette année, ça. Ah, parce que Romano aimait beaucoup ta coupe Hitler. Chaque fois que tu revenais avec ta coupe Hitler, il était mort de rire. Ah, mais tu vas pas te raser, gros. Si, je vais raser. Ah, tu déconnes. Ah, si, ça va. Voilà. Vivement demain. Je vais raser mes cheveux après, je sais pas, j'ai parcours court. Tu fais une coupe rentrée pour demain soir alors? Si j'ai le temps, ouais. Bon, bah écoutez. Ah, mais tu fais pas dégrader dégueulasse, hein? Bah si, je fais ce que je veux. Ah non, mais non. Ce sera pas pire que Romain des réseaux sociaux, ce qu'il fait lui. Ouais, mais bon, si tu te compares à lui, mon pote, tu pars de loin quand même. Ouais, j'avoue. Ouais. Exactement, compare-toi plutôt à moi ou à Romano qui avons une. Moi j'ai une coupe magnifique. T'as deux styles. T'as une coupe avec plein de cheveux comme moi ou une coupe sans cheveux comme Romano. Voilà. Ah, mais tu peux te faire la lune derrière et tout, c'est sympa. C'est joli. Bon, est-ce qu'on a des. Tiens, on va prendre Tom, le premier. Il est à Sarcelles, et puis dans un instant, on vous donne des nouvelles de Chris Brown. Où en est Chris Brown? Vous savez que hier soir, si vous étiez là, vous avez suivi en exclu toute la radio libre les aventures de Chris Brown enfermé dans sa maison, assailli par la police de Los Angeles avec des hélicoptères, avec la police scientifique. Avec la police scientifique, ses avocats qui sont arrivés. Les experts étaient là, les télés de toute l'Amérique étaient là, et Skyrock était là aussi. Nos envoyés spéciaux, Cédric et Romano, nous ont fait suivre cette magnifique. Magnifique soirée. Yes, different we are collected. Yeah. Ouais, magnifique soirée, sauf pour Chris Brown. Hein. Ah bah ouais. On en saura un petit peu plus. Donc on en a reparlé aussi ce matin. Les dernières nouvelles de Chris Brown. Ça arrive dans un instant. Et là on a Tom de Sarcelles qui est avec nous. Salut Tom. Ouais, ça va ou quoi? Ça va bien Tom. Sois salut bienvenue. Tom. Si on a un Tom qui nous appelle du 74. 95. 73 même. Ça ah, Tom de Savoie. Oui. Hey. J'avais pas compris au début, tu vois. J'ai un peu loupé ma blague de merde, mais bon. Il y en aura d'autres des blagues de merde. Hein. Ne bougez pas, hein. Punchline. Pas ça. Blague à gogo, Sky Solidarité. On a pas peur. Vous tous en direct, profitez-en jusqu'à minuit. Qu'est-ce qui t'arrive, Tom, toi? Ah, c'est cette rentrée à 8h, là, c'est intolérable. Intolérable. Vous n'avez pas le numéro du ministère de l'Éducation? Trouve-moi le numéro du ministère de l'Éducation, Cédric. On est toujours là pour résoudre des problèmes. Donc toi, tu trouves que ta rentrée demain à 8h, c'est tout pourri, c'est trop tôt. Mais le problème, c'est que c'est pré-rentrée à 8h et les cours à 9h, tu vois. Donc pré-rentrée, c'est quoi? C'est vous découvrez votre classe L'emploi du temps, tout ça. Classe, ouais. Emploi du temps, donc c'est avec le prof principal, ça, en général. Et une heure après, ben, on commence direct les cours... C'est pas le jour d'après? Bah non, lui, il enchaîne tout, lui. Hein, ça. Ah ouais, mais ouais, moi, il y avait jamais de jour d'après, moi. Hein. J'y allais, c'était pas pour me branler la queue, quoi. Ah, c'est dommage. J'adore branler des queues. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, j'y allais. Dans ce cas-là, je retourne à l'école. S'il y en a qui vont à l'école pour se branler la queue. Ouais, bah, Marie est intéressée. Hein. Appelez Maryse à Skyshock. Non, mais en sixième aussi, par exemple, quand je suis arrivé à Skyrock, oui, Marie. Oui, c'est ça. Moi, j'arrivais, par exemple, oui, en sixième, quand je suis arrivé, il y avait une journée où, il t'expliquait, il te faisait visiter le bahut et il t'expliquait le fonctionnement. Ah bah c'est super la visite du bahut. Alors là, vous voyez à votre droite la salle de cours magnifique. Non, mais c'était ça. Et en effet, les chiottes sont juste derrière. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les chiottes? Une attaque chimique. Oh ouais, très mauvais. Excusez-moi. J'ai posé un cake. Alors, c'est clair que c'est violent, moi. Ah ouais? Ah non. Ah putain, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais quand j'y vais. D'accord, toujours la classe. T'entends, c'est quoi, Tom? Le rapport avec les cours et ce qu'on parle de des chiottes là. T'arrives, on parle des cours, Tom, et deux minutes après, Cédric nous fait la description de ce qu'il est en train de chier depuis le début de la semaine. Ouais, on connaît le personnage, hein. Ah bah, malheureusement. Non, mais tu sais que le mec, c'est un animal. Ce matin, on attendait l'ascenseur, là. Ah ouais, j'étais là en plus. À l'appart, il y avait Carriole et Bois et d'autres personnes. Oui. Ouais. Et Cédric, à ce moment-là, a lâché un paix. Oh non. Mais un truc ignoble, tu sais, genre. Limite péfoireux, quoi. Bah, là, j'ai pas pété pour ma vie. Mais comme ça, normal, devant Carriole, et lui fait, ça va, tu te sens bien? Ouais, tranquille. Elle était obligée de retourner à l'appart. Ah ouais, on est rentré dans l'appart, du coup. Non, mais un truc dans ce genre-là, hein. Genre un gros porc, quoi, tu vois. C'est vraiment un mytho, un animal. Vite fait. Non, t'as fait un truc vite fait. Non seulement Romano est rentré. Carriole est rentré, mais il y avait deux techniciens qui étaient avec eux, ils sont rentrés aussi, et le gars de la sécu, il a failli tomber dans les pommes, et pourtant il est solide. Hein. Ah ouais, non mais normal quoi. Ah, Cédric, c'est le patron. Ah ouais, c'est le patron du paix, ouais. Hey, le roi de la merde. Imaginez un mec comme Cédric dans votre bahut, le jour où il y a une apéro, vous lui demandez de lâcher une caisse, il y a évacuation pour attaque chimique. Ah bah, ça peut être utile là pour le coup. Ouais, ouais, donc là l'apéro, tu l'as fait sauter. D'ailleurs, ceux qui veulent éviter les contrôles, le coup de la boule puante, ça marche, hein. Bah, tu prends Cédric. On vous loue, Cédric. C'est une boule puante à lui-même, gros. Oui, tu es une boule puante. Ouais, je peux faire. Vous les connaissez dans le studio? Voilà. Non, merci, Cédric. On est pas en cours, mais on n'a pas d'intérêt. Évacuation, vous allez voir. Non, mais on n'a pas envie d'évacuer. Bon. Ça va aller. Non, on a envie de rester là. Hein. Donc, t'as le numéro du ministère, Cédric? Ouais. Vas-y, appelle le ministère. Donc, demain, tu rentres à 8h, à 9h en plus, t'as les cours qui démarrent. Il manquerait plus que, comme disait Romano tout à l'heure, t'es une interro. Ah, elle est pour samedi matin. Hein, tu bosses samedi matin en plus? Ouais. Oh là là. Mais moi, je sais pas, moi, ça me choque pas. Moi, j'avais cours mercredi matin et samedi matin. Mais t'étais en vacances quand? Bah, j'étais en vacances le samedi midi jusqu'au dimanche soir. Mais ça, c'est des bêtes de vacances, ça. Samedi midi jusqu'au dimanche, je peux te dire. Non, mais j'avais les vacances scolaires normales après. Mais oui, les week-ends étaient courts. Bah oui, les week-ends étaient courts, ils duraient moins de deux jours. Ah, mais moi, il n'y avait pas tout cinéma de visiter le bahut. On va te filer un petit coup de main. Tom, t'es en quelle classe, toi? Tu rentres en quelle classe? Je suis en prépa. Allô? Ah, tu vas en chier. Oui, allô? Oui, bonjour, le ministère de l'Éducation? Oui, c'est qui? Oui, bonjour, je suis le papa d'un petit homme qui rentre en cours demain. Je voulais vous demander un petit service, parce qu'il rentre en cours demain à 8h. Bon, déjà, c'est tôt, hein. Mais vous rappelez trop tard, monsieur. Ah bah, j'appelle trop tard, mais ils sont où, au ministère? Ils sont en train de bouffer, là, au resto. Le ministère, c'est de 8h à 18h, monsieur. De 8h à 18h. Il est pas sobre, lui. Et si on a... Pas sobre. Du calme, Tom, on va avoir des problèmes. Je te rappelle que tu rentres demain, attention. Hein. Ouais, mais c'est vous qui gérez le CSA, c'est pas moi. Oui. Merci, monsieur. Jeudi boulot, merci, au revoir. Ah bah là, énormément, à cette heure-là. Bah attends, a priori, là, tout le monde est parti depuis 18h. Les mecs, depuis 18h, ils sont... 18h, apéro. Il n'y a plus personne. 21h, ils attaquent leur pas, là. Digestif. Tu vas me dire, lui, au moins, c'est vrai que tout le monde est parti au ministère de l'Éducation. Non, mais lui, c'est bien, il surveille. Voilà, lui, au moins, il travaille. Ouais, bah Tom, écoute, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais enfin, il va falloir que tu supportes la journée de demain. Hein. Bah, de toute façon, tu vas t'habituer pour les autres jours. Hein. Ouais, et puis en plus, t'as choisi prépa, franchement, tu vas en chier. Hein. Ouais, mais c'est la deuxième année, là. Ah, bah ça va, ouais, donc t'es habitué. On va dire ça comme ça. À ne pas avoir de vie. Pourquoi les prépas, ils ont pas ah dit non, bah les prépas, moi, ah bah, quoi, moi, j'ai jamais fait prépa. Déjà, je n'ai pas eu le bac, donc pour faire prépa, il faut avoir le bac. Mm-hmm. Et moi, j'ai des potes qui l'avaient fait, pourtant, qui se démerdaient plutôt bien au bahut. Mais les mecs en ont chié, mais comme jamais, quoi. Ouais, pareil, ouais. Ils bossaient, mais les week-ends, ils sortaient plus. Ils en ont chié comme jamais. Jamais. Jamais. Chier comme jamais. Jamais. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Pour réussir en prépa, faut beaucoup bosser, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas allé en prépa, je crois. N'est-ce pas, Tom? C'est des trucs de geek. Ouais, c'est ça, faut être geek des maths, tout ça, des trucs passionnants, quoi. Marie, 4 non, fois non, 5. Non, 25. Ça, vous m'avez pas manqué cet été pour eh ça. Eh ben voilà. Eh ben, je vous donne le résultat comme ça de but en blanc. 25. Tiens, une petite question, Marie. 7 fois 8. Ah, oh, mais me faites pas chier. Allez, on peut réviser non, ce soir. Non, non, et non. Petite révision avant qu'on rentre, enfin, avant que vous rentiez demain, là. 7 fois 8. Non, mais ne m'emmerde pas, toi. Et si vous êtes plus au bahut, racontez-nous vos rentrées. Tiens, dites-nous comment ça s'est passé, histoire de donner du courage à tous ceux qui y sont encore et qui vont rentrer demain, là. Donc si vous avez eu des rentrées marrantes, si vous avez eu des rentrées complètement abominables, parce qu'il faut préparer à tout, hein, même si la rentrée est horrible, c'est clair. Il faut quand même se préparer. Donc même des rentrées complètement abominables, vous nous dites dans l'équipe d'ailleurs. On a déjà de reprendre les cours, c'est horrible quoi. Moi de base, c'est horrible. Comment tu peux dire je suis heureux? Eh ben tout à l'heure j'ai demandé une petite fille, la fille d'un ami que j'aime bien, et je lui ai demandé t'es contente de rentrer? Elle m'a fait oui. Ouais, c'est vrai. Après, je lui ai demandé, c'est peut-être parce que son père est con, non? Oui. Après. Non, mais moi, je le connais, son père. Si tu pars mal, il va te patater. C'est pas trop fou, man. Moi, on m'a dit que c'était un gros con. Ah, mais va te patater. Je comprends que l'enfant préfère aller à l'école. Oui, c'est patater, vrai. Man. Non, mais. Oui, mais quand t'es petit, à la limite, tu vois, tu fais rien. Allez, on sait, hein. Ouais, bah si tu bosses un peu quand même. Bah on sait. Oui mais c'est moins sympa quoi. Genre quand t'es collège, lycée et la suite, c'est horrible quoi de savoir que tu te lèves pour aller t'enfermer dans une salle de cours. Il y a des rentrées, tiens, une rentrée mes rentrées n'ont jamais rien eu de marrant, c'est la table de mixage. Moi, la rentrée la pire, c'est quand j'ai cassé avec ma meuf, je me suis retrouvé dans la même classe et on avait un nom avec la même lettre et ils nous ont mis à côté pendant toute l'année. T'imagines, Romano? C'est comme si on était la gothique à côté de toi toute l'année. Ah non, mais moi je demande à changer de place. Hein. Bah ouais, mais lui il a pas demandé, il s'est tapé son ex. Imagine, non, tu seras obligé gros. Tu te tapes ton ex toute l'année à côté de toi, alors que tu viens de rompre avec elle pendant les vacances. Oh. Ah ouais, non. C'est magnifique ça. Mais moi ça dépendait des cours, il y a des cours où on se faisait placer. Hein. Ouais, ouais c'est vrai, moi aussi. Ouais. Y a des cours et d'autres. Bon, on se mettait avec des potes, mais ça durait souvent que le premier cours de l'année, quoi. Ouais, après, tu finissais devant. Après, ouais, il te changeait, quoi. Moi, il m'arrivait de finir souvent devant l'estrade. Ah ouais, ça, c'est relou, ça. À premier rang, ouais. Ah, t'as le cul de la... Genre, t'es collé au bureau, tu sais. Oui, ou alors t'as le cul de la prof en permanence sous le nez. Ouais, c'est sympa aussi, ouais. Non, mais justement, c'est ça qu'il faut pas, dès le début, faut pas se mettre à côté de son pote. Comme ça, le prof, après, il vous change de place. Sinon, il va te déplacer direct. Bah, oui. Tu vois, sinon, il te déplace direct comme ça. Après, t'es à côté de quelqu'un d'autre. Après, s'il te change de place, tu peux te retrouver à côté de ton pote. Le problème, c'est que ça dépend des profs. Parce qu'il y en a qui en ont rien à foutre, et puis il y en a qui sont, comme tu le racontes, là, qui sont un peu. Ah, puis ouais, il y en a qui te placent, donc, et puis il n'y a même pas à négocier. Bah, t'as pas le choix. Bon, bah, en tout cas, bon courage à toi, Tom. Hein. Ouais, attends, bouge pas, il y a juste Tiffany qui nous appelle de Pau, elle a 18 ans. Ah, tiens, bah, il y a Claquette Man, là, sur les messages. Elle voulait nous remonter le moral. Qu'est-ce qu'il dit, Claquette Man? Moi, je commence seulement lundi. Bah, attendez, tu rigoles, Claquette Man? Écoute bien, Tiffany. Salut, Tiffany. Salut. Comment ça va, Tiffany? Ça va et vous? Eh ben écoute, en pré-rentrée, j'imagine. Eh, moi je commence que le 26. Et voilà, 26 et septembre. Et voilà. Bip bip. Et je suis contente. Eh oui. Tom. Ouais, tu m'étonnes. C'est Tom? Non, c'est qui a envoyé le message? C'est Clément. Clément. Non, Claquette Man. Non, c'est Claquette Man. Alors, Claquette Man, je te redis. Tu rentres le 26. Mais tu t'es en quoi? T'es à la fac, t'es où toi? Non, je fais un BTS commerce. Ah, gestionnaire d'unité commerciale. Tu as entendu Romano, elle le faire dans le commerce. Ouais, mais c'est bien, bonne voix. Est-ce que tu es une des fans des conseils pas chers du morning? Ouais, un peu, ouais. Mais moi, je travaille chez Orange, donc les conseils pas chers. Méfie-toi parce qu'un jour, il va t'appeler, il va t'escroquer, il appelle tout, hein. Ah ouais, on l'a déjà fait chez les opérateurs. Bien sûr qu'il a escroqué les opérateurs. Bah, attends, vous m'avez pris pour qui? Et pas que Orange, SFR, Bouygues, Free. Ah bah tous les opérateurs. Il a tout compris. Il a tout expliqué. Il a tout compris. Il a surtout tout escroqué, ouais. Donc toi, tu rentres le 26. Et ben voilà. Oh, ça c'est pas gentil le message. Celui qui a écrit salope, dont je ne lirai pas le pseudo, qui s'appelle Kamel, mais je n'en dirai pas plus. Ah ouais, je suis fous les boules, hein. Bah ouais, ouais. Tom, t'as un petit truc à dire à Tiffany qui rentre le 26 alors que toi c'est demain 8h avec des cours dès 9h? Connasse. D'accord. Bon, bah bon courage, Tiffany, hein, pour ces 3 semaines de vacances. J'espère que ça va pas être trop long. Non. Ah, j'espère que tu vas pas t'ennuyer. Non. Bah ouais. Ah, y en a qui sont déjà rentrés. Ouais, dit Foul, moi, c'est la zone. Pourquoi toi, c'est là? Bah, on avait eu un auditeur là. Il est rentré, oui, la, il est rentré la semaine dernière. Mais la semaine d'avant, c'est Arnold qui laisse le message. Attends, on est revenu quand nous? Il y a deux semaines. Non, c'est la semaine dernière qu'on a eu l'auditeur. Ouais, là, on avait eu un auditeur qui reprenait direct ouais. Parce qu'il avait les semaines de 4 jours, ouais. Emploi du temps aménagé. Oui, et ben on en a un autre, c'est la zone. Voilà. C'est la zone. Bah écoute, bonne zone pour toi. Et bonne rentrée. Et donc racontez-nous les rentrées si vous avez des photos de votre rentrée aussi, les photos de votre classe, les photos de vos potes, les photos. Les photos des gueules des gens dégoûtés de rentrée. Ouais, faites-nous des selfies, des photos demain et envoyez-nous tout selfie ça sur badeux. Surtout les réseaux de Skyrock ou alors directement sur notre sur nos mails diffoul@skyrock.com. Ouais. Mais envoyez ça demain et on matera tout ça demain soir et des photos des profs aussi. Tiens, bah, il y a Zozo, justement, il est prof, a priori. J'ai prié, hein, pour préparer la rentrée. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté de la barrière. Ah, c'est sa première rentrée de prof? Bah, on dirait. Ah ouais, bah, bon courage. Tiens, il y a Florent, CNNX, qui nous dit, moi, je me suis trompé de classe le jour de la rentrée. On m'a cherché dans tout le collège. Je suis con, non? Faut se remettre dedans. C'est pas facile. Ah, si tu connais pas, Ouais, moi, je suis déjà à l'internat. Ah, t'es à l'internat, sois. Passez-nous les coups de fil. Ah oui, les internats, ils sont rentrés déjà. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, pour commencer demain, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ils sont rentrés, ouais, ils dorment là-bas pour commencer demain. Première nuit. Waouh. Guillaume du 27, 14 ans, j'ai rompu avec ma copine pendant les vacances et j'ai peur d'être dans sa classe. À côté d'elle même peut-être. Alpha 17 ans, ouais. Moi je commence que jeudi prochain. Lui aussi il fait des messages pour. Putain, pour mais moi énerver. J'ai déjà loupé la rentrée, moi je suis arrivé genre le 5 ou le 10 septembre gros. Et tu démarrais quand, le premier? Hein, je devais démarrer, ouais, je crois le premier. Mais t'avais oublié ou Non, c'est parce que j'étais au Maroc, c'est ma grand-mère, elle m'a pris un billet retour le 10. Alors c'est les rebeux qui font ça, dis donc. Ouais, mais souvent. Non mais tu sais que c'est. Non mais vous prenez pour qui les rebeux, dis donc. Mais souvent c'est ça, gros. Je te jure, souvent les rebeux, tu sais, à la rentrée, par exemple, ouais, Mohamed, ouais, il est pas là, il est au bled. Mais je te jure, souvent, gros. Bon, ben, bonne rentrée à vous, et puis on peut en reparler d'ici minuit, si vous voulez. On peut aussi parler d'autres choses, hein. N'hésitez pas, hein, sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Le 5 septembre pour le poteau du 95 qui habite à Sarcelles. Salut à toi, le poteau. Sarcelles Zou. Oui, Sarcelles Zou. Et, ouais, tu vois, Sarcelles, tout le monde rentre pas le même jour. Tom est aussi de Sarcelles, hein, je vous dis ça. Moi, je n'ai pas de rentrée. Ah, ben, écoute, ça, c'est bien, ça. C'est Baptiste. Moi, tu te prends pas la tête. Je commence à 6h demain, mais t'es pas au bahut, toi. C'est pas possible. C'est qui t'envoie le message? Charlotte. Bonjour Charlotte, 19 ans, big up à toi Charlotte. Et puis sinon les messages, la rentrée c'est l'horreur. Quelle horreur la rentrée pour Ayette. Demain c'est le pire jour de ma vie. Bah franchement, moi je comprends, ça faut en battre quand même. Il y en a qui ont suicidé, gros. De ta vie, gros, carrément, quoi. Ouais, peut-être pas de la vie, mais bon. C'est attention, v'là le pilote qui nous laisse le message. Bah attention, v'là le pilote, le pire jour de ta vie pour demain. Faudra nous raconter tout ça là. Bon, merci en tout cas, merci Tiffany, gros bisous. Et puis bah profite bien des vacances jusqu'au 26 septembre. Hein. Ouais. Tu veux que je te lise des messages pour toi? Oui, un petit bisou à Bruno. D'accord, donc ça c'est un message pour Bruno, mais sinon des messages pour toi. J'ai Zark qui nous laisse un message et qui nous dit, mais salope. Juste en dessous, Alice qui nous fait, mais quelle feignasse celle-ci là. Voilà, t'as raison de te moquer, profites-en Tiffany. Bah ouais, carrément. Et puis Tom, on pensera à toi demain à 8h, nous on sera en plein morning. Okay, c'est gentil. Donc demain à 8h, ceux qui rentrent à 8h, on pensera à vous. Bah oui, bon courage. Soyez là entre 6h et 9h, je pense que Romano t'aura des conseils pas chers pour la rentrée. Oui, courage Tom. Et les conseils pas chers, c'est 6h40, 7h40, 8h40, les nouveaux horaires des conseils pas chers. Ouais. Et puis avec un peu de chance, on vous appellera pour les 1500€, comme ça la rentrée, après vous en avez plus rien à foutre, vous avez gagné 1500€. Ah bah ça c'est toute une demi-heure. Belle rentrée là. Ouais, ça c'est une belle rentrée. Bon, bah bonne rentrée à vous, salut Tom. Et salut Tiffany, on vous envoie un t-shirt. Salut. Ciao, un t-shirt. Ouais, on t'envoie, pas de problème, Tom. Et pareil pour Tiffany. Salut tous les deux. Et attention, info foot, a priori, Balotelli c'est fait. Balotelli à Nice. Ouais, il y a plusieurs messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure sur Balotelli. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va rigoler avec lui. Hein. Le mec qui fait des feux d'artifice dans l'intérieur de sa maison. Le mec qui joue aux fléchettes avec les passants qui passent devant chez lui. Attention les Niçois, hein, vous risquez d'avoir un gars qui vous lance des fléchettes. Ne vous inquiétez pas. C'est une star. Ah ouais. C'est un des joueurs les plus starbés du marché actuellement. C'est le joueur le plus starbé. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et il arrive en France. On va rigoler. Bienvenue à toi, Super Mario. Mario Balotelli qui débarque. Tiens, Romano, tu pourrais conseiller Angelo là. Angelo qui nous laisse un message, qui rentre à l'armée, lui, le 3. Ouais, T'as été militaire. Ah, t'as été militaire. Dis-le à tout le monde. Bah, ouais, j'ai fait collège et lycée militaire. D'autun. Je suis niçoise, il m'excite trop, Balotelli. Vous savez où il habite? Ah non, je sais pas où il habite. Ah, pour l'instant, il doit être à l'hôtel encore. Ouais. Ah, je sais que Balotelli, il est. Je pense qu'il va avoir une belle maison. Oui, t'inquiète, je me fais pas de soucis pour lui. Et une autre nouvelle foot, il y a Moussa Sissoko qui vient de signer à Everton. Voilà, c'est confirmé. C'est confirmé, ouais. C'est confirmé pour Moussa Sissoko. Il retourne avec les Bleus, là, du coup.

that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, the me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, the me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock. Ken Jones, le gros son de Ken Jones, c'était Don't Mind sur Sky. Difool, Radio Libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck. Bah tiens, en parlant de what the fuck, est-ce qu'on a des nouvelles de Chris Brown? On va vous les donner là, les dernières nouvelles de Chris Brown. Vous avez suivi ses aventures hier soir en direct dans la Radio Libre. Il est fort. Ah ouais, c'est un feuilleton le bordel. Chris Brown, il nous a fait une série américaine en direct live avec des hélicoptères au-dessus de sa maison, des drones qui le suivaient de partout. Enfin, un truc de fou. Où en est-il, ce Chris Brown? Est-il en prison? Est-il sorti? A-t-il été lavé de ses accusations? Chris Brown arrive. Est-ce que vous voulez que j'appelle... Ah, c'est Nikos. Chris Brown. Chris Brown. Non, vous plaisantez. Mais non, ne plaisante pas, Nikos. Appelle-le. Bah non, appelle-le. Mais oui. Bon, alors, Chris Brown, les nouvelles. Et juste après, on aura Laure en direct avec nous. Elle est à Reims. Et Laure a 17 ans. Je vous la présente. Vous aussi, vous pouvez débarquer ici comme Laure. Hein. Vous appelez 01 53 40 30 20. Ouais. Ou alors le 41 759. Ou alors l'appli Skyrock pour débarquer ici. T'es là, Laure? Ouais, je suis là. Est-ce que tu aimes bien Chris Brown? Ouais, bof. Hein. Ah, bof. J'aime bien ses musiques, mais j'aime pas le personnage. Ah, ouais, le personnage, il me fait. Enfin, bon, c'est vrai qu'il est un peu violent. Bah, à peine. Mais moi, il me fait délirer. Le mec pose un poil devant une glace, monte sa bite, après, il fait n'importe quoi, il est défoncé. Enfin, bon, c'est. Il est rigolo, Chris ouais, Brown. Rigolo, Chris ouais. Brown, yeah. Ouais. Oui, yeah. Chris Brown. Est-ce que tu peux accueillir gentiment Laure, Chris Brown, puisqu'elle ne t'aime pas en tant que personnage, mais elle aime bien ta musique. Fuck ugly bitches. Ça, c'est une des vidéos qu'il a laissées hier soir pendant qu'on parlait de lui sur l'antenne. Là. Ouais. Ah, il a laissé ça. Ouais. Fuck ugly bitches. Voilà, il parlait de la meuf Miss Californie, parce qu'en fait, c'est Miss Californie qui a appelé la police parce qu'elle a dit qu'elle était agressée. Agressé par Chris Brown. Ouais, Chris Brown, Fuck ugly bitches. Ah, tiens, il t'a dit un petit coucou, Cédric. Fuck ugly bitches. Comment, mon nigga? Merci. Ah, ouais, bah comment il sait que je suis une grosse bitch? Je sais pas, je crois qu'il a autre chose à te dire, Cédric. Fuck you. Voilà. Ah, c'est gentil. Bon, alors, les nouvelles de Chris Brown, on en est où? Parce que moi, j'ai pas suivi aujourd'hui. Bon, il a été relâché dans la soirée. Ouais, bien. Mais par contre, bon, ça lui a coûté bonbons. Il a quand même coûté 250 000 dollars. Wow. Ouais, environ 200. Ouais, c'était la caution qu'il fallait qu'il paye. 250 000 dollars, environ 220 000 euros. Il a payé, ça y est? Ouais, ça y est, là. Il a supprimé les vidéos d'hier soir qu'il avait postées sur les réseaux. Ah, bah non, on les a. Trois. Écoutez les vidéos. On a la vidéo d'ailleurs quand il parle de la police. Écoutez ce qu'il dit sur la police. You're the worst gang in the world, the police. And I said it. Fuck you. Le pire gang du monde, c'est la police. Et je voulais dire fuck you. Allez vous faire enculer en gros. Fuck you. Voilà, fuck you. Ah, fuck c'est you. Un ouf dans sa tête. Ouais, il est ouf, Chris Brown. C'est un ouf. Quand vous allez. Fuck you. Quand vous allez recevoir le mandat de perquisition, vous allez monter chez moi et vous n'allez rien trouver, bande d'idiots. Voilà, ça c'était le petit message qu'il a laissé pour la police, Chris Ward. Bah, apparemment, ils ont trouvé quelque chose. Les dernières nouvelles, on a suivi ça en exclu hier soir dans la Radio Libre. Merci à nos deux grands reporters, Cédric, qui a passé la soirée à regarder. De rien. À regarder son ordi hier soir. Rien foutu de la soirée hier soir. Ça va. Rien branlé. Hein. Je suis envoyé spécial. Je regarde la télé. Dans sa chaise, ouais. Et en fait, c'est son avocat qui a posté un truc sur les réseaux sociaux à Chris Ward pour dire qu'il était dehors et que tout allait bien. Bon, bah écoutez, si tout va bien. Ouais. Tant mieux, merci. Ah, il s'est quand même soulagé de 250 000 dollars. Ah, bah ouais. Exactement. Bah, c'est moi bien, moi, du coup. Un petit conseil pour Chris Ward, si on t'appelle et qu'on te demande quelle est ta radio préférée, tu réponds. Skyrock. Très bien, c'est bien. T'as bien raison. Bien joué. Voilà, c'est le vrai Chris Ward. Par contre, ça, ce sera pas 250 000 dollars, nous. Hein. Ah, oui, c'est 1500 euros. On peut pas tout faire. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais inscrivez-vous au 720, envoyez 1500 si vous voulez gagner 1500 euros demain matin. Vous inscrivez maintenant, on vous appelle demain. Bon, voilà les dernières nouvelles de Chris Ward. Les familles du double appel, elles arrivent aussi. On est en train de tester les numéros, c'est pas encore prêt, mais on va y aller dans un instant. Et Laure, eh ben, tiens, écoute, priorité à toi. T'as 17 ans et t'es à Reims. Tu rentres, toi, Laure? Comment ça se passe? Je suis déjà rentrée, je suis en apprentissage. D'accord, ah bah ouais, donc toi, c'est déjà fait la rentrée. T'es rentrée quand? Ah bah, c'est déjà fait depuis 2 mois. Ah, 2 mois? Ah oui, donc ouais, ouais, pas de vacances. Mais t'as pas eu de vacances? Non. Bah, voyez, vous qui vous plaignez parce que vous rentrez demain. Et eh ben voilà, il y a encore pire dans la vie. Laure. Pas de vacances, hein, moi, d'été. Payé et puis j'ai signé mon contrat, donc bon, bah écoute, ça va. Ouais. Ouais, mais ça c'est horrible. Alors Romano, tu penses que c'est horrible? Ah, moi les vacances d'été c'est sacré, moi. Je préfère pas avoir vacances de l'année. Je préfère pas avoir de vacances de l'année, tu vois. Limite pas de... Bien de le dire, Romano. Romano ne veut pas avoir de vacances cette année. Je disais à choisir. Je préférerais ne pas avoir de vacances de l'année et avoir l'été, tu vois. Moi, l'été, c'est sacré. L'été, c'est sacré. C'est sacré. Ah ouais, la plage, ça rime, la mer, je suis un poète ce soir. Voilà, l'été, c'est sacré. Bon, alors, Laure, tu nous appelles pourquoi? Parce que ça n'aura pas de rapport avec la rentrée, puisque toi, t'en as pas, donc c'est bien pratique. Et la pesée de Cédric, j'ai pas oublié. Hein. Merci pour les messages que vous envoyez. Ouais, il y a Toshi qui nous a envoyé un message. Estelle également qui voulait qu'on pèse Cédric. Vous avez oublié hier soir, elle nous disait Estelle. On va le faire. On va te peser ce soir. On te pèse juste avant la rentrée. Et après, je te baise au clash. Et après, au clash. Voilà. Essaye, mon pote. Bah, écoute, essaye. Bah, il va essayer. Ouais. Lundi, je crois que je t'ai déjà bien baisé. 83-17 lundi. Ouais. T'as des records, hein. Ah oui, c'est beau. Ouais, c'est pas grave. Bon, on ferme la parenthèse du clash pour la réouvrir tout à l'heure. Je commence à 7h, je suis maltraité par le lycée. Qui c'est qui nous laisse le message? 7h? C'est impossible. Ah bah écoute, je lis le message. Vous avez vu, Cédric ne vous croit même pas quand vous laissez des messages. Bah non, moi, général, la rentrée, c'est 8h que ça ouvre. Oui, en général, oui. Mais bon, on sait jamais, tu sais. Bah moi, dans mon bahut, le réveil, c'était 6h30. Hein. Ah bah tu vois. Ouais, mais toi, t'étais interne. Bah oui, mais peut-être que lui, il est interne aussi. Ah voilà. Et à 7h, on était au petit déjeuner. Et voilà. Bah ouais. Et là, Romano, il mangeait parce que c'était gratuit. Bah ouais, hein. Et après, faisait le ménage. Tu faisais le ménage? Tu faisais le ménage? Ah bah, vous avez pas de femme de ménage? À 7h du matin. Ah ouais? Ah bah t'avais pas le choix, ouais. Mais c'est quoi cette école de merde? Non, mais c'est pas une école de merde, c'est l'école de la vie. Ah, et tu faisais quoi? Tu faisais le ménage? L'école de la vie, ouais. Et tu à midi, vous faisiez la bouffe, c'est vous aussi? Non, le ménage, il y avait des femmes de ménage pour les parties communes, les couloirs et tout ça. Mais pour, dans les chambres et les salles de bain dans les chambres, ça c'était aux élèves de le faire. Ah ouais. Et le lit, fallait qu'il soit fait aussi. Tiens, un message qui te rappelle tes années de lycée, Romano, la gothique de Romano. Romano, souviens-toi de tes ébats nocturnes. De nos ébats nocturnes, pardon. Non, mais il n'y a rien du tout d'ébats nocturnes. Les gens n'étaient pas dans le même bahut, connasse. Mais parle pas mal de ton ex. Tu parles mal de tes ex, toi, alors? C'est dingue, ça, quand même. Ouais. Ah ouais? Bah voilà. Bah écoute, vous êtes pas bien, quand même. Faut respecter ceux que vous avez aimés, ceux pour lesquels vous avez eu le cœur qui a battu à toute vitesse pour... Celle pour laquelle tu as pleuré, Romano. J'ai pleuré quoi? Bah la gothique, t'as pleuré la gothique. Ouais, bah évidemment, elle était enceinte. Mais t'as pleuré aussi. Y a de pleurer quand même. Ouais, t'es voulu se reproduire. Avec toi. Et avec toi en plus. Ouais. Bon alors, Laure, explique-nous, qu'est-ce qui t'arrive alors? Ça fait 2 mois que je suis avec mon copain. Oui. Au début, ça se passait bien, tout ça, il parlait plus à son ex. Parce qu'en fait, on se connaissait depuis longtemps, puisqu'il était dans un CFA dans mon village. Et bref, on s'est connus comme ça. Il s'est mis avec 2 nanas de mon village. Et à la fois. Il y a pas longtemps de ça. De quoi? Non, à la suite, d'accord. Séparément, ouais. Ah non, autrement, c'est un lover, lui. Ouais. Un tombeur. C'est un champagne lover. Il habite à Reims, comme toi? Ouais. C'est ouais, ça. Ouais. Et c'est tout. Et puis, on a commencé à se parler quand il était avec sa copine parce que ça allait plus. Donc, voilà. Et une fois qu'il a cassé, il a passé le week-end à la maison. On s'est mis ensemble. Et genre là, ça fait 2 semaines qu'il parle à son ex tous les week-ends quand je viens le voir.

Ah bah site de rencontre, c'est des vraies personnes quoi. Bon, sur YouPorn aussi, mais tu les rencontres pas. C'est juste comme un, c'est un film de cul. Ouais, bah heureusement parfois parce que. Ouais, il y a des engins. Ouais. Parfois elles sont dangereuses. Oui, ils sont dangereux d'ailleurs aussi les deux. Bon, reste avec nous alors. On va prendre des réactions là-dessus. Il y a Anthony qui va arriver dans un instant. Il veut réagir pour toi et vous aussi. Donc si vous avez déjà grillé votre ex ou votre mec ou votre meuf sur un site de rencontre, vous nous racontez. Puis si votre mec, votre meuf traînait avec son ex, et ben pareil, même chose. Vous nous dites, on a le temps de faire un petit double appel, allez, c'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu veux ? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric ? Le double appel de Diffoul sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Va te véhiculer, quoi là, ça. Ah, bah voilà, tiens. Ouais. Tiens, prends ça, Marie. Allez, hop. Oh, Marie, qui était intervenue en plein milieu d'un double appel. Ouais, bah ouais. Et on va te faire enculer, connasse. Oh, nous, on c'est est marseillais, on est des américains, on n'a rien à faire avec toi. Allez, on te fait enculer, voilà. C'est nous, sympa, le monsieur. Les américains. Absolument, oui. Allez, Patrick est prêt, je viens d'entendre absolument, ouais. Absolument, oui. Absolument, oui. Voilà. Bah, écoute, toujours prêt, lui, hein. Patrick est prêt, les familles sont prêtes aussi. Ouais. Ah, bah, je vois les numéros qui sont prêts sur le standard. Alors, on va appeler le 05 55 d'un côté, le 02 33 de l'autre. D'un côté, c'est dans le 47, Jean-Philippe. Avec oui, un god, c'est dans le 50. Non, on appelle avec un téléphone, Patrick, pas avec un god. Je te le dis juste comme ça entre nous. Allô? Ah, allô? Oui. Allô? Oui. Ah, c'est bizarre, j'entends un téléphone qui sonne derrière. Allô? Oui, qui c'est? Patrick. Allô? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, oui. Oui. Qui c'est? Allô, j'entends mal. Qui êtes-vous? Faut te laver les oreilles. Oui, j'entends mal. Allô? Oh. Allô? Oui, oui, j'entends bien. Mal. Faut te laver les oreilles. Oui, ben merci. Qui c'est? Comment c'est ton nom? Moi, je suis Patrick, hein. C'est Patrick. Allô? Ouais, vous trompez le numéro, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein. Ok. Ah, excusez-moi, monsieur, c'est vous qui vous... Ah, très bien, là. C'est, bon. C'est vous qui vous trompez de numéro, monsieur. Je suis désolé, c'est vous qui appelez, hein. Mais c'est bien, moi on m'appelle, je réponds, point final. Bah écoutez, mon téléphone sonne et c'est vous que j'ai au bout du fil. Donc quelque part, c'est vous qui m'appelez, mon bon monsieur. Désolé quand même de le dire comme ça. C'est un zinzin. Ah, excusez-moi, ma femme a peur. Oh, j'ai peur. Vous lui faites peur. Voilà, tu lui as fait peur aussi. Quand même. C'est bon, quand tu fais femme, Romano, tu fais flipper les gens. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Ah, pas toujours, hein. Pas de Cédric. Voilà. Ah, si tu fais salut parler, ouais. Beauté. Bah, salut beauté à gros ob. Oh, voilà. Ah, il dégoûte. J'arrête. T'as le plus gros clitoris que j'ai jamais rencontré. Ah ouais, c'est bon ça. Vas-y. Ah. Cédric, je crois que c'est pas un clitoris, je crois que c'est une bite. Enfin, ah, puis vu la taille de ce qu'il a. Voilà, on peut dire c'est ça. C'est pas clitoris. La plus grosse, hein. Voilà, vu la taille de ce qu'il a, c'est comme si c'était un clitoris. Bon, on appelle une autre famille. Allez, deux, 62 deux, et 86. Ah oui, deux autres, oui. Tu as dit quoi? 62 et 86. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Allô? Allô? Ouais. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Vous êtes en relation? Oui, comment vas-tu? C'est qui, là? Moi, je suis Patrick, hein. Patrick comment? Patrick. Je suis en train de m'assurber, là. C'est le con. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Non, je crois, Patrick, qu'il n'a pas envie de se masturber avec toi parce que je crois qu'il vient de partir. Eh ben oui, c'est bien ce qu'il semblait, ouais. Désolé, Patrick. Voilà. Oui, voilà, mais faut pas dire ça. Introduire un peu la conversation avant d'attaquer direct avec. D'accord, ah, oui. Je suis en train de m'assurer. Ouais, c'est peut-être un peu cash, quoi. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Tu peux me dire autre chose, par exemple, je sais pas, moi. T'es en train de te faire baiser ou pas? Non plus. Non plus, ça c'est peut-être un peu trop cash, t'es en train de te faire baiser, Patrick. Il faut qu'il t'encule, là. T'encules, c'est un peu cash aussi, mais bon. Bon, tu veux faire une pipe au champagne? Marie, tu veux faire une pipe au champagne et de l'alcool? Vas-y, profites-en. Ouais, super, merci, ouais. T'aimes ça, Marie, non? Ça doit piquer. Vas-y, on y va. Ah, une petite pipe au champagne. Ouais, super. Tu veux te faire sodomiser, là? Ah, attention. Pourquoi pas? Chez Florence et Georges, on va voir. Ah, attention. Allez, on y retourne. Merci de patienter. Ah, merde. Nous tentons de... Ah non, on est en attente. Allô? Allô? Oui? Ah. Oui, j'écoute. Oui? Oui, moi aussi, oui. Oui, qui est à l'appareil? Ah ben, c'est vous qui appelez, hein, c'est pas moi. Hein. Comment? J'ai dit, c'est vous qui m'appelez, c'est pas moi. Hein. Moi, ça sonne, je réponds. Ah non, ben moi aussi, ça a sonné, je réponds. Ah bon? Oh bah écoutez, je vous raconte pas de bêtises. Hein, ah bah moi non plus. Ça vient de sonner, je réponds. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah je sais pas, il y a un truc là. Ah il y a un truc, hein. Oui. Absolument, qui c'est qui dit absolument? Bon ben ça doit être une erreur, voilà, au revoir monsieur. Oui, bah, c'est tout, on va dire ça comme ça. Absolument. Voilà, au revoir. Au revoir. Absolument, voilà, au revoir. Absolument, c'est qui dit absolument? Il y a un troisième là. Ah oh, bah j'en sais rien, allez, au revoir monsieur. Oh ils sont mignons. Allô? Ah merde, ils sont mignons tous les deux. Vas-y refais. Ouais, il faut aller rappeler. Non non, passe pas, rappeler non, non appelle pas eux là, rappelle les mêmes, Samy là, reprends les mêmes. On va rappeler les mêmes. Absolument. Ben il y en a un troisième qui dit absolument. Ah mais c'est qui? Ouais, c'est qui le troisième qui dit absolument? Absolument, oui. C'est Florence et Georges. Et Georges. Comprennent plus rien. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. Bah, c'est encore vous? Oui. Ben ça vient de sonner encore chez moi. Ah ben moi aussi, ça vient de sonner. Je sais pas, il y a des DF qui PTT qui s'amusent, quoi. Absolument, ah ben, j'en sais rien, voilà. Absolument, oui, qui disent, absolument. Eh ben c'est tout. C'est qui, l'absolument, là? Comment? Ben j'en sais pas, moi. Non, non, c'est pas vous, je sais, madame. C'est une voix d'homme derrière. Ah, Patrick. Ah ben c'est tout. Patrick, eh ben voilà, eh ben, ne décrochez plus la prochaine fois. Merci, au revoir. Et je peux te dire que je vais te baiser. Comment? Patrick, ben nous, on vous a pas appelé et on est à trois sur la ligne. Ben voilà. Bon, ben, on va les laisser s'amuser avec les autres, hein? Pardon? Comment? Tu me feras une pipe au champagne. Voilà, au revoir. Je sais pas, ils s'amusent, on les laisse. Ben moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. Ouais, c'était cool. Moi, je suis décaloté complètement. Ça tombe mieux. Et pourquoi t'appelles ici? Ben devine. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Ouais, ben, tant mieux. Mais moi, je m'en fous de Patrick. Ah. Absolument. Je l'attendais pas, Patrick, là. Absolument, hein. Absolument. C'est bon. Absolument, ouais. Très bien, Patrick, tu as été super. Ah, on va te faire baiser ou pas? Non, c'est fini, ils sont partis, Patrick. Mais là, c'est terminé, là. Il s'arrête plus, Patrick. Bah, il s'arrête plus. Une capote derrière. Oui, tu mets une capote derrière avant de te faire bien. Baiser. Mais t'as raison, Patrick. Merci à Florence et à Georges. Ah ouais, bravo, fantastique. Un des couples de la soirée. Voilà, ils étaient magnifiques, tous les deux, là. Ah ouais, ouais. Bon, ben, si on a le temps, on s'en fera un autre double appel. Merci pour les messages. Double appel, ça déchire. Trop fort, les gens. Ils comprennent rien. L'autre con, il veut. Ben, l'appelez pas l'autre con, c'était Georges. Mais c'est Georges. L'autre con, il veut appeler EDF. Oui, c'est vrai. EDF, les PTT, oui, les PTT, non. Ça fait 30 ans que ça n'existe enfin, plus. PTT, après, ouais, le mec c'est... a décidé d'appeler les PTT. Mais alors, les PTT, c'est vrai, ça n'existe plus depuis 30 ans. Il va galérer, ouais. Ouais, je pense qu'il va galérer à trouver le numéro. Post-télécommunication. Bah, en fait, ouais. C'est anciennement Orange, la poste, quoi. Mais pourquoi la 2T? Parce que post-télécommunication, télégramme, ou je sais pas quoi. Enfin bon. Non, putain, je suis vachement intelligent, je sais des trucs de ouf. Hein. Ouais. Non, c'est ton époque, gros. Si vous avez des initiales, vous me dites, vous me donnez des initiales et je vous dis ce que ça veut dire. OCB. OCB. Va te faire enculer avec ça. C'est pas ça, man. Non, mais ça doit vouloir dire quelque chose. Bah ouais, je pense aussi, hein. Ça veut pas, je sais pas, moi, pour moi, c'est OC c'est bon. OC c'est bon. OCB, OC c'est bon. Bon, si vous savez, vous pouvez nous dire, ça répondra à la question à la compte Karim. Et dans un instant, on va revenir avec Lisa au problème de l'or. Ah, Lisa, je crois qu'elle a grillé, son mec. Alors, je sais pas si elle l'a grillé avec son ex ou avec, ou sur des sites de rencontres avec des meufs. Ouais, ou une autre meuf. On va voir ça. Eh ben, surprise. Lisa, t'es déjà là? Oui, je suis là. Eh ben nous aussi, ça tombe bien. Tu quittes pas Lisa? Eh bien Gilles, OCB en fait c'est le nom des trois créateurs. Ouais, c'est ça. C'est Odé, Cascadec et Bolloré. Bolloré. Et Bolloré. Ouais, Bolloré, ouais, c'est vrai. Et Bolloré, c'est celui qui a acheté Canal+, qui fait faire des économies à Canal+. Fait feuilles à rouler aussi. Oui, il faisait des feuilles à rouler avant. Comme quoi la feuille à rouler mène à tout. Mais pourquoi il y en a ils disent ça veut dire oxyde carton blindé? Non, c'était une chanson à l'ancienne. Ouais, c'est une vieille chanson ça. OCB, OC carton blindé. OCB, fais tourner. Mais ça, c'est de votre époque aussi. Non, mais non, je connais pas ça. Les fumeurs, ils connaissent. Tous les fumeurs connaissent. Tu ne te drogues pas assez, Je peux pas connaître. Drogue toi plus. Lisa, allez, on est de retour avec toi. N'oubliez pas le clash de la drague tout à l'heure sur Skyrock. Ghetto Phénomène. On a besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Tous les matins, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 euros dans le Morning de Difool. 1500 euros, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. La rentrée, ça a du bon. 65 centimes plus coût d'un SMS. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. La nouveauté Skyrock, dites-nous ce que vous en pensez. C'est Ghetto Phénomène, ils seront invités de plaître la semaine prochaine, entre lundi et vendredi. Et c'est Jules aussi sur son. J'ai pas les données, la mama maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît, connaît, connaît. J'ai pas les données, la mama maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. C'est pas les données. Ghetto Phénomène, invité de Planète Rap la semaine prochaine, à pas louper, c'est les Marseillais. Alors, les Américains. Ouais, c'est ça. Les Américains. Avec le Joule, l'Américain. Il a payé le mec, Ghetto Phénomène. Toujours pas. Toujours pas, non. Non, l'OM, est, l'OM a été racheté, mais il n'y a pas l'argent encore. Ghetto Phénomène et Joule sur Skyrock, c'est le son qu'on écoutait. Diffoul. Non, je fais Roland Garros avant. Et c'est ramasseur de balles. Non, arbitre international. Romano. Ah, t'en rêves à mon cochon, hein. Cédric. Moi, je suis un gros con, parce que dès que mon équipe. Oui, ah, pourquoi tu me dis pas de déconneries? Mais ça, ça fait un moment qu'on te le dit. Marie. Oh, la Marie, elle est malade. Mais j'arrive même pas à faire caca. Samy. Mais même les meufs, elles font Rakuten, elles peuvent plus mouiller de la chatte, je crois. Et Karim. Mais tu sais qu'un jour, je l'ai vu, lui aussi, je l'ai rendu fou. Diffoul Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs on est là en direct sur Skyrock. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous ça va, on est content. Ouais, ça va bien. Ouais ouais, on pense à votre rentrée demain si vous rentrez. Il y en a qui sont en train de bosser donc ils sont déjà rentrés. Bonjour à Coolman qui nous a laissé un message. Coolman. Et qui nous écoute ce soir en train de finir le boulot. Eh ben écoute, je sais pas. Ah bah bosse bien. Bon courage. Bon boulot, mais bon pas mal. Balotelli a tenté de rentrer dans une prison pour femmes. On parle des transferts. Balotelli à Nice, vrai, logiquement, c'est fait. C'est fait, ouais, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Et c'est fait, même gratuitement, ils l'ont eu. Ouais. Pour 0 euros. Ah bah ça, ouais, bien joué. C'est surtout ça le problème, quoi. Donc, Balotelli arrive à Nice. Ça, c'est fait. David Luiz part de Paris. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Il retourne à Chelsea. Sissoko va à Everton. Moussa Sissoko, le français. Voilà, il est directeur Everton. Il était où, lui ? Il était à Newcastle. Newcastle, ouais. Newcastle. Il reste en Angleterre. Samir Nasri au FC Séville. Aïe, aïe. Ah, ouais, quoique FC Séville, ça va, ouais, ils ont gagné 3 fois l'Europa League. Hein. Ouais, grave. Oui, bon, bah, bonne chance, Samir. Quoi d'autre? Y a qui d'autre? Y a Mangala qui a signé, je vous l'ai dit tout à l'heure. À Valence. Signé à Valence, en Espagne. Valencia. Mangala, le français. Valencia. Marseille, ils ont acheté Rod Fanny, Clinton, Ngier. Et il y a Nkoudou, le joueur de Marseille, par contre, qui va à Tottenham. Tottenham, lui. Ah, vous perdez Nkoudou. Ouais, bon, ça faisait déjà un mois qu'il était dans un hôtel à Londres et qu'il attendait. Fort, hein, ça fait un mois, gros, qu'il galère dans un hôtel pour signer son contrat. Tellement qu'il avait envie de se barrer de Marseille. Non, mais c'est qu'en fait, on devait attendre, nous, d'officialiser l'avenue de Clinton Ngier. C'est fait ce soir pour que lui puisse signer son contrat à Tottenham, donc bon, c'est fait. Échange, en fait. C'est les dernières heures des transferts, il reste moins de 2 heures dans les c'est transferts. Ça. Et le PSG, vous achèterez rien, ça c'est la question des réels sur SMS. Ils étaient sur un défenseur brésilien qui joue à Santos, à Sao Paulo, pardon, mais finalement je crois qu'ils vont pas le prendre. Ouais, Paris, c'est pas le style de faire des joueurs comme ça dans les deux dernières heures à l'arrache. Ouais, ouais, mais ils vont pas le prendre. Ouais, mais vous allez galérer avec votre effectif, les gars. Mais non, t'inquiète, parce que. Mais non, mais parce qu'il est même pas titulaire, David Luiz, gros. Ouais, mais non, mais je pense que c'est ça va rien donner. Attends, j'ai envie de lancer un sondage, parce que ça énerve Karim et les supporters du PSG. Non, mais moi, c'est surtout. Non, mais le championnat, vous allez peut-être gagner, mais après. La Ligue des Champions, attention, c'est là. Attention, il y a Monaco. Champions League. Ouais, il y a Monaco. La Champions League, vous allez la jouer à la console. Attention, il y a Nice. Nice, c'est pas mauvais cette année. Attention, il y a Saint-Etienne. Ouais, mais non, mais peut-être pas déconner. Attention, il y a Metz, déconne pas. Nancy. Dijon, attention à Dijon aussi, les gars. Il y a le Dijon qui a baisé Lyon, mais il y a Lyon aussi, attention. Hein. Je vais poser une question PSG pour ce soir. PSG, tournons-nous unis, PSG. Ici c'est Paris. Ah mais tu vois, je confirme Romano, tu as une très belle analyse. Le PSG est affaibli défensivement pour la Ligue des Champions. Moi, je trouve pas, alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le PSG aura une année plus difficile sans Zlatan Ibrahimovic et puis une année plus difficile, bon, ça Laurent Blanc, etc., etc. Dites-nous sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Petite question concernant le PSG également de Philippe qui nous demande si Matuidi va partir. Voilà, Juventus de Turin. Matuidi, lui, il veut partir. Matuidi Charot. Ouais, oui. Le PSG, ils veulent pas. Bah déjà parce que là ils ont il reste que 2 heures, donc c'est trop tard, ça y est. Mais ouais, à la base il devait partir, lui il était chaud pour partir, mais le PSG au dernier moment ils lui ont dit tu bouges pas. Alors sondage express, allez-y votez hein. Même si vous y connaissez rien en foot, vous avez le droit de voter. Comme dit Foul. Est-ce que le il est jaloux parce que je lui ai dit que le PSG ça allait être difficile cette année. Moi je pense que ça va être plus difficile cette année. Ouais, moi aussi. Je pense que sans Zlatan, parce que tout le monde disait Zlatan, mais Zlatan marquait quand même un paquet de buts, 30 buts plus 30 buts l'année dernière. Pour la Ligue 1 gros, mais la Ligue des Champions, Ibrahimovic il a jamais rien fait dans sa carrière. Le jeu du PSG, moi je c'est pense ça, que cette année ça jouera mieux. Alors à vous de nous dire. Donc Samy et Karim, vous êtes d'accord? Mais Samy devient parisien. Ouais, en fait vous avez fait pour moi le meilleur recrutement que vous pouvez faire, c'est l'entraîneur. Moi je suis un PSG cette année. Non mais c'est un des mecs qui développe le meilleur foot en Europe depuis des années. Pour l'instant il fait quand même de la merde. Il a perdu un match et les deux autres matchs il les a gagnés sur le fil. C'est comme si par exemple tu vas commencer une nouvelle émission de radio, les 3 premières émissions, le temps que ça se mette en place et tout, tu vois, il y a des réglages à trouver. Jamais. On a redémarré le morning. Lundi c'était la foule. Parce que c'est la même équipe que l'année dernière, mais là ils ont tout changé, l'entraîneur, la façon de jouer, le style de jeu. Skyrock, le c'est la Champions League. Skyrock, c'est la Champions League. Ils sont obligés d'avoir des réglages, tu vois. Alors vos messages, Utopia, elle a 14 ans, elle nous dit je pense qu'ils vont galérer un peu. Oui, bien sûr qu'ils vont galérer. Message de Cyril, allez les verts. Lyon va les baiser. Message de Lucas. Le PSG, ce sera difficile pour Wolves. Paris, c'est nul pour Nono. Lyon, essayez de déjà baiser Dijon la prochaine fois. Ouais, s'il vous plaît, c'est vrai. Ouais. T'as pas vu quand Lyon. Parce que Dijon, c'est la Champions League. Ah, okay. T'as pas vu quand Lyon ils ont perdu Bengus sur Twitter il me semble ou sur les réseaux, il a marqué. T'es avec nous hier Bengus. Ouais, il a mis un petit truc sur internet, il a marqué salut Jean-Michel Aulas, je voudrais un sandwich avec du jambon et beaucoup de moutarde de Dijon s'il te plaît. Craquage gros. Ça va être plus difficile pour le pote le PSG va galérer. J'y connais rien en foot, il précise. C'est l'indécis. Mais t'as le droit de donner ton avis. C'est ça. Le PSG et ses supporters, c'est des fiottes. C'est le message de Momo de Marseille. Pas, façon, hein. Salut Momo de Marseille. Ça pue le PSG. Ça pue la merde. Allez l'OM. Message de Clem du 83. C'est noté Clem. La Ligue des Champions est pour le Barça, mon gars, nous dit Guillaume du 27. Non, ça sera pour le Real, je crois. Et il y a la Juve aussi, attention. Il y a le PSG aussi. Ouais, ok. Emery fait que de la merde pour l'instant. Emery, c'est le nouvel entraîneur du PSG, celui qui a remplacé Laurent Blanc. Il est en train de tester des nouveaux trucs. Il vient d'où, ce mec? Il vient de Séville. Là où Samir Nasri a signé. Séville, c'est lui qui a gagné les trois Europa League à la suite. D'affilée, ouais. Ouais. Pour le PSG, c'est juste une question de mise en place. Exactement. Mais ça va être tranquille, nous dit Kilo. Vous gagnez l'Europa League dans un an. On verra. Bah non, on joue la Champions League, nous. Ouais, mais l'année prochaine, vous aurez peut-être. Bah, moi, je suis Patrick. Oui, bah ça, c'est bien. Il y a Patrick. Il peut peut-être signer au PSG, gros. Je vais refaire. Vous êtes pas dans la merde. Je n'y connais rien, donc je dis comme dit Foul. Tu as raison, Off. Écoute, merci, Off. Je suis d'accord avec toi. Ils vont galérer. Allez, Saint-Etienne pour Marco. Lyon, c'est la Ligue des Champions. Message de Bram. C'est vrai. Vous avez galéré, vous aussi. Bah ouais. Ah ouais, putain, ils ont la Juve, gros. Ah ouais, ils vont se faire taper direct. Nick Samadré, la puta PSG. Allez, l'OM. Ah, même des messages de l'étranger qui nous arrivent. C'est Nick Vatan qui vient de nous laisser un message. Donc vous votez et on vous donne les résultats. PSG va galérer ou pas galérer cette année. Mais non, jamais. Point. Et demain soir, on. Non, mais troisième journée, vous n'êtes même pas premier. Bah non. Ah. C'est Guingamp qui est premier. Mais tu sais que l'année dernière, non plus. L'année dernière, troisième journée, on n'était pas chaque premier. Année, bon. D'ailleurs, champion, chaque année, on n'était pas premier. Ouais, mais vous aviez pas perdu de match. Je pense même que c'est jamais arrivé que le futur champion soit premier au début. C'est, non. C'est du même non. Jamais arrivé. Je pense. Bon, ah, écoutez, on y revient. On vous donne les résultats des premiers à la fin. T'inquiète pas, man. C'est à la fin du spectacle qu'on paye, je sais pas qui là. Les musiciens. Et voilà, c'est ça. Et un spécialiste Blue qui est très actif depuis le début de l'émission. Blue, c'est cool. Le PSG a regretté d'avoir licencié Ancelotti et je suis sûr qu'ils vont regretter Laurent Blanc aussi. Ancelotti, ouais. Comme je vous dis, on sait ce qu'on a. On sait pas ce qu'on trouve. Non, mais Laurent Blanc, bon, le mec, il est parti bien, quoi. 22 ouais, millions, quoi. Ouais, Laurent Blanc, tout le monde le traitait l'année dernière, et d'un coup, là, à Paris, il se manque sur deux matchs. Ah. Et maintenant, tout le monde le regrette. Non, mais c'est, non, mais il avait pas, non, mais quelque part, c'est dégueulasse d'avoir viré. Il avait pas de mauvais résultats, quoi. Non, ouais, non, c'est pas ça. C'est un cap, gros. C'est quand Champions League, il a pas été qualifié contre Manchester City. C'est ça, en fait. C'est un échec. Ouais, bah, c'est pas lui sur le terrain. Écoutez, c'est un échec. Il a pas réussi à mener son Il a mis une composition de merde aussi au match retour. Cette année, oui, c'est vrai. Cette année, c'est bien. Comme ça, vous allez pas être premier du championnat. Ça vous fera un objectif pour l'année prochaine. Non, mais vous ferez. Moi, je te dis. Ce sera qui les champions alors? Non mais cette année ça sera l'Europa League pour le PSG. Voilà, ça c'est bien dit ça. Non mais le mec il gagne que l'Europa League. Vous avez pris un mec qui gagne l'Europa League. Non mais on joue la Ligue des Champions, on ne peut pas jouer l'Europa League. Mais l'année prochaine. Mais non, on va être champion, on va se qualifier en Champions League, gros. Putain, qu'est-ce qu'on va rigoler. Je crois aussi qu'on va rigoler. Bon, on reviendra au transfert avant minuit et puis on se fera les pronostics de France-Italie, d'Italie-France de demain, Italie-France, le match qu'on suivra dans la radio libre. Allez les bleus. Entre 21h et minuit et oui, allez les bleus. Allez. Attention les Italiens ils sont chauds. Bon, on a Laure qui téléphone avec nous, les réactions pour Laure et puis le double appel, ah bah c'est géré. Vous voulez qu'on en refasse un autre? On verra si on a le temps. En tout cas, on a le clash de la drague à suivre avant 11h, promis. Avec méthode rentrée. Hein. Oui, ouais. Méthode imposée par moi, l'arbitre du clash, l'entraîneur de l'équipe. Non? Bah non, beau, t'es ça. L'arbitre. Ouais, mais si tu veux être entraîneur, laisse-le. Bah ouais, c'est moi de te faire entraîneur. Si moi, ça non, mais t'entraînes Cédric. Tu veux ça dans ton CV? Ah non, mais non. Non, je suis arbitre du clash. C'est déjà pas mal. Donc, je vous ai donné une petite contrainte aujourd'hui pour le clash. Je ferai ça plusieurs fois dans l'année, là. On va trouver des trucs comme ça. Donc, la contrainte du jour, c'est une méthode rapport avec la rentrée. Alors, rentrée des classes, rentrée tout court, rentrée comme vous voulez. La méthode doit être en rapport avec la rentrée. Vous avez votre méthode déjà ou Bien sûr. Ah bah vas-y Cédric, balance ta méthode. Bah moi je l'ai pas, moi. Pas encore. Ah ouais, t'en as pas. Bah il réfléchit. Bah moi c'est la méthode de la trousse. J'ai pas de trousse c'est et puis trousse. Bah du coup ce soir je voulais voir si je pouvais pas rentrer mes stylos dans le trou du cul de la femme. Ah ouais, donc c'est la méthode où je rangeais mon parasol la semaine dernière quoi. Dans le cul ouais. Bon si tu veux je peux en faire une autre. Non non mais elle est très bien Cédric, moi j'aime bien. T'as écoute. Pas l'air à l'aise avec ta méthode. Non au dernier clash tu t'es servi de ma méthode quand même, je veux pas dire. Bah t'as raison, fais ce que tu veux Cédric. Bon j'accepte ta méthode Cédric, Romano faut en trouver une, on attaque dans un instant. Ouais ouais mais t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Il y a Nadège qui est avec nous au téléphone en direct du 33. Alors Nadège, vous allez voir, elle va vous mettre bien ce soir ou alors elle va vous énerver. Guignol. Je me souviens de toi, Nadège. On t'a parlé. C'est hier matin ou lundi matin? C'est hier matin. Hier matin. Tu es Nadège de Lormont. Et c'est tu es ça. Heureuse. Oui. Et tu es Nadège de Lormont et tu as gagné 1 500 €, toi, Nadège. Ah. Oui, c'est ça. Et voilà. Encore merci. De rien. Je me rappelle plus. Tu t'étais inscrite sur le 720 ou t'as tiré au sort dans l'annuaire? 720. Ah. Ouais, tu t'étais inscrite.

elle me crie, elle criait dans la rue, quoi. Du coup, j'ai fait comme si je la connaissais plus. Ah ouais, t'as fait une scène devant tout le monde. Ça, c'est insupportable. Oui, excusez-moi, je ne vous connais pas, madame. Ouais. j'ai tracé ma route. Ouais, mais enfin, vous dites ça, mais Romano, imagine, toi, par exemple, il t'arrive la même chose, mais dans le sens inverse. Tu découvres, tu dragues sur le net, tu découvres qu'il y a ta meuf, tu lui donnes rendez-vous, et tu gueules pas connard au connard. Non, mais moi, je lui dis. Non, tu gueules pas connard. Non, dans un premier temps, je lui dis, ouais, monte dans la voiture tout de suite. Et tout de suite. Non, c'est scandale public. Monte dans le coffre. Et dans la voiture, mais il hurle. Et je tape sur le volant sans doute. En déclencher l'airbag. Mais il a rien fait le volant. Ouais, mais bon, vaut mieux taper sur le volant que sur elle. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ah ouais, parce que tu seras obligé de taper, toi. Ah ouais, ça m'énerve. Ah ouais, non, mais là, la vraiment. Non, mais je comprends ta meuf. Oui, si elle avait pas de voiture, moi, elle a hurlé dans la rue. Ouais. Cognard! Et là, tout le monde te mate et tout. Et au final, au final, c'est fini, j'imagine, ton histoire. Oui. Eh ben voilà. Pour l'or. Deux messages d'espoir, celui de Nadège de Bordeaux et celui d'Anthony des Yvelines. Elle va bien dormir ce soir. Non, mais... Excusez-moi. Oui. Anthony, il est de Créteil ou pas? Non, il est de 78, donc c'est pas Créteil. Non, c'est pas Créteil. Non, Créteil, il a la c'est voix 9-4. d'un mec. Ah. C'est un peu perturbant. Vous connaissez tous les deux? Non. Non. Pas encore. Non. Encore. Non, mais alors je peux être en contact avec Anthony, hein. Vous avez galéré tous les deux, donc à la limite. Hein. Non, les Anthony, c'est plus mon délire. Ah ouais, donc ça t'a dégoûté des voilà, Anthony. Anthony, tu peux remballer, voilà, dans ta gueule. Voilà, on remballe tout. Ça, c'est fait. Bon, bah, merci pour le témoignage, Anthony, même si c'est pas des témoignages très optimistes. Comme non, on dit, c'est pas très. Non. Tu vas faire quoi alors, toi? Tu vas faire quoi alors? Je vais voir ce week-end. Tu le vois ce week-end? Bah, on se voit demain parce qu'on va à la salle de sport. Ouais. Donc, je verrai déjà comment il est. Je vais essayer de checker son téléphone pendant vite fait. Ah, espionner. Oh, fais gaffe. Non, mais vous dites pratiquement tous que c'est chelou, qu'il te fait cocu, ou qu'il cherche à te faire cocu, ou que l'histoire va se finir. Après, on sait jamais, hein. Non, mais il y a beaucoup de choses quand même. Oui, c'est vrai, on cumule. En fait, il y a trop de Ouais, c'est trop de trucs en même temps, quoi. À la limite, voilà. J'aurais juste le fait qu'il allait revoir son ex, tu te prendrais moins la tête. Alors, je l'annonce. Ouais, voilà, c'est ça. À ta copine Romano, Bibine, alias Cariol, tu peux aller voir ton ex sans problème, Romano, ça y supporterait, il vient de dire. Non, je supporterais. J'aurais. Je supporterais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est moins. Il y a moins de choses à charge contre lui, quoi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que là, il y a le site de rencontre, il y a beaucoup de choses. Ça fait quoi. Le mec a changé d'attitude vis-à-vis de toi. L'accumulation, tout ça, c'est étrange. Bon, en gros, c'est ce que vous pensez, vous. Moi, je dis quand il y a des doutes, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de doute. Ou alors que t'es parano. C'est vrai. Ça arrive aussi. Merci pour le témoignage. Merci, Anto. On te fait une bise. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Nadège, le t-shirt Skyrock Collector. Oh, on va pas te l'envoyer parce que t'as déjà gagné 1500 euros. Ça suffit maintenant. Quand même avoir le t-shirt. Bon, allez, on va t'envoyer le t-shirt. Allez, on t'enlèvera 20 euros sur un. Oh non. Romano, c'est 50 euros le t-shirt. 50 euros. Attends. Et ça, c'est le t-shirt tout seul. Il y a les dessins Skyrock, rajoute 50 balles. Ça fait 100 balles. Moins, 100 balles plus la poste. Allez, ouh là là, 150 balles déjà. On vous envoie ça. Et puis, Laure, tiens-nous au courant de la suite de l'histoire. Hein. Ouais, bah oui, j'essaierai de. J'espère que ça va bien. Bon courage, J'espère que ça va bien se passer, surtout, Laure. On te fait un gros bisou. Ouais. Salut, Laure. Ciao. Ciao. Ciao, Laure. Bon, merci pour vos messages. C'est quand le clash, c'est qui? Cédric Face de Gland. Ah, bah, ça va arriver. Très beau pseudo. Bonjour, Cédric Face de Gland, 15 ans. C'est quand le clash qui foule. Eh bien, le clash arrive tout de suite. Vous avez entendu la méthode de Cédric. Il en est très fier. Il a plus de trousse et il veut utiliser les orifices de la dame qu'il aura au téléphone. Ou du monsieur, parce que les hommes ont aussi des orifices, pour ranger ses stylos, son tipex, sa gomme. Ça me rappelle un truc. Moi aussi. Donc j'ai demandé des méthodes spéciales rentrées. Romano, est-ce que tu as trouvé ta méthode? Ouais, ça y est, j'ai ma méthode. Est-ce que tu peux nous la donner? Écoutez bien. Eh bien, je suis nouveau prof. Je n'ai pas encore de logement. Et vu que je suis prof de SVT, je peux faire quelques révisions ce soir avec la famille au niveau de la reproduction. C'est que tu m'as fait peur. T'es chauffé. J'ai cru t'allais dire je suis prof. J'appelle un élève à moi pour lui proposer de coucher avec moi. Non, c'est pas ça, non. Donc, on a les deux méthodes. On tente le clash de la drague dans un instant. Le temps d'écouter DJ Snake et Justin Bieber. Il est super ce morceau. Hein. C'est parti. Après, on aura du Nekfeu. Ah ouais, c'est Stéphanie qui nous demandait du Nekfeu tout à l'heure. Ouais. Je trouvais que c'est une bonne idée. En plus, on l'a pas passé.

Sur Skyrock, c'était le son de DJ Snake. DJ Snake et Justin Bieber. Diffoul, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Et ouais, la radio libre en direct sur Skyrock pour tout déchirer tous les soirs. La première radio libre de France qui vous attend au 0153 ouais. 40 30 20. On fait de la radio ensemble tous les soirs. Venez en faire avec nous. What the fuck? J'adore les Américains. What the fuck? J'adore les Américains qui font what the fuck parce qu'il n'est pas content. What the fuck? Ou alors qu'il dit putain, mais c'est de la folie, dis donc. What the fuck? C'est de la frappe. What the fuck? C'est de la frappe. Justin Bieber. Justin Bieber et DJ Snake, l'album de DJ Snake qui déchire tout. Ça s'appelle comment encore, c'est ça? Encore. Ouais, c'est encore. Ça. C'est ça. Encore. Voilà, encore. Vous êtes prêts les clashers? Bah, on est prêts. Ouais, bon, je ne sais pas si mon adversaire est prête. L'adversaire est prête. Ma gueule. Très bien, l'adversaire est prête. Je vous présente Cédric, le magnifique, il est très beau. Le Borussia Dortmund depuis. Non, pourquoi j'ai entendu le Borussia Dortmund? C'est la télé. Ah, excusez-nous, on est à fond sur les transferts, donc on regarde toutes les chaînes de sport. On est partout. Partout ouais. Les chaînes de sport françaises, les chaînes de sport italiennes, les chaînes de sport anglaises. On suit les transferts et on vous tient au courant. On surveille. On vous rappelle David Luiz qui s'en va du PSG. Et puis Mario Balotelli qui arrive à Nice, yes, ça c'est sûr. Ouais. Et Samir Nasri qui se barre d'Angleterre et qui va en Espagne. À Séville, ça c'est sûr aussi. Voilà pour les transferts et jusqu'à minuit, ça peut transférer dans tous les sens. T'aimerais être un genre de joueur, Romano? Ah ouais, c'est bien ça. Ah ben là, c'est la journée où tu gagnes beaucoup d'oseille. Ouais, non mais c'est bien parce qu'en fait, ouais, puis t'as pas à courir, tu vois. Non. Non mais c'est juste la thune. Quand même pas chier que les footballeurs. Ils dorment pas beaucoup. Hein, tu peux courir à la banque. Ouais, ça oui, mais non mais sinon de manière générale. Ah les mecs là dans les journées comme aujourd'hui, ils font le tour de l'Europe, ils sont dans leur jet, ils signent 10 mois. Ouais, ça va, il y a pire. Hein. Non mais c'est la misère gros, franchement. Ils... Ouais, mais c'est la misère dans un jet privé, Samy. Non mais c'est la misère. Si c'est une journée, c'est du taf, ça que je te dire. C'est un truc doux. Ouais, mais d'accord, mais le reste du temps, ils font rien. Bah si, ils font ça tout le temps, gros. C'est les mecs, tu vois la gueule. Qu'ils ont, ils dorment jamais. Hein, je peux moi, dire. J'aimerais bien être l'agent de Cristiano Ronaldo. Après, ils prennent de l'oseille. Ah bah putain, ouais. Ils Cristiano Ronaldo, ou alors Messi, ou d'un gros joueur, ouais, Ibra. Gros... J'aimerais... Quoi que Ibra. Ah, j'aimerais enfin... bien moi, être l'italien là, qui s'occupe de Pogba, là, le... Riola. Ah ouais, lui, il a dû prendre ça. Le mec, là, tout gros, là. Tu sais qu'il a démarré de rien, il a rien, lui, il avait rien au début. Ouais, agent de joueur, c'est peut-être un métier qui vous plairait. J'ai les résultats de notre sondage express sur le PSG d'ailleurs, je vous le donne tout de suite. Ah oui, est-ce que la saison va être plus difficile que prévu? Ouais, c'est un sondage que j'ai fait spécialement pour les supporters du PSG. Pour leur faire plaisir. Et pour Karim, bah, pour vous faire plaisir. Voici donc les résultats de mon grand sondage. Vas-y, express. PSG. Est-ce que ton nom nous unit? On va voir ça cette année. Est-ce que le PSG va galérer? Ou alors est-ce que le PSG ne va pas galérer cette année? Bon, voyant que Ibra n'est plus là, que Laurent Blanc s'est fait licencier. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien... Allez, Paris Saint-Germain, oui. À 58%, ils vont galérer. À 42%, ils vont pas galérer. C'est assez serré, mais une majorité de vos messages. Mais ça, c'est les Marseillais. Pour la galère. Les nœuds qui ont mis ça. Mais moi, il n'y a pas que des Marseillais, regarde. J'ai Fouad de Lille, 59. Ah, mais c'est un mec, t'as le LOSC, c'est normal. C'est un mec, t'as le LOSC, il a le droit d'être t'as le LOSC. C'est normal, parce que son équipe a fait rien. Pète un coup, mec. Oui. T'as l'air tendu du string. C'est vrai. Et pour aller, pour agent de joueur. Ouais. Il y a Akiko qui dit que c'est nul d'être agent de Messi ou Ronaldo, il change jamais de club. Et pour gagner de l'argent, vrai, il faut faire bouger les joueurs. Mais quand ils changent de club, ils prennent 15 millions d'euros, tu vois. Donc. Ah ouais, t'es bah là, l'agent de Pogba, il va prendre, vu combien ils l'ont vendu. Ouais, bah lui, il va toucher genre 10 millions d'euros sur la transaction. 10 millions. Oh putain, oh, ouais, bien, ouais. Et tiens, justement, en parlant d'agent, Mino Raiola, il était pizzaiolo avant, et maintenant il est agent. Et Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo. C'est la star des agents. Lui, il était DJ dans une boîte. Ah ouais, rien à voir, quoi. Comme quoi, ça mène à tout. Comme quoi, DJ Roro va peut-être. Bah oui, au moins. Tu vas prendre des 10 millions comme ça. Tu transmets ça à DJ Roro là. Pas de problème. Bon, sinon. Fuck ugly bitches. Mais qu'est-ce qu'il a, Chris Brown? Il vient de voir Cédric et il dit fuck ugly bitches. Ah, il parle à Romano là. Ah, tu crois? Ouais, sûr. Très bien. Qu'est-ce que tu as à dire à Cédric, Chris Brown? Fuck you. Ah, d'accord. Ok, d'accord. C'est bien noté. What's up? What's up? Ça va? Ça va, nickel. Ça va, Chris. Bon, on est prêt pour le clash de la drague et dans un instant, on retrouve Anthony en direct avec nous. Si vous aussi vous voulez passer à l'antenne, faites comme Anthony. Vous nous appelez ou alors vous laissez un message. Ça fait quoi, Anto? T'as appelé? T'as laissé un message? J'ai appelé. T'as appelé 01 53 40 30 20. Et en plus, les gars, vous avez la chance, vous pouvez tomber sur la Marie. Et les filles, vous avez une chance de fou. Vous pouvez tomber sur Cédric. Ouais, wow, je m'étonne. Quelle chance. Sur Samy ou alors sur Karim. C'est quand même un truc de fou. Hein. Et pour le transfert de Pogba, son agent, il a pris 25 millions. Pas mal. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, c'est 25 partagé avec Pogba. Ah ouais, parce que voilà, ça va rester drôle. Si, c'est moins de moi. Avec toi. La prime de la signature. Oh, c'est que 12,5. Ah, mskin, ouais. C'est la misère, c'est la galère quand même. Je vais même prendre moins de la moitié. Merci à Romano Pepperoni, à Florent, à Rolando. Ouais, il y en a plusieurs qui disent qu'il a pris 25 millions. Ouais, avec la prime, ouais. Avec la prime. Bon, bah écoutez, c'est parti, on te retrouve dans un instant, tu bouges pas. Juste tant que je pine Cédric et ça va aller vite. Je pine Cédric. Ça marche. Et tu vas nous parler d'une grande, grande nouvelle. Je donne ton âge parce que c'est important. T'as 19 ans. J'en dis pas plus. Bah, j'ai trouvé. Une grande nouvelle, magnifique nouvelle. Le bonheur absolu, vous en saurez plus dans un instant, mais tout de suite ça clash. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Alors, je me fais une belle voix pour les annoncer tellement ils sont beaux. Cédric, d'un côté. Ouais, je suis là, ma gueule. Ah ben, ah ouais. Et de l'autre côté, quel charme. Romano le qui est lui aussi. Romano le chauve qui est là aussi, lui, avec nous, comme d'habitude. Beuglant, Romano. Eh ben, beuglant à vous tous. Team Romano, ce soir, je compte sur vous. Comme lundi, on lui met une branlée monumentale. J'adore les glands. Voilà, et les branlés aussi. Ouais. J'adore branler. C'est génial. Vous savez que branler. Branler, c'est génial. Branler, c'est ma passion. Ouais, bah au moins. Ouais. T'aimes bien branler une bite, Marie? Bon, pff, alors, ouais, il est quoi, les 22h34, on se lâche, ça y est, c'est parti. Ouais, allez. Ouais, vite fait, quoi. T'aimes bien? Bon, ouais. Tu préfères la sucer? Bite, Tu préfères quoi, ouais, branler ou sucer? Bah, sucer. Bah, ça dépend du moment. Non, mais sucer. T'as le droit de dire les deux. Bah, ouais, les deux. Bon, allez, à branler en sucant. Non, sucer en branlant. Tu peux faire les deux en même temps, ouais. Ouais, c'est pareil de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, donc t'aimes bien. Mais de mon mec. Mais tu fais comme tu veux. Sens, Marie. Non, mais tu branles et tu suces. Qui tu veux, tu veux. Qui tu veux. De mon mec. Donc d'un côté, Cédric. Suce-moi. Et sa méthode. C'est la méthode de la trousse. Et d'ailleurs, je fais un big up à Toz Ryan qui m'a envoyé la méthode. Très bien. Et de l'autre côté, c'est Romano. Moi, je suis prof de SVT. Je suis sans logement. J'arrive dans la région. Et ce soir, démonstration de mes cours avec la famille. SVT. Reproduction. Si vous avez SVT demain, bah, vous savez pas encore les emplois du temps, on sait pas. Bah, non. Ils te les donnent à la rentrée en général. Ah ouais. Et là, ils te prennent pour un con, là, je veux pas dire. Ouais. Non, mais peut-être que maintenant, tu peux les trouver sur le net avant. À toi, Cédric. Non, je crois pas. Allô. Philippe. Allô, Philippe. Allô. Ah, bonsoir, c'est la femme de Philippe. Oui. Comment ça va, ma belle? Oui, ça va. Ah ben, nickel. Dis-moi, je t'appelle parce que demain, je fais ma rentrée. Et j'ai pas eu le temps d'acheter ma trousse. Donc, je voulais savoir si ce soir, tu pouvais pas me dépanner, histoire de te carrer 2-3 stylos. Pardon? Non, mais c'est quoi ce connerie là? Bah, je voulais ranger mes stylos. J'ai un stylo 4 couleurs, un stylo à plumes, un crayon de papier aussi. Ouais, allez, vos conneries à cette heure-ci, c'est pas marrant. Hein. Et puis j'ai mon sexe aussi, si tu veux. Alors. Allô? Une gamme. Allô? Oui. Philippe? Philippe? Allô, Philippe? Voilà. Ouais, vas-y, raccroche. Mais attends, pourquoi raccroche? Toujours là. Ça y est, t'abandonnes. On raccroche pas au nez des gens, Cédric. Ouais. Bah non, mais elle a posé le téléphone. On t'a pas éduqué? Si, on m'a éduqué mieux que toi d'ailleurs. Non. Mais là, elle a posé le téléphone, donc ça sert à rien d'attendre. Moi, j'aime bien attendre. Bah, si tu veux, on peut attendre toute la nuit, pas de problème. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Cédric? Vous pouvez nous laisser vos messages. Hein. Vous pouvez réagir au clash. La sacrée daube. Au 41759 et sur l'appli, vous pouvez y aller. Évidemment. Ouais. Un peu brutal comme technique. Il a raccroché, on a bien fait d'attendre. Elle nous a raccroché à la gueule, ouais. Un peu brutal comme technique, peut-être. Dit Psychocat. Bonjour, Psychocat. Ah, mais attention, j'ai très bien compris son manège. Parce que le mec, il espérait qu'un truc, c'est que Philippe, il prenne le téléphone. Oui. Mais Philippe ne l'a pas pris. Eh non. Eh ouais, tu vas trop vite, Cédric. Message de Romano Pepperoni. Salut, Romano. Cash, là, ça pue la merde ta méthode pour Sky the Best, 20 ans. Merci. Cédric Latardé rentre en quelle classe? CE2? Non, CP. Calagan, il est content là. Allez, voilà, zéro pointé encore une fois, Cédric, pour Damien. À toi, Romano, on y va. Allez, vas-y. Et Cédric, pour ton. C'est vrai que t'es à l'ancienne un peu, Jérôme. Comme gars. Hein. Le footeux nous dit il y a des emplois du temps sur les plateformes net des lycées. Hein, c'est toi le plus intelligent, dit Foul. Le plus jeune, on va dire. Et en plus, il se foutait de ta gueule, l'autre. Ouais, mais c'est un ringard. Non, mais je crois pas que t'as le net. Il sait même pas que le net existe. C'est que Cédric. À l'époque, il y avait pas le net. Cédric, il est encore au Minitel. Mais ça qui est bien, c'est que tu sais pas dans quelle classe t'es, mais t'as l'air. Alors, je fais 36-15, je veux me faire enculer. Ah, bah, alors, ça marche bien. Bon, ça répond pas. Non, mais c'est pas logique, tu peux pas avoir ton emploi du temps. T'inquiète, on va t'enculer en direct, là. Mais ils ont. Votez Romano tout à l'heure. Réfléchis, abruti. C'est toi l'abruti. Non, t'as l'abruti. Réfléchis. Les profs, ils connaissent déjà. Tais-toi la boîte vocale. Ils ont déjà l'emploi du temps. Ils savent dans le bahut quel va être ton emploi du temps. Ouais, ils les ont fait avant. Donc ils peuvent. Ils savent ta classe aussi. Oui, vos gueules maintenant. Ah, allô. Oui, excusez-moi, allô. C'est qui? Gérard. Allô, c'est la femme à Gérard? Allô? Ouais, c'est Gérard. Ouais. Ouais, comment tu vas? Qui c'est? Eh, c'est Jean-Louis à l'appareil. Je suis nouveau professeur là. Je commence demain dans l'établissement à côté de chez toi. Jean-Louis, Ah, c'est vrai? Eh ben oui, c'est vrai. Et tu vas pas, tu connais pas la dernière. Je ne sais pas où dormir ce soir. Je pense que je vais dormir dans le cul de ta femme. C'est vrai? Ouais. C'est bien. Je peux venir dans 5 minutes? Dans 5 minutes? Ouais, parce que là j'ai fait la route, je suis un peu fatigué. Oui. Donc oui. Je me colle dans le cul de ta femme quelques minutes et après je pense que je vais dormir jusqu'à demain matin. Ouais, ben c'est bien. Voilà. Comme ça, vu que je suis prof de SVT, on révisera un peu la reproduction. Ouais, bon, ok, bien. Eh ben j'arrive tout de suite. Eh ben c'est bien sympa, mon GG. J'amène une bouteille de vin. À tout de suite, mon amour. Bisous. Wow. Quelle belle méthode, quel beau serrage surtout. Voilà, bah, deuxième tour. Enfin, je vais te laisser un deuxième tour, Cédric, parce que je suis bien bon. On a toujours fait deux tours. Et puis, t'as tellement galéré que pour le premier coup de fil. Allez, c'est parti. Allez, on va chez qui? Et on va chez Jean. Jean. Allez, Cédric. Allez, vas-y, tiens. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va remonter un peu le retard qu'il a pris? La première fois qu'il sert du premier tour. Un serrage, à rien. Ah, et puis la rentrée, c'est vrai. Première fois pour le premier coup. Bravo, Romano. Merci, monsieur l'arbitre. Eh ouais. Merci, public. Tu vois, il y en a plein qui disent qu'on peut pas avoir les emplois du temps avant la rentrée. Bah, ça dépend des classes, mais ça existe, abruti. Un message. Et la messagerie, tais-toi. Allô. Attends, il y a quelqu'un. Allô. Oui. Ouais, bonsoir. On est chez qui? Jean-Marie, il est là? C'est de la part? C'est de la part de Michel au téléphone. Michel? Ouais, je suis futur lycéen. Tu peux le passer, s'il te plaît, chérie? Voilà. Bravo, Cédric. Fais chier. Oh putain, la tristesse. Mais pourquoi la tristesse comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Dis-nous. Vas-y, il y aura un troisième tour ou pas? Bah non, j'y prends, non. Pas passer la soirée à faire des clashs. Vas-y, rappelle alors. C'est sympa le clash, moi j'aime bien. Hein. Ouais, moi aussi. Tu prends un rappel? Vas-y, rappel. Allez, il prend un rappel, il tente tout pour le tout. Le rappel de Cédric. Ah, parce que là, il n'y avait rien du tout, là. Ah non, là, tu vois, il l'a dit lui-même, il n'y avait rien du tout. Tu confirmes ce que vous pensez sur SMS. Go, go, Romano, Cédric, c'est un veau. Alors, merci. Allô, Jean-Marie. Anaïs. Jean-Marie? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Ben, ça a coupé, c'est Michel au téléphone, je parlais avec ta femme. Michel, qui? Ben, Michel, je suis un lycéen, là, demain je fais ma rentrée. Oui, ben, j'aurais rien à foutre, elle va coucher. C'est gentil, elle attends deux coucher, secondes. Va coucher comme un chien. Jean-Marie! Cédric, va coucher. Va coucher! Coucher, Cédric. Va coucher dans la niche. Mort pas, Cédric. Oh là, ouais, il est dangereux, attention. Va coucher sur ton tapis. Bon, alors Romano. Ah ouais, deuxième tour pour toi aussi. Ah bah ouais. Tu le prends? Bah ouais, je le prends, évidemment. D'accord. Que je le prends. C'est gratuit, hein. Putain, quelle naze. Ah là là, mais c'est incroyable. Moi j'attends les votes dans je un instant. Je crois que je vais t'en coller une juste pour ton insolence. Pas de violence. Ah, on m'appelle, excusez-moi. Ah bah ça va, tranquille la vie. Oui, Rihanna. Ah bah. Oui, salut ma chérie. Hello. Pépère, quoi. I call you after the show. Yes, we are on the first. Bonjour, nous sommes absents pour le moment. Vous non, c'est une famille qui répond derrière. C'est qui? C'est Rihanna au téléphone. Ah. Elle en peut plus, elle a envie de toi. C'est Julien. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il disait? J'ai demandé c'était qui? Rihanna. Oui, non mais là, au téléphone pour moi. Bonjour, bah, vous êtes bien sur le répondeur de Julien. Bah, en écoutez, effet, c'est Julien. Là, c'est Julien. Un message. Salut, je vous rappelle dès que possible. Salut, mec. Merci, au revoir. Oui. Allez. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Ouais, salut Juju. Salut. Si tu veux en fumer un petit avec nous ce soir, y a pas de problème. Quel suspense. N'hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Attention, c'est le dernier coup de fil et après vous allez pouvoir voter. Voter pour Cédric d'un côté ou Romano de l'autre. Ouais, les familles elles veulent même plus te parler. Quoi. Mais qu'est-ce que t'as fait toi, gros sœur? Mais comment tu peux te permettre? Elles veulent même pas te parler. Vous êtes en relation avec la répondeur téléphonique. Bonjour le répondeur téléphonique. Allez, Mathieu. Mathieu. Ouais, Mathieu. Oui. Comment tu vas? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. T'es chez tes parents ou t'es avec ta meuf là? C'est qui Jean-Louis? C'est un copain de ta meuf. Ah. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'en fait ce soir je vais passer à la maison là. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait je t'explique, demain je suis nouveau prof là dans un bahut pas loin de chez toi là. Ouais. Et vu que j'ai pas encore trouvé mon logement, j'avais vu avec elle sur internet pour une petite partie de jambes en l'air. Ça tombe bien, je suis prof de SVT. Donc okay. Je viens dans 5 minutes. Ouais, pas de soucis. Eh bah écoute, c'est super sympa de ta part. Non. Merci, allez. Merci mec. Ouais. À tout de suite, je te kiss, bisous. Bip bip. Non mais ça fait deux serrages à la suite, c'est ouf ça. Ah ouais, deux serrages et Cédric, rien du tout. Bon, après, ça arrive. Hein. Après rien n'est fait, hein, parce que là on a juste les appels du clash. Maintenant c'est vous qui décidez et au final c'est vous qui avez toujours le dernier mot. Vous votez au 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous votez comme des oufs. Allez-y. Vous nous laissez vos numéros de téléphone si vous avez un truc à dire à Romano et à Cédric pour les encourager, ça peut toujours servir. Et sinon, c'est parti. Top vote, il est 22h43 et jusqu'à 22h48. 43 plus 5, Marie. Et 48, allez Marie. 49. Non, pas loin. Là, fait journée de bon, ce soir, mes amours, faut voter Romano, vous avez compris. Non. Deux appels, deux serrages. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Allez, ça tu vote, ça dégoûte. Vote. Votez Cédric, la famille, moi j'ai besoin de votre aide. Ce soir, votez Cédric. Ah ça ah, vote pour Cédric, tu vois. Ah bah c'est gentil, merci. C'est pas mal, il y en a un. Vigile pas voter Cédric, hein. Votez Romano, qu'on le pine comme il faut. Bah Vigile Pampers, vote pour Romano. Vigile Pampers, 14 ans, votez Romano pour Mika. Kenzo, vote pour Romano. Je vote Cédric pour La Somme. Ah, Cédric, Romano, qui va gagner? Capucine vote pour Cédric également. Merci Capucine. Elle a dit, on a fait 83%, on peut encore monter, mais. Votez Romano, R-O-M-A-N-O, votez en masse. Goteng Sama qui a 17 ans et qui nous dit votez Cédric. Le Guingampège, je vote Cédric. Chido Romano, Jay-Z Romano. La table de mixage, vote pour Romano le Chauve. Baptiste le Marseillais, je vote Romano. La France entière, allez-y, où que vous soyez, faites votez péter Cédric. Les votez Romano. Bambou pour Romano, Click pour Romano, Panibi pour Cédric. Ah. Indétrônable Romano, ça on sait jamais. Hein. Ah, vous savez que c'est comme ça que ça marche. Et 4 minutes de vote encore. Attention, allez, attention. Cédric. Le chronomètre est enclenché, déchaînez-vous. Faites péter tout ça. Anthony, tu votes pour qui, toi? Moi, je peux. Pour Romano. Ouais, Romano. Parce que Pokéchum, il a pas. Pokéchum, le bâtard. Non, c'est Pikachum. Pikachum. Ouais. Ou alors Grokémon. Ah ouais, Grokémon. Alors tiens, en parlant de Grokémon, on va peser Cédric là, tiens. Ah bah tiens, ah ouais. Quelle bonne nouvelle. On est à veille de la rentrée, on va faire ton poids avant de la rentrée et on va le suivre tout au long de cette saison. Ouais, vas-y, cherche ma balance. Va chercher ta balance. Prends les micros en même temps. Et on est de retour. Balance, micro et la totale. Allez, c'est parti. Anthony, à toi de jouer maintenant. Donc t'as 19 ans, t'es à Niort et on voulait parler d'une super nouvelle, un truc qui peut vous rendre heureux et heureuse. Le bonheur intégral. De quoi s'agit-il? Ah. Bah, j'ai une idée. Ouais, moi aussi. Tu vas être daron. Ouais. Ah, vous pensez qu'il est enceinte? Non, sa meuf. Eh bien, il n'est pas enceinte, Anthony Romano. Ah, sa meuf? Ouais. Bah ouais. Parce que pour toi, ça sera vraiment une très très bonne nouvelle, Romano. Rappelle-toi quand ta Gothique est tombée enceinte, le bonheur qu'on lisait dans tes yeux. Il a levé les sourcils. Non, mais laisse-moi chialer. Ses yeux qui pleuraient dans tous les sens. Non, mais moi, j'avais pas envie. J'étais trop jeune. Ouais. Bon alors Anthony, raconte-nous un peu, on va vérifier si c'est ça. Ouais. Bon, enfin c'est pas trop une bonne nouvelle quand même, parce que si tu préfères, ça fait 10 mois que je suis avec ma copine. Ouais. Et si tu préfères, déjà dès le premier mois, elle s'embrouille avec ma daronne, si tu préfères, elle s'en taper dessus, elle s'en insulter. Je préfère rien Anthony, c'est comme tu veux. C'est à toi de voir, t'inquiète. C'est à toi de gérer, oui. Ouais, elles se sont embrouillées, elles s'en taper dessus et tout. Donc du coup, ça met un grand froid quand même entre moi et ma daronne. Un petit peu, oui, ça peut. Deux mois après, je me suis barré. Ouais. J'ai été rejoindre ma copine. Ah bah t'es barré à cause de ça? Ouais, je me suis barré. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois avec une meuf, elle se prend la tête avec ta mère, et toi tu choisis la meuf direct au bout d'un mois? Non, ça faisait 3 mois après que j'étais avec elle. Ah la même, c'est pareil, au bout de 3 mois avec une meuf, laisser la maison, quand on a 19 ans, ça veut vraiment dire que tu croyais en elle et tu étais très amoureux. Ouais, bah ça faisait 4 ans quand même que je la connaissais avant qu'on hésitait à se mettre en couple. Ouais, mais entre le moment où tu la connais et le moment où tu sors ensemble, je suis sûr, par exemple, Romano, tu connais Cédric depuis des années. Oui. Tu sortirais avec lui, sans doute ça changerait vos rapports. Ah non, mais je sortirais pas avec lui. Ouais, hein. J'aurais des rapports à nous, oui, avec que dalle, ouais, je t'enculerais bien. Ouais. Non, mais j'ai pas envie de me taper Cédric, moi. Non, parce que avant et après, c'est pas pareil, hein. Ah non, bah c'est pas du, ouais, c'est pas les mêmes rapports, oui. Bah oui. Non mais c'est certain, mais c'est quand même bizarre, elle en vient aux mains avec ta mère et tout, je sais pas moi. Mais au bout d'un mois, elle s'est tapée avec ta mère. Ouais. Mais c'est quoi, c'est ta mère, elle est folle? Ou alors ta copine, elle est folle? Ou les deux? Ah mais oui. Un peu des deux, mais bon, vu que je suis fils unique, ma mère a pas trop accepté. Et... Non mais ta mère, elle doit bien comprendre qu'à 19 ans, ouais, un jour tu vas sortir avec une fille. Hein. Non mais c'était, en fait c'est parti de quoi l'embrouille quand ils se sont tapés sur la gueule? Bah, en fait, ça faisait un mois qu'elle vivait chez moi, quand ma copine. Ouais. Et en fait, notre relation s'est fait au fur et à mesure chez moi, parce que elle était dans la galère, donc j'ai été l'aider. Au départ, c'était une pote. Ouais. Et en fait, ma mère a pas trop accepté qu'on se soit rapprochés. Ouais. Ouais. Et du coup, on est sortis ensemble et tout. Puis un soir, elle s'est embrouillée, puis ça en est venu aux mains, quoi. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est qui a levé la main en premier sur qui? Ma mère. Ah, ta mère, ouais, parce qu'il y a Shawir qui nous dit, Shawir de Paris qui dit, putain, si ma meuf tape ma mère, je la défigure. Non, mais c'est clair. C'est clair que, ouais. Je peux aussi faire du bruit, Cédric. Mais t'es complètement con. Oh, je déménage. Non, tu déménages les studios, je sais pas si vous avez entendu. J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. Ah, c'est allumé, c'est pour ça, Karim, il a allumé. Ah, bah oui, le micro est allumé, ça fait du bruit. C'est normal, le micro est allumé. Oh, ouais, c'est ça, un micro. Non mais il est complètement. Moi je vous le dis depuis des années qu'il est complètement. Bon, il a la gueule, hein, moi il ferme le. Alors laisse nous finir avec Anthony. Ouais, ferme ta après, gueule. Après on va te peser. Alors quand est-ce qu'elle t'a appris qu'elle était enceinte, ta copine? Enfin bah du coup tu vois on s'est mis en appart. Puis bah là ça fait 4 mois qu'on est en appart. Puis bah ça fait 2 mois qu'elle est enceinte. Et alors heureux? Alors papa, félicitations mon grand. Couvert jaune quand même parce que bah on prévoyait ça pour plus dans un an. Et oui mais d'accord mais si vous baisez sans capote et qu'elle ne prend pas la pilule, ça il faut bien se douter qu'à un moment donné la graine va prendre. Ah ben on est d'accord. Ouais, c'est pire. Oui mais d'accord mais évident. Non mais oui mais t'es au courant dès le départ quoi, tu sais t'es pas idiot quoi. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Décider de le garder, mais seul problème c'est que avec ma famille ça a commencé un petit peu à se remettre bien, mais si elle apprend ça elle va péter les plombs. Et puis après, bah écoute, je pense que ta maman elle sera contente d'être grand-mère parce que les darons elles sont comme ça au bout d'un moment. Ouais, non mais ouais. D'accord, mais enfin si elle appelle ta meuf la connasse et qu'elle peut pas se la voir. Oui, mais attends, pareil, Romano, ta mère elle aimait la gothique. Pas des masses. Non, elle aimait pas. Pourquoi elle l'aimait pas? Elle aimait pas son genre. Et puis elle la trouvait sale aussi. Non, ouais, bah ça, le coup des règles et qu'elle avait taché le lit. Donc elle aimait pas sa mère aussi. Parce qu'elle la trouvait mauvais genre et sale. Ouais, c'est ça. Bah tu l'aurais annoncé l'histoire du bébé que t'as eu avec elle. Oh. Tu l'aurais annoncé qu'elle allait être grand-mère avec que la gothique serait sa belle-fille. Ah, je pense qu'elle pleurait. De joie. Non, elle pleurait. De ouais, non, mais ouais, je pense qu'elle pleurait. Ah ouais, même. Elle m'aurait dit, ouais, non, mais pourquoi tu fais ça, quoi. Pourquoi t'as fait un gosse à ce machin? Non, mais c'est ça, elle aurait pas pris. Non, mais ouais, non, mais je pense qu'elle aurait pleuré, ouais. Moi, je pense que les darons, toi, non, mais ça dépend. Je pense qu'au bout d'un moment, ta mère, elle sera contente d'être mamie. Mais ta copine, elle fait quoi? Bah, beau sport. Ah ouais, mais je pense que ça vient de là aussi, moi. Dites-nous votre âge et comment vous imaginez que réagirait votre mère? Si vous lui annonciez que vous alliez être papa ou maman. Moi je te dis, allez-y. Anthony, ta mère elle va mal réagir. 41-759 Skyrock. Ah non, mais ça c'est sûr. Explication. Ouais, parce que c'est négatif comme. Non, mais explication. En fait, la meuf, bon, toi, là, ta copine, tu l'as dépannée, elle est venue chez vous. Déjà pendant 4 mois, elle a rien foutu, elle était chez vous. Déjà, ta mère, ça a dû la rendre folle, tu vois. Il suffit qu'elle. Mais folle comment? Folle comme ça? Peut-être même encore un peu plus. Ouais. Ah, c'est qu'elle était folle. Non, mais ça a dû la rendre folle. Il suffit qu'elle l'ait vue en train de glander, elle a dû se dire ouais pourquoi elle cherche pas de taf. Et derrière, toi tu lui, elle tombe enceinte, elle va se dire ouais la meuf elle a trouvé le pigeon, elle est tombée enceinte, comme ça elle va profiter de mon fils quoi. Ouais non mais c'est ça ouais. Et en plus elles se sont embrouillées donc elle doit pas. Marie aussi t'es pas très optimiste. Ah non ouais. Ah ouais. Bon, moi je suis pas sûr que la nouvelle ouais ça l'enchante. Bon après le gosse tu le fais pas pour ta mère non plus hein. Oui c'est vrai ouais. Moi je pense que mes parents me renient, nous dit le câble HDMI de la PS4 qui nous écoute, un fidèle. Ah ouais, là, ouais. Moi elle me défoncerait je pense. C'est Lily la célibataire du 82 qui nous envoie un message elle aussi. Lisa Chegebradi qui nous dit elle me défonce même à 23 ans parce que ça fait vraiment pas longtemps que je suis avec mon mec. D'accord. Moi ma mère elle rigole, j'ai 14 ans, Adrien de Nantes. Ah allez, oui, bon, elle est cool. Elle est cool. Ah là, t'as une maman cool oui. Moi c'est un aller simple pour le bled, j'ai 16 ans. Ouais, mais là-bas, tu peux tomber enceinte aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais oui. Ma mère me tue. C'est chaud si je suis enceinte. Baby chou, salut ma baby chou. Moi, ma mère a toujours été super heureuse. C'est le message d'un autre Damien, là, sur les SMS. Donc, 41-759, appli Skyrock. Ma mère fait une prise cardiaque pour Baptiste le Marseillais si je lui annonce que ma copine est enceinte. Bah, tiens, il y a Elle me tue, j'ai 17 ans. Ah, il y a Lune aussi. Ma première sœur avait 18 ans quand on est tombé enceinte. Ma deuxième sœur en avait 15. Oh, ma putain. Mère a failli faire des crises cardiaques. Putain, vous les faites tôt, les gosses, chez vous, ah, là. Ah ouais, c'est clair. Ouais, 14 ans, je pense que mes parents me tuent. Et le bébé aussi, Éluard de Seine-Saint-Denis. Moi, j'habite plus chez moi, je suis tranquille, j'ai 16 ans. Ah ouais, donc toi, tu fais ce que tu veux. Après, bon, t'es quand même obligé d'annoncer ouais, bah, ta mère. Ouais, et puis bon, sûr. Faut l'assumer aussi. Bah ouais, 18 ans, ma mère et ma... Putain, mais vous êtes... Vous pensez que vos parents, ils vont réagir comme ça, vous? Non, mais surtout les parents d'Anthony, comment ça se passe avec ta mère? Obligée, elle ne va pas être contente. Non, moi, c'est certain. J'en mettrai ma main à couper. Fais attention, Romano. Fais gaffe, gros, ouais. Mais tu nous rappelles, Anthony, tu nous dis si ta mère est contente, on coupe la main de Romain. On lui coupe en direct. Non, mais moi, je sais pas, vu les rapports qu'ils ont, la situation de ta meuf, tu sais, elle taffe pas, elle a squatté chez toi, c'est la meuf, ta mère, ça doit la rendre dingue. Ah ouais, elle peut pas se la voir. Moi, elle me dirait bien joué, nous dit Monsieur Titanium du 59, 17 ans. Moi, elle m'enterre, c'est l'Algérocaine. Bonjour l'Algérocaine. Elle me nique d'un coup, gros coup de babouche dans la gueule pour TSS. Un petit coup de babouche. Et en plus, elle va se dire qu'elle va voir la meuf toute sa vie, du coup, puisque ça va être la mère de son petit fils ou de sa petite fille. Et toi, Anthony, tu fais quoi dans la vie? Tu bosses? Ouais, bah ouais, je suis. Ouais, non, mais c'est ça, je te dis, ta mère, elle va se dire. Le problème, c'est que je préfère, je suis en CDD, ça se finit le 18 septembre, et je sais même pas si j'ai un CDI derrière ou quoi. Ouais, c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux d'assurer un boulot quand on a un gosse, parce qu'un gosse, ça coûte cher. Elle en profite. Tu crois? Il a du boulot, elle lui a fait un gosse, voilà. Non, bah ouais, c'est ouais, moi je pense que c'est la réaction qu'elle va avoir. Tu vois, beaucoup d'optimistes à ma droite et à ma gauche, du côté de Romano, enfin en face à droite et en face à gauche, et du côté de la Marie. Mais Cédric, tu penses quelque chose? Non. Ouais, si, je suis en l'air. Non, mais ma mère me défoncerait aussi, ouais. Ah ouais? Ah bah bien sûr, ouais. Ah bah à ton âge? Bah ouais. À 48 ans. Pas, peut-être pas à 48 ans, non. Tu te fais mettre à l'amende à ta mère à 48 ans. Non, mais d'accord, il y a un âge à un moment donné, tu vois, je veux bien être gentil, mais il y a des limites, quoi. Si ma mère, moi, elle me dit, ouais, non, tu fais pas de gosse, je lui dis, écoute, je suis assez grand, je fais un peu ce que je veux. Ouais, tu l'expliques à ta zizi, tu sais quoi, comment ça marche. Dans l'appart et tout, oui. Non, mais d'accord, non, mais à ton âge actuel. Ah, mais là, je fais ce que je veux, oui. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est ça, je mets dans sa position à lui. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Ah, tu nous disais à 19 ans. Là, ça me ferait chier, tu vois, qu'elle aime pas ma mère, tu vois. Ouais, parce que dépasser un âge, oui, quand même, il faut. S'autonomiser. Non, mais voilà, ouais, tu sais, quand t'as ton appart, t'as ta vie, ouais, tu fais quand même un peu ce que tu veux. Ce que tu veux, grave. Oui. Heureusement d'ailleurs. Bon, tu bouges pas, Anto, reste avec nous, on y revient dans. Bah, on y revient dans un instant là. Vous nous dites. Donc, toi, tu voulais savoir comment l'annoncer à ta famille, c'est ça, hein? C'est ça. Bon, si vous avez des idées pour Anto, on vous attend. Là, il va falloir trouver un sacré scénario. Sky Solidarité, vous nous dites tout ce que vous voulez. 41759, skyrock.fm. Et puis 01 53 40 30 20, vous nous appelez. Dernière heure de Mercato à suivre jusqu'à minuit sur Skyrock. On refera un point sur le Mercato de cette année. Mercato football. Quelques mouvements en cours. Là, il y a un Marseillais qui devrait arriver là dans quelques minutes. Putain, les Marseillais, vous avez acheté combien de joueurs ce soir? 3 aujourd'hui. Waouh. Et donc là, il y en a un qui devrait arriver. C'est un Français qui joue à l'AS Roma. Enfin, il jouait plus trop. Il s'appelle William Vainqueur. Vainqueur. Ouais, tu vois, ça va nous porter. Il va aller chez des losers, tiens. Il reste une heure, mais là, il est à Marseille, il est en train de passer sa visite médicale, donc normalement, c'est bon, une heure, c'est gérable. Peut-être ça va vous porter chance, c'est Marseillais, on sait jamais. Vainqueur. On verra. Et pour nos amis algériens, il y a Slimani, l'attaquant de l'équipe d'Algérie, qui a signé à Leicester. Très bien. Donc, les transferts jusqu'à minuit. Et dans un instant, c'est Escrew et Nekfeu qu'on va retrouver. J'adore ce morceau. J'ai écouté tout l'été sur la radio. Skyrock, bien sûr. Nekfeu avec J'aurais pas dû, Nekfeu et Escrew à écouter sur Skyrock. Et les résultats du clash, je vous les donne aussi dans un instant. C'est sur Skyrock, Radio Libre jusqu'à minuit. À la rentrée, on a besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Tous les matins, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le Morning Daddy Fool. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. La rentrée, ça a du bon. 65 centimes plus coût d'un SMS. Vous l'aimez? Oui. Mais lui, mentir au 72021. Jamais vous ne le trahiriez, non. Mais lui, mentir, M-E-N-T-I-R au 72021. Vous voulez savoir s'il est fidèle? Vous avez des doutes? Et lui, envoyez mentir au 72021. 65 centimes plus prix du SMS DGP. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, repos. SCH, allô, nouvel album disponible. Allô maman. Allez, à toi, Jérém, je suis sûr que t'es un mec marrant. Ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et Stop! T'en as marre de raconter des blagues pourries? Télécharge Yax. YAX. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi, le peuple Yax t'attend. Yax. YAX. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 €. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Difool.

avez pas un truc du MSD ou du MHD ou je sais pas. Vous avez ça? N'importe quoi. Non, on n'a pas ça normalement. J'adore. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Voilà, quand on est rappeur en Italie, voilà ce qu'on écoute. Skyrock, il mettrait en Italie, on vous mettrait ça toute la journée, imaginez. Non mais c'est bien qu'on vous fasse découvrir du rap de tous les pays là. Faites-vous découvrir, je sais pas, du rap marocain. Skyrim il me fait écouter des trucs cet été, c'était marrant. Je sais pas, du rap allemand, du rap espagnol, du rap première radio urbaine mondiale. On doit vous faire découvrir un peu tout ce qui se passe dans tous les autres pays. Attention. Andiamo comme un ballon. Et là, je vous explique, vous mettez les épaules en arrière et vous dansez avec les bras le long du corps. Et la tête en arrière aussi. Et la tête en arrière, tout en arrière, ouais. C'est génial, comment ça s'appelle? Alors je vais te le dire, c'est Fabio Rovazzi. Et le titre c'est Andiamo a comandare, on va commander. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de l'été italien là. Si vous êtes allé en Italie, vous avez sûrement entendu ça. Ah bah ouais, ouais. Obligé, ouais. Rovazzi! Rovazzi! Mais che cazzo fai? Qu'est-ce que tu fais? Cazzo ça veut dire beat, hein, c'est une expression comme ça. Non so se son pazzo o son un genio, faccio i selfie. Bon bah on l'aura passé ton titre, Romano. Bah quasiment en entier. Bah ouais. Content, Karim? Ah, mortel, génial. Ouais. Andiamo a comandare. Scalto forte con il mio cane. Andiamo a comandare. Già batte nel locale. Andiamo a comandare. Sboccio acqua minerale. Attention. Andiamo a comandare. Épaule en arrière, tête en arrière, bras le long du corps et on danse. Chef, on a l'air d'un con, hein, mais bon, c'est comme ça. Andiamo a comandare. Comment ça s'écrit? Andiamo. A comandare. Comme ça se prononce. L'italien, ouais. C'est facile en fait. Tu écris ce que t'entends. Non, mais de toute façon, si tu vas sur YouTube, le titre il est direct suggéré. Il en a pas fait 10 000. Alors, ouais. on nous suggère du rap polonais là. Merci bah, vas-y, à Loupiote. C'est bien. Le rap marocain, ça déchire, mais ça fait un peu blédard. C'est le message. Non, de... t'es malade ou quoi? Il y en a un, il s'appelle Drizzy Dross, man. Drizzy Dross, ouais, c'est Drizzy Dross. Et il y en a un autre qui s'appelle. C'est quoi? C'est une copie de Rick Ross. Ouais, non, c'est Rick Ross. C'est comme quand ils te vendent un Macoste à la place d'un Lacoste. Ouais, c'est ça, ouais. C'est du falche. Ouais. Mais il y en a un autre qui s'appelle Comi, mais ils sont forts, hein, gros. C'est bien. Ouais, ouais, franchement, ils sont forts. Non, ouais. Mais tu m'avais fait écouter un truc bien avec l'instru de Carnage. Le son, il s'appelle Carnage, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, ouais, Fat Joe, il y a Fat Joe sur le son, tout. Ah, il y a Regada en rap marocain, on nous dit là sur SMS. Non, c'est Regada, c'est pas du rap marocain, gros. C'est quoi? Regada, c'est une danse, c'est de la musique marocaine qui s'appelle Regada. Eh ben, révisité classique. Ah, c'est un style de danse, quoi. Ouais, c'est un style de danse, de musique, quoi. Bon, très bien. Du rap belge. Bon, on en passe du rap belge. Oh, oui. Bah, par si, exemple, qu'est-ce qu'on passe en rap belge? Chai, ouais. Chai, rap belge, on l'a mis hier, là. Bon, j'étais en Italie, c'est vrai, je l'ai écouté. Ah, il y en a un qui va vivre en Italie, il est où, d'ailleurs? Parce que j'ai vu un message qui défilait, là, juste à l'instant. Attendez, je remonte les messages, putain, il y en a plein. Eh, c'est marrant, ça vous a plu, le truc, le rap italien? Fabio Rovazzi, andiamo a comandare. Ah, j'ai perdu l'auditeur qui va aller vivre à Milan. Bah, tu pourras nous écouter, t'amènes la. Bah, tu vas l'entendre, hein, celui-là. Bah, ouais. Tu écoutes les radios italiennes aussi. Et Marie, pour toi, il y a un groupe de rap allemand qui s'appelle Cro. Cro, Marie. Ah, ouais. Nambourg. Cronenbourg. Je sais pas. Mais... c'est Cro. Vous n'avez pas un groupe qui s'appelle Heineken. C'est un groupe allemand. Voilà. Et Corona, j'adore. Voilà. Par exemple. Donc, si vous connaissez du rap et que vous avez envie, du rap étranger, hein, qu'on vous a pas passé sur Skyrock et que vous avez envie de le découvrir, vous nous envoyez vos messages, allez-y, passez-nous un coup de fil. Et on débarque avec vous. Et on a Arthur et Mylène qui sont avec nous là. Justement, c'est pour agir pour non, alors attendez, on va les prendre après. On va quand même leur dire bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Mylène. Bonjour à tous. Ça c'est Arthur. Salut Arthur, c'est Mylène, ça je crois. Je suis trop fort. Et vous êtes en couple tous les deux, c'est ça? Oui, bah c'est mieux. Très bien. Et ah bah si vous voulez réagir par rapport à Anthony, donc j'ai raison de vous prendre maintenant. Oui, tout à fait. Anthony qui est depuis 10 mois avec sa meuf qui s'est battue avec sa mère au bout d'un mois. Ah ouais, putain. Et là, elle est enceinte. Depuis combien de temps elle est enceinte? Tu nous as pas dit, Anto? Deux mois. Ah si, tu nous avais dit, si, en ouais. plus. Deux mois. Ok. Pas encore te faire avorter jusqu'à trois. Hein. Ouais. Pas toi, mais ta copine, elle veut le garder, le bébé? Ouais. Bon, donc on oublie l'avortement. Ouais, et on aura aussi. Si on passe ces cas-là, on a préféré éviter. D'accord. Et puis dans un instant, on aura aussi la réaction de Océane. Donc vous restez avec nous, le couple Arthur, Mylène, Océane qui doit être déjà dans le coin du côté du 35, oui. La Bretagne. Ça va, Océane ? Je suis là. Bisous, Océane. Bonsoir. Coucou. Et bah, tu restes avec nous juste le temps que je vous donne les résultats du clash de la drague de ce soir. Ah, ça donne quoi, Matt ? Les résultats du clash de la drague de ce soir. Eh bien non, Romano ne fera pas 90% comme le dit. Ah merde. Eh ouais, comme le dit William. Il n'est loin des 90%, je peux vous l'annoncer. Oh non, putain. Il est même très très loin des 90%. Bah, tu vas pas faire 90% tous les soirs. Faut que, ouais, tu peux te chier là. Qu'il y a un peu de suspense. Non mais attends, vu ma prestation, vu celle de Cédric. Ouais, mais. Ouais, moi je joue en Ligue des Champions. Cédric, il est en je sais pas quoi. Voilà, oh, Romano, c'est la Champion League. Les familles. La Champion League. La Champion League. Rah, rah, rah. Je sais pas, toi t'es un vétéran quoi. Ouais, c'est ça. Tu parles le chauve, il parle le vétéran, s'il te plaît. Quoi, je sais pas ce que t'as fait 83% lundi, c'est un score exceptionnel. T'es un poussin quoi. Mais bah, t'en es loin. J'en suis loin, mais loin comment? Bah loin, loin. Je suis à plus. Ah non, t'es loin en dessous. Non, non, t'as pas. T'as... Loin en dessous. Non, mais attends, ah, ouais. Je fais pas genre 51% quand même. Bah tu fais peut-être 49. Hein, ah non, ça serait. Putain, ça serait magique ça. Alors les résultats du clash de la drague. Merci pour tous vos votes. Comme d'habitude, vous avez été exceptionnel. Ouais. Enfin, plus exceptionnel pour un que pour l'autre. Bah ça oui, j'imagine bien. Ouais. Comme le dit Mickey, 59 591. Ouais, alors mettez des chiffres, mais pas trop longs dans vos messages parce que. Sinon il galère. Mickey 591. Fais-toi aider par Marie. Au clash de la drague, ouais. Romano, c'est Rocco Siffredi et Cédric, c'est Clara Morgan, toujours en train de se faire baiser. Ah non. Okay, belle image. Non mais c'est vrai, c'est une belle image quoi. Il a quand même pas la gueule de Clara Morgan. Clara Morgan, elle a pris sa retraite, hein, mon pote. Eh bien Cédric, j'espère que tu prendras pas ta fraise cette année. Non, non, vas-y. Car tu réussis à remonter, mais de manière folle, sur ce qui s'est passé vendredi. D'une manière folle, folle. Lundi. J'ai dit quoi, vendredi? Ouais, vendredi. Lundi. Les résultats donnent la victoire à Cédric ce soir. Romano, tu crois franchement, pas. Non mais tu me dis qu'il gagne, mais la gagne. Coupe, Romain, il se la prend dans la gueule. Qui Romain? Ah. Réseaux sociaux. Comment tu te prends la coupe dans la gueule, Romain? Parce que lui, tient la coupe, je sais pas, il fait porte. Ah bah vas-y, éloigne-toi de moi parce que je vais me la prendre aussi dans la gueule. Non, non, parce que c'est Romano qui gagne. Ah quand même. Avec un petit score par rapport à lundi, puisque tu ne fais que 76% des dons. Contre 24. Cédric, 24, tu remontes. Je te baise, hein. Baise, ouais, baise, baise, ouais. Baise, ouais. Tu remontes sec. Doucement, ouais. Ouais, ouais. Je non, te non. Baise, baise, baise, tu, ouais. Tu remontes bien. T'étais à 83. Non, t'étais à 17 lundi et là t'es déjà à 24. T'as gagné. Baise, baise, baise, c'est pas énorme baise, non plus. Bien. Bon clash de la drague, bon vote. Bravo Romano. Hey, ah, merci à toute la team Romano. Il merci. Est content, écoutez, ouais, merci, il est content. Ça fait plaisir. Et Cédric? Non mais moi je remercie ma team Le Bèche, t'inquiète, mais la rentrée personne là-dedans. Non, non mais déjà si, de faire 26%. Ça va faire voir série, ouais. Non mais déjà de faire 26 avec ce que t'as fait à l'antenne, c'est pas mal. Hein. Ce que j'ai fait, non mais. Non mais franchement, 24, c'est non, tu fais 24. De faire 24 déjà. 24, c'est pas mal. Ouais. C'est déjà pas putain, mal. 26, tu me donnais un peu plus. Non, non, mais non. Non mais t'inquiète, la rentrée c'est demain. Je pense que vendredi soir, ma team sera bel et bien rentrée. Je pense qu'on va te baiser vendredi, mon pote. Ah, la team Cédric est en vacances. Ah bah non mais là c'est plus être en vacances. Il y a des mecs qui ont déserté là. Non mais la rentrée c'est demain. Il y a plus personne dans le boui-boui. On va tout activer les machines là totale mon pote. Tu vas voir. Bon Cédric on t'a avec nous, ça tombe bien. Tu vas te peser maintenant parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. La balance tu l'as installée. Ouais elle est prête. Les micros ils sont branchés. Ouais. Très bien. Vous voulez nous tuer en fait c'est ça. Pourquoi tu veux qu'on te tue? Non bah je sais pas putain. La semaine dernière il faisait 94,6. 94,6. C'est pas mal dis donc. 94,6. Ouais, on pensait que t'avais grossi, mais. En 94,6, j'étais sur la bonne voie. Non, mais c'est. Ouais, c'est. J'ai maigri un peu, ouais. Un peu. Tout va bien, quoi. Allume ton micro, du con. Alors, Cédric. Non. Allez, va te peser. On file donc dans les toilettes. Pourquoi tu veux toujours te peser dans les toilettes? Oh, j'adore. Parce que c'est plat, le sol, il est plat. Là-bas, c'est pas plat, ça marche pas la balance. Tu vois, ça marche pas. Mais y a pas des collines dans les tuyaux de Skyrock, t'es malade. 93,6. Non. Putain. Attends, quand tu bouges, ça remonte. Attends, mets-toi droit. Non, mais. 86, si, t'as raison. 93,6. Eh bien, tu es vraiment sur la bonne voie. Non, mais pourquoi tu dis 0,6, abruti? On a l'impression que tu donnes une fréquence. Parce qu'il y a un point sur la machine. Mais non, mais c'est virgule 6. Non, ça. Oh là, j'ai vu, il y a un point non, sur non, la machine. Non, mais quand t'as été à l'école, c'est virgule. Je pèse 93,6. Ouais, c'est bien. Voilà. Débile, complètement. Mais t'as maigri. Ouais, j'ai maigri, c'est l'essentiel. Non, mais t'es. Ouais. Ah, mais ta gueule. Ça se voit pas trop. T'es quand même loin du compte. Marie, petit à petit, tu vois. Toi qui es la spécialiste, quel est le nombre de grammes perdu par Cédric? J'ai perdu 1,3 kg. Il était à combien? Il était à 94,9, non? Eh ouais. Bien, ouais, 1,3 kg. Ouais. Et ouais. Bravo, Cédric. Eh, je pense que. Oh là, j'étais à 94,9. Non, mais oui, demain. Attends, demain, je vais essayer. Attends, demain, on est quelle journée? Demain, on est jeudi. Oh là là, mais tac, tac, tac. Avant la fin de la semaine, en dessous de 93, déjà. La ouais. semaine prochaine, en dessous de 92. Ouais. Vendredi prochain. Ouais, cool, ouais. Et je pense dans deux semaines 80. Mais tu seras potable ouais. dans 10 ans quoi. Là, non, ouais, non, non, faut, t'inquiète. Faut plus. Non, non, mais je suis sur la bonne voie là, t'inquiète. Très bien. Bravo Cédric, félicitations. Merci, vous pouvez merci. Le féliciter et lui laisser des messages, ça lui ferait tellement plaisir. Tiens, Toche qui laisse un message qui te dit bravo Cédric, Dams qui te dit il y a encore du boulot. Ça c'est clair. Boulot, ouais. Il y a encore du boulot, ouais. Ah, c'est, les, c'est les défaites au clash, il s'en remet pas, il perd des kilos. T'inquiète. Continue Romano, merci. Marie vomit mon sperme. Bonjour. Ah, non. C'est le pseudo. Putain, c'est de pire en pire. Enlève 600 grammes, c'est mon sperme qui est dans son cul. Ah. Merci de la précision. Tu sousserais le truc. Ah. Merci Marie vomit son sperme. Ah. Bon, alors, Océane, Arthur, Mylène, vous allez nous dire ce que vous pensez de l'histoire d'Anthony. On vous a demandé d'ailleurs comment réagiraient vos parents si vous leur disiez qu'il est... il y en a qui fait du bruit là, c'est qui? C'est qui, Queen? Océane, tu es en train de grincer. Ah, tu es en train de te faire engueuler aussi. Par ton daron. On salue la famille. La famille de... Ouais, donc là, pour parler avec la famille, on va la retrouver là tout à l'heure, Océane. Bon, alors, Arthur, Mylène, vous vous êtes là, plus calme déjà. Toujours, toujours présent. Toujours, toujours présent. Alors, toi, tu as 21 ans, tu es à Alençon, donc à Anthony, toi, t'en as 19 et t'es à Niort, et donc tu risques d'être papa bientôt. C'est l'horreur. Pourquoi tu dis c'est l'horreur? C'est Domenech c'est qui nous laisse. Domenech qui nous laisse un message. Ouais, après il faut avoir envie quoi. C'est bien d'être papa si t'as envie, ouais, ça c'est sûr. Alors bah, toi, tout dépend avec laquelle fille t'es. Hein. Exactement. Toi, ça faisait combien de temps que tu connaissais Mylène quand elle est tombée enceinte? Bah, ça faisait 2 mois. Ah oui, donc toi t'es rapide quand même. Vous imaginez, vous sortez avec une meuf depuis 2 mois, vous lui faites un gosse. Ah ouais, c'est rapide quand même, ouais. Ah, c'est rapide, hein. Ah, ah ouais, l'enlève. Toi avec la gothique, comment? Tu veux qu'elle l'enlève? Quand t'étais avec ta gothique, toi, ouais. Au bout de combien de mois elle est tombée enceinte? Non, non, c'était après des années. Ah, parce qu'il est resté 3 ans et demi avec cette truc, avec ouais, cette ce truc. Magnifique, magnifique jeune fille. Je pense que c'était 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Ah ouais, donc t'as vraiment. Deux ans. Non, mais c'était pas prévu, hein. Mais Ah bah non, ça c'est. Elle sait plus, elle avait oublié de prendre sa pilule ou cette godichonne. Elle a fait exprès, elle voulait peut-être tomber enceinte. Hein, ouais, ouais. Non, parce que mais direct, parce qu'en fait, elle voulait pas le garder non plus. Elle était en dépression aussi. Ouais. Ah, vous imaginez le couple, ils apprennent Toi, t'étais content quand t'as annoncé qu'elle était enceinte au bout de 2 mois, Arthur? Bah oui, moi j'étais content. Ah ouais, putain, moi ça m'aurait. Mais la en plus, t'avais quoi? T'avais 20 ans à l'époque, 19 ans? 19. Ah ouais, donc 19 mais, ans. Mais ta meuf, la Mylène, tu la connaissais d'avant ou pas du tout? C'est une meuf que t'avais rencontrée? Non, je la connaissais pas du tout. Ah ouais? Ah ouais, tu lui as fait confiance. Et vous êtes toujours ensemble? Bah oui, parce que vous nous appelez ensemble. Toujours, toujours. Et jamais vous avez eu... bon, vous avez des embrouilles de couple, j'imagine, mais jamais c'est parti en couille, jamais... Non. Donc en non, fait, t'es tombé sur la bonne, tu lui as fait un gosse, mais t'as eu de la chance, hein, quand même. Bah ouais, un peu, quand même. Ah bah ouais, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble au total? De quoi? Ça fait combien de temps que vous êtes au total, ensemble? Oula. Bah du coup, ça va faire plus de 2 ans. Ouais, quoi, c'est pas non plus, ouais, ça fait pas 20 piges que vous êtes ensemble. Ouais, mais bon. Bah j'aurais du mal, là. Oui, non mais oui, forcément. Oui, t'en as 21. Non mais d'accord, mais je serais sorti avec elle tôt, et ça c'est sûr. Non mais on dit ouais, c'est une bonne histoire, c'est la bonne. Au final, au bout de 2 ans, t'en sais pas trop rien. Et quoi. Tu sais jamais ça en fait, Romano. Moi j'ai vu des couples, ça faisait 40 ans qu'ils étaient mariés, des papis, des mamies, et puis ils se prennent la tête, ils divorcent au bout de 40 ans de mariage. Ouais, ça arrive. Tu peux jamais savoir, l'amour est une fleur qui s'arrose tous les jours. C'est souvent genre le mari est en retraite et voilà, je vais pisser sur la fleur. Voilà, elle va crever la pauvre. Voilà, au contraire. Non mais en tout cas, moi je déconseillerais quand même. C'est rapide, 2 mois, tu connais. Au bout de 2 mois, tu connais pas réellement la personne. Non, ah, c'est clair. Bah non, c'est sûr. Ah ouais, ouais. Bon, maintenant tu la connais un peu mieux. Bon, t'es content de papa, c'est un garçon, une fille, c'est oui, une petite fille. Une petite fille. Très bien, comment elle s'appelle? Eline. Eline, 21 ans, une petite fille. Et ben on lui fait un gros bisou. Ben oui. Ça va pas bien. Mignon, mignon. Ça a l'air d'aller tous les deux. Mais il faut parler comme ça. Comment on parle au bébé? Bah, c'est qu'après ils sont débiles. Ah, dis, ouais. Écoutez ça. Comment réagissent vos parents? Tiens, Enzo Mazzoli Fournier, qui nous fait: ma cousine a eu un gosse avec un mec en boîte. Hein? Merde. Ah bah merde alors. Ah genre elle s'est fait sauter en boîte ouais. Et elle est tombée enceinte. Ouais, oh, putain, ouais mais bon déjà elle est folle de pas baiser avec une capote quoi. Ah ouais. Avec un mec que tu rencontres comme ça. Oui c'est vrai, bien vu ça. Surtout en soirée, putain ouais. C'est un peu risqué. Eh ouais. Non mais à ce moment-là, mais oui. Tu baiserais avec un mec en boîte et tu seras enceinte. Comment réagirait ta mère, Romano? Non mais je peux pas être enceinte. On sait jamais, regarde. Dans Secret Story, il y a un mec et il a eu un gosse. Mais non, mais il était femme avant. Mais il est tombé enceinte, je l'ai vu, moi, il était tout barbu, il avait un gros ventre comme Cédric. C'est vrai. Ouais, non, mais moi, elle me dirait que je suis con et elle aurait bien raison. D'accord. Et toi, Cédric? Ah putain, moi, dit pareil, ouais. T'aurais dit pareil. Ouais. Non, ouais, faut mettre des capotes, quoi. Non, mais tiens, pour un peu, le mec, il est même pas au courant, hein, qu'il est père. Oh. Putain, bah, t'imagines. Il y a un message qu'on dit, merde, Cédric va être enceinte, j'ai spermé dans son cul. Ah, non. Merde. Non. Désolé, pas possible. S'il ressemble à Cédric, il va pas être beau, l'enfant. Ah non, ça c'est clair. Au contraire, voilà. Bombe atomique, t'es fouteux, quoi. Non, mais t'aimerais que ton gosse, il te ressemble? Bah oui. Semble? Ah ouais? Je suis le père, s'il ressemble au postier, ça me ferait chier. Putain, l'expression de beauf. Ah ouais, ah, le truc. Bah, c'est vrai. Oh là, s'il ressemble au postier. Mais tu fais un enfant, toi, tu veux qu'il ressemble à qui? À ton voisin? Romano, son enfant, il sortira déjà chauve. Ouais, mais les gosses, ah, parfois, ils ont pas de cheveux quand ils naissent. Non, mais tu sais que moi, j'en avais grave. Bah, t'aurais dû en avoir après. Ouais, mais ils sont pas restés. Ah ouais, c'est ils sont barrés. Non, mais Cédric, tu feras pas ça à ton gosse, autant qu'il ressemble à la mère, quoi. Ah non, tant qu'il me ressemble à moi, t'es photo, quoi. Ah, t'aimerais bien qu'il te ressemble. Bah ouais. Mais pour ça, sérieux. Bah oui, sérieux. C'est-à-dire qu'il est les deux yeux tout rapprochés avec, une grosse bouche. Une grosse tête, une grosse bouche. Attends, non, mais t'aurais une meuf. T'aurais, pour faire un enfant, faut avoir une meuf. Non, mais ton enfant, c'est une fille. Ouais. Tu préfères qu'elle ressemble à la mère, là. Qu'elle ressemble un peu plus à la mère, oui. Mais avec des trucs de toi? Ah bah oui, quand même. Ah non, bah non. Un minimum. Bah non. Quoi, le ventre? Non, pas le ventre. Ah, le ventre, non. Les mentons. La bouche à pipe. Pour une fille, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah, super. Ouais. Mais tu veux que je te défonce, toi? Mais pourquoi d'agressivité comme ça? T'es malade. Parce que je te trouve un petit peu trop en confiance, bah ouais. Tu vois, depuis la. Non, mais par exemple, moi, je te dis honnêtement, si je fais un gosse avec Carriole, et si c'est une fille, je préfère qu'elle ressemble 100% à Carriole, quand même. Ah, faut qu'elle ressemble un petit peu. Ah, bah, moi aussi, parce que autrement, la gosse, elle est chauve. C'est une chauve, ce qu'il a. Ouais, une fille chauve. Non, mais une fille chauve, c'est horrible. Gueule, Arthur. Bon, ben, le couple, on vous embrasse. Mylène est derrière toi, non? De quoi? Mylène, ta chérie, elle est derrière toi? Ouais, elle est en train de se mettre en pyjama, là. Oh. Mais Mylène, c'est qui avait un chien qui s'appelait c'était Mylène? C'était mes parents. Ah, c'est ça, je me disais, Mylène, ouais. C'est un prénom de chien, ouais. Gros. Non, c'est un prénom de fille. Ouais, c'était une chienne, d'ailleurs, mais. Oui, c'est mieux oui, pour c'est, chienne, oui, ouais. C'est mieux, ouais. Bon, on aura Faisal dans un instant. Alors, Faisal, il a connu exactement la même situation qu'Anthony. Ouais. Avec sa mère. Et il va nous dire comment ça se passe au bout d'un certain temps. Juste avant, il y avait Océane. Ah oui, Océane. Ça y est, t'as géré le problème avec la famille? Oui, c'est bon. C'est bon, tu salues la famille derrière. Alors. Non, il n'y a pas la famille derrière. Non, c'est non. Qui poussait un hurlement tout à l'heure? Non, qui poussait un hurlement, c'est juste une personne, un ami, c'est tout. Ah, d'accord, mais il semble. Ça va, ouais. Ouais. Ouais. Totalement équilibré. Oui. Alors, c'est. Non, mais c'est bon, arrêtez le foutage de gueule, là. Attends, arrête le foutage de gueule, okay, Romano. Arrête tout de suite. Ok, Océane. Bon, parce qu'on va taper sinon, Romano. Alors, toi, ta mère, elle a pété un plomb, elle a bien accepté quand t'es tombée enceinte, ça s'est passé comment? Attends, d'abord, t'avais quel âge? Bah, à un moment-là, j'avais 26 ans. D'accord. Oh, bah ouais, attends, mais à 26 ans, tu fais ce que tu veux quand même. Bah hein. Ouais. Ouais, mais bon, étant donné que je travaillais pas et que mon mec non plus, bah, ça passait pas bien et j'étais pas partie de mon domicile, donc ça a pas été bien accepté du tout. Mais t'es partie du domicile, ouais. Mais vous êtes allée où? Parce que vous aviez pas de sous. Mais non, je suis partie de chez moi. Tu comprends rien, Romano, mais bah quel ouais. Con. Putain, mais Océane, dis-lui que c'est un con ce type là, regarde, qui comprend rien avec son crâne chaud. Océane, traite-le, t'as le droit. Mais oui. Non, mais t'es pas. Je suis partie de chez moi, j'ai rencontré mon mec, et au bout de deux mois en fait, okay. Je suis tombée enceinte. T'as compris? Et donc. Et les capotes, c'est fait pour les chiens? Hein. Et je vous emmerde. D'abord, demandez-moi pourquoi au bout de deux mois je suis tombée enceinte. Bah parce déjà. Que toi, au bout de deux mois, tu es tombée enceinte. Bah parce que t'as sans doute baisé avec lui. Non, c'est parce qu'en fait, il m'a demandé un enfant, et donc j'ai dit oui. Bah oui, on a décidé de faire un enfant. Ouais, mais d'accord, voilà. Mais t'étais c'est pas obligé pas de dire oui. On a oublié de mettre des capotes. Hein, toi? Attends, con, ce mec là, moi je ne supporte plus. Je vais aller écouter, je sais pas moi, Nostalgie. Allez. Moi je prends son chat directement. Romano, il m'énerve. Allez, coup de pression. Non, mais c'est ouf ça. Mais bah, toi qui se fait très bien. Et est-ce que ta mère qui l'a mal pris au début l'a mieux pris après quand il est arrivé? Ta mère, elle a raison. Bah, ma mère, elle a mal pris parce que bah, ça faisait seulement que deux mois. Non, mais ça, j'ai compris. Et... Voilà. Non, mais un mec avec que tu connais depuis deux mois et qui te demande un gosse, toi, tu lui fais. C'est-à-dire que demain, tu rencontres un mec, au bout de deux mois, tu lui fais un gosse s'il en veut un. Eh ben, bah, je l'ai fait parce que je fais confiance et aujourd'hui, je suis très heureuse. Ah, bah, tant mieux. Je suis avec lui et ma fille, elle a 18 mois et c'est le bonheur. Mais par contre, pour réagir par rapport à la situation de Anthony, parce que c'est pas la même, c'est pas vraiment la même. C'est juste pour dire qu'un enfant, ça coûte cher. Ah ouais, ça. Ah, tu vois, t'as quand même un point commun avec Romano, tu vois. C'est vrai. Non, bah, c'est vrai que ça coûte des sous. Les soirées entre potes, il faut oublier. Fini, terminé. Les grasses matinées. Fini. Les nuits complètes aussi. Ouais. Je veux pas te couper la morale, mais pour un enfant, c'est le bonheur, c'est la joie. Mais par contre, ça faut savoir. Bah, ça met de bonne humeur. Ça te met de bonne humeur. Mais ça met de bonne humeur. Le bonheur, c'est la joie, mais ça coûte cher. Ouais, ça. Tiens, Romano, tu l'as. Tu sais, Océane, t'as dégoûté Romano d'avoir un enfant pendant au moins 10 ans. Non, mais ça, moi, je sais que ça coûte cher, mais bon. Moi, je pense que c'est bien d'être au courant avant de le faire. Mais là, comment ça se passe maintenant? Vous travaillez, Océane, avec ton copain? Oui, maintenant, on travaille, oui. Ah, bah, tant mieux. Bah, c'est bien, tu vois, t'as montré à ta mère que tu pouvais te prendre en main. Et ça va mieux avec ta mère. Donc, ta mère, elle avait tort. Bah, tout se passe bien maintenant. Eh ben voilà. Bah, ouais. Un peu de violon. Ouais, bah, oui. Pour adoucir. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, ta mère t'a reproché un truc, tu lui as montré que tu pouvais le prendre. Déjà que tu pouvais avoir un enfant. Que tu pouvais te prendre en main. Bah, que je pouvais me prendre en main, que je pouvais me prendre en charge, assumer. Mais par contre, par rapport à la réaction de l'autre, faut savoir que il y a des choses qu'il faudra mettre de côté, quoi. Bah, ça coûte cher. T'auras des soirées de merde, des nuits de merde, des matinées de merde, et puis des rendez-vous chez le banquier de merde. Enfin, c'est fantastique. À part ça, aussi, non, c'est cool. Aussi, voilà. Aussi. Également. Bon, c'est gentil, Océane. Merci d'avoir appelé. En tout cas, comment il s'appelle ton bébé? Mon chéri, que j'embrasse très fort. J'espère qu'il écoute. Il s'appelle Bois. J'adore. C'est trop mignon, Bois. J'ai soif. Eh ben, on fait un gros bisou à ton petit chéri. Bon, en tout cas, merci de m'avoir appelé. Merci, Océane. Et si Ronald t'énerve, tu as la priorité à l'antenne. Tu n'hésites pas. Tu passes à l'antenne et tu dis ce qui t'énerve. Attention, hein. D'accord, ok. Je suis très nerveuse, par contre. Non, pas du tout. Très peu. Pas du tout. Bon, on te fait une bise, Océane. Bisous à toi. Ok, bonne soirée. Voilà. Alors, je me retourne maintenant vers toi, Anthony. Oui. Alors, heureux. Déjà, je savais déjà que ça coûtait cher. Dans 7 mois. Pour les soirées, je m'en fous un peu. Fini les soirées. Ouais, c'est ce qu'on dit au début, hein, tu sais. Mais c'est vrai, il faut pas oublier tout ça. Non, mais après, les soirées, bon, faut s'organiser, mais. C'est pas, moi, je sais pas, je connais des gens qui ont des gosses, ils arrivent quand même à avoir une vie, hein. Il y a Louis qui nous dit, moi, j'aime trop baiser. Alors, un gosse, jamais. Louis, 17 ans. Baiser. Mais tu peux continuer à baiser, tu sais, quand t'as un gosse, hein. Bah oui. Ouais, mais c'est mieux que les parents, ils soient ensemble. Et qu'ils s'aiment. Ouais, mais toi, qu'ils soient pas cocu. Non, mais c'est vrai que tu peux avoir encore, heureusement, t'as des relations sexuelles une fois que t'as fait un gosse. Ouais, mais avec ta meuf, lui, il aime trop baiser, à mon avis. C'est pas qu'il y a des nanas qui sont mères, après, tu baisses plus quand même. Bah tiens, t'es content du voyage. C'est vrai, ça. Là, t'as tiré le pompon. Toi, tu t'es senti mère, Marie, non? Ouais. Non, plus que Marie. Alors, pour les nouveaux auditeurs de Skyrock, faut quand même vous annoncer qu'à 15 ans, elle a découvert qu'elle était enceinte. Non, mais comme ça, par hasard. Bon, c'est pas très loin. 16 mois. J'avais 16 mois. Tiens, moi, j'ai une question, Marie. Est-ce que quand t'étais enceinte, tu t'es fait ken par un autre mec que le père? Non, mais ça va pas. Évidemment. Bah, évidemment que oui. Bah, si. Non. Mais vu que t'as dit que tu t'es séparé avant qu'il naisse et peut-être que. Non, c'est séparé après. Ouais, mais t'étais pas au courant que t'étais enceinte pendant longtemps, t'avais dit. Oui, je savais pas, ouais. Et tu t'es pas fait ken. Marie s'en est rendu compte au bout de 8 mois. Non, quand il a eu une grossesse. J'ai grossi, mais tu sais pas ce qui m'arrive. Ouais, mais... Oh, il y a un truc, il sort de ma chatte et mais il crie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il sort de ma chatte. Non, mais c'était bizarre. Hein. Tu sais, le déni de grossesse, t'as pas l'impression que tu grossis du ventre et tout ça, et dès que tu le sais, paf, le truc sort. Ah ouais, saloperie. Il y a un machin qui sort de ma chatte. Mais en plus, il a des mains. Ah merde, il bouge. Oh le con. C'est la première fois qu'une bite avec des mains sort de ma chatte. N'importe quoi. C'est un enfant, Marie. Bah oui, je sais. Mais oui, c'est ton enfant. Il n'est pas sorti de là en plus. Ah oui, c'est vrai. Césarienne. Ah oui, on t'a ouverte. Ah oui. Eh ouais. C'est mieux, non? T'as pas les douleurs, mais enfin bon, après pendant une semaine tu peux pas te relever, t'as plus d'abdos, c'est un peu la merde quand même. Mais du coup, ta chatte elle est moins éclatée, non? Pardon. Comment ça, elle est moins éclatée? Non, mais vu que ça sort par le ventre. Avec ce qui est passé dedans, mon ami. Non, mais. J'ai pas eu par mais tu le fais pas par voix basse, t'es pas dilaté, tu vois, ça sort par le ventre. Non, je pense que t'es pas dilaté après, de toute façon, c'est un muscle. Il y a quand même un temps où c'est dilaté, je pense. Si, tu dois travailler le muscle. Ouais, c'est ça, le périnée. Tout à fait, ouais. Faire les pompes. Bon, dans un instant, on aura Faisal. Et Faisal, il a connu exactement la même situation qu'Anthony. Ouais. Donc, on en reparle dans un instant. Vous bougez pas, on fera un dernier point sur les transferts avant minuit. Ouais, parce que ça va se terminer dans 34 minutes. Juste un petit truc, Moussa Sissoko, finalement, qui signe pas à Everton, mais qui signe à Tottenham. D'accord, bon, il reste en Angleterre. Ouais. Très bien. Pas le même club. Bon, les transferts à suivre avant minuit aussi, on se passera le son de Alonso, Binta, et puis DJ Khaled et Drake, c'est ce que vous entendez l'instru derrière moi là, c'est le son qu'on va écouter tout de suite sur Sky. Ouais. DJ Khaled avec Drake, ça c'est du gros son sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale, too good.

foule. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Bon, si vous voulez un autre Drake, il y en aura dans la nuit. Restez bien dans le coin. C'est sur Skyrock que ça se passe. Alonso arrive tout à l'heure. On écoute Binta. Le son d'Alonso, direction Marseille. Et puis, bah, vous tous et vous toutes de toute la France, Marseille ou ailleurs, vous pouvez nous appeler. C'est au 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages aussi sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Et puis, bah, vous débarquez ici en direct sur Skyrock. Ce matin, on parlait d'un truc qui nous a bien fait rigoler, c'est de regarder le nombre d'émissions de télé-réalité à la con qu'il y avait à la télé. Ah, il y en a un paquet, ouais. Il y en a combien, ouais. Il y en a un paquet. Pour moi, la meilleure, pour l'instant, enfin, la mieux, c'est les Ch'tis et les Marseillais, contre le reste du monde. Ouais, je suis d'accord. Ouais, pareil, ouais. Marie aussi. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y a l'autre idiote qui me fait rigoler, comment elle s'appelle? Jessica. Ah, ouais. Ah, Jessica qui est bête, mais comment elle est bête. Mais qu'est-ce qu'elle est dark, hein? Ah, mais elle est marrante. Dans sa connerie, elle est dark, hein. Elle est fou. Non, elle est marrante. Voilà, c'est ma sœur. Ah, il me semblait qu'il y avait un point comme avec Cédric. Non, mais elle assume d'être conne, donc c'est marrant. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle assume. Non, mais tu vas me dire quand tu annonces, quand tu lui dis, je sais pas, la meuf qui te dit que Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique en 1946. Ouais, déjà. Bon. Mais c'est déjà, je crois, c'est même pas c'est qui Christophe Colomb. Avant de savoir s'il a découvert l'Amérique, tu vois ce que je veux dire, Christophe Mais c'est Colomb, ouf parce que la capitale de l'Espagne, pour elle, c'est Rome. Effectivement, il y a quelques. Ouais. On part de loin. Elle est très, très forte. Bah, c'est une Marseillaise, hein, j'ai envie de dire. Et l'Angleterre, c'est les États-Unis. L'Angleterre, c'est les États-Unis. Bien sûr. Voilà, bah très bien. Et ouais, l'Angleterre, c'est où? Ah, bah, c'est aux États-Unis. Oh, ils parlent la même langue, ils parlent américain. Aux États-Unis, d'Amérique. Alors, tiens, il y a Jérémy qui dit, moi, c'est ma télé-réalité préférée, celle-ci. La plus pourrie, c'est Secret Story. Non, c'est les trucs d'Energie 12, les plus pourris. Ouais, Secret Story, j'ai pas regardé encore, moi. Moi non plus. Tu vas me dire, tu te dis ça, mais moi non plus, j'ai pas regardé Secret Story. Pareil. C'est juste qu'il y a un homme enceinte. Ouais, c'était l'événement. Il y a un homme enceinte. Ouais. Qui a été enceinte. C'est marrant d'être homme et d'être enceinte. Moi, ça, c'est vraiment le genre de truc, ça me plairait pas du tout. Les gars, lui, il a kiffé. Mais on a un pote, hein, pareil. Hein. Qui? Ah, Cédric. Mais oui, c'est vrai. Mais ça fait longtemps, lui, qu'il est enceinte. Ouais. Jamais accouché. Non, on attend. Ah, il y a Lord Légion qui nous dit c'est pas un mec. Non, c'était une meuf au départ qui est devenue mec, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Ouais. Moi, ma préférée, c'est Secret Story. Je regarde depuis le premier. C'est le message des cheveux de Romano qui vient d'arriver. Non, le cheveu. Là, il y a même plus les cheveux. Ah, il y a les cheveux. Ah, c'est pas le même alors. Ah ouais. Bon, salut à tous les cheveux de Romano qui sont sur les réseaux et qui. Alors, c'est une meuf travelo. Oui, c'est une meuf qui est devenue homme après, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, plus trans. La revanche des ex, c'est d'un nullissime purée, nous dit Jérém. Les anges, c'est bien. Ouais, les anges, c'est le moins pire d'Energie 12, oui. Il y a un autre truc, là, qui, il y a la revanche des ex et attention, je me marie ou je Non, sorry, je me marie. Ah, sorry, et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la merde, comme t'imagines. Mais, non, mais c'est quoi le concept? Ah, non, le concept, c'est un concept, c'est un concept de merde. C'est que de la merde. J'ai même pas pu regarder, en fait. C'est de la merde. Je sais même pas ce que c'est, le concept. Bah, en fait, le truc, c'est que t'as l'enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, elles sont filmées, elles savent pas que leur mec les voit. Ouais. Et ils doivent donner des notes. Voilà. C'est un mélange entre Les Anges, Secret Story, le Bachelor, le dîner presque parfait, quatre mariages pour une lune de miel, bienvenue chez vous, d'accord. Et la revanche des ex, c'est quoi ça? C'est quoi, ils revoient leur ex? En fait, ils sont sur une île, ou je sais pas où ils sont, je crois en Thaïlande. Et en fait, il y a des ex qui arrivent petit à petit, en fait, leur ex pour essayer de les reconquérir ou s'embrouiller, quoi. On pourrait copier le format. Ça, à la limite, ça c'est pas mal. Eh ben, Romano, comme ça te plaît, on va le faire avec toi et la gothique. Non, mais y a pas besoin de me mettre sur une île, hein. Moi je la noie. Hein. La revanche des ex avec la gothique, t'imagines? Ah, mais dans le studio, ouais. Ah, je lance sable. Voilà, on l'a fait venir un soir. Y a pas de sable dans le studio, y a pas d'eau. Non, mais elle rentre pas là. Hein. C'est chiant, ce truc. On l'a fait venir, on ferme à clé le studio, tu peux pas te sauver. Voilà, et on fait la revanche des ex. D'ailleurs, il y a le sosie de Romain des réseaux sociaux dedans. Ah, dans la revanche des ex. Ouais, il était pas content parce qu'il te trouve pas beau, mais grave. Bah, il a pas. Bah, il est pas beau non plus d'ailleurs. Il était même très vilain. Pas autant que Cédric. Ah ouais, pas autant que moi. Dites-nous pour les émissions de télé-réalité, laquelle vous trouvez la pire, ou alors toutes, si vous en aimez aucune, vous nous faites signe. Mais c'est vrai que tu regardes la télé à 19h, tu zappes sur toutes les chaînes de la TNT, t'as que ça. Tout partout que ça. NT1, W9. Ouais, mais la 9 c'est moins pire, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais c'est ce que vous nous dites en gros. Secret Story, c'est devenu de la merde. Avant c'était bien, mais maintenant il pense qu'à baiser. Ah bah si, il pense qu'à baiser, c'est pas mal. Je vais peut-être regarder alors. Sakura qui nous laisse un message du 13. Salut Sakura. Non, mais c'est vrai que les premiers castings étaient mieux que maintenant, quoi. Je rate jamais un épisode des Ch'tis versus le reste des Ch'tis et Marseillais. Parce que tu peux en rater un, tu sais, ça ne va pas. Ouais. J'ai ta vie. Kevin du 93 est à fond dessus. Bah écoute. Laisse-le à fond dessus. J'aime pas Secret Story. J'aime pas les téléréalités. C'est pour les imbéciles. L'Alsacien, 16 ans. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas très réalité quoi. T'as l'impression qu'ils lisent un texte parfois. Guillaume 77500, je n'ai jamais regardé les émissions de télé-réalité, mais putain qu'est-ce que je regarde comme porno. Ça c'est mieux, voilà, ça c'est mieux. Moi je suis d'accord. Ah il y a Koh-Lanta aussi qui a redémarré. Ouais mais ça c'est moins de la télé-réalité pour moi ça. Oui, oui. Ça va, tu vois, j'arrive à regarder de temps en temps. Bah, ouais, Koh-Lanta, c'est marrant, tu regardes en replay. Ouais, replay la nuit. Tu fais le replay de Koh-Lanta. Moi, je ne regarde pas, non. Enfin bon, je pourrais regarder ça. Mais je regarde. Non, mais tu sais, je suis pas la saison entière. Tellement de choses à faire, l'amour, des choses comme ça, des trucs importants de la vie. C'est plus important, hein. Oui, l'amour. Moi, je bois. Bah voilà, Marie, chacun. Mais je fais l'amour aussi. Dans le noir, c'est ça. Dans le noir, ouais. Tu es hyper glauque. Depuis 6 mois. Maintenant, tout va bien. T'inquiète. J'ai oublié de payer. Non. Tout va bien. Alors tiens, oui, Jessica, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais quand même vous la faire découvrir. C'est elle, écoutez. La première guerre mondiale, elle a commencé quand, elle a fini quand? Je le sais, on l'a déjà sorti celle-là. Ouais. 24. En 24. La première guerre. Les autres sont morts de rire derrière. Non, mais y a quoi, la première guerre mondiale en 24. Alors, je sais pas si c'est 1800, 1700 ou 24 avant Jésus-Christ. Elle a inventé la poudre, elle, ça se voit. Ouais, ouais, direct. Elle représente bien ta ville. Ah ouais, mais franchement, la famille, quoi. Ah, c'est ça. Ah, cousine. Mais écoutez encore un son, je me demande si c'est pas ma sœur. Alors, écoute. Ah, je plaisante. Écoute, bah, un autre, tiens, celui-ci, il est pas mal. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Ah bah 1945. Ouais, bah voilà, bah évidemment. Bah non, ouais. C'est pas elle, c'est vrai. Les Américains avant ils n'existaient pas, ils ont construit les États-Unis en comme ça normal, tranquille. Hop, en 45 buts, les États-Unis sont sortis de ça. Ouais, comme ça et hop, de découvert. Parce que même si tu connais pas la date, tu dis pas 1900 quelque chose. Bah non, t'essayes de dire, bah c'est 1492 je crois. C'est ça. Mais t'essayes de dire, je sais pas, 1600 bidule ou. Ouais, tu bluffes un petit peu quoi. Ouais, tu fais un truc Moyen Âge. Non mais n'importe quoi, des conneries. Non mais je pense que le bluff, tout ça, c'est loin d'elle. C'est vrai. Je pense qu'elle est au-dessus de sa tête, ça, tout ça. Et ouais, Jessica, elle s'appelle. C'est vrai, j'ai pas trop de cultivation. Et oui, elle a pas trop de cultivation. Ouais, voilà. Ça s'en sent. Au moins, tu vois, elle le dit, elle le reconnaît, qu'elle a pas de cultivation. Non, mais c'est vrai. Tu as de la cultivation, Cédric? Ah bah oui. Ah, ça c'est vrai. J'en ai beaucoup, moi. Il a beaucoup de cultivation. En quelle année a eu lieu mai 68? En 68. Et non, en 1968. Eh, dommage. C'était un piège. 68 avant Jésus-Christ. Ouais, bah oui, au moins. Et non, Cédric, et non. Et non, je suis désolé. Bah si, c'est ça. Le 11 septembre, quelle année? Bah ça dépend de ce que tu veux savoir. 11 septembre quoi? Non, mais 11 septembre, Cédric, c'est les tours de... Ah, ça c'était en... World Trade Center. Oh là, tu sais pas, c'est vrai. 2009. Mais non, 2011. Ah mais en fait tu es comme la meuf là. Ouais. Cédric, tu devrais te marier avec Jessica. Ouais, tu veux pas qu'on fasse la rencontre? On a dit c'est sa sœur, gros, c'est la famille. Vas-y, bah Karim, quelle année? 2002 ou 2001, il me semble. Mais non, 2001. 2001. 2001, ouais. Voilà, 2001. Non mais déjà bon Karim, c'était plus près quoi. Ouais, et puis il a dit 2001 dans les deux réponses. Putain, vous allez le sucer. Non, non mais peut-être pas non plus. Non, mais si vous voulez les gars, il y a pas de problème. Non, moi ça va aller. Moi aussi, perso tranquille, ouais. Non, elle est super Jessica là. Complétez l'expression suivante. L'expression Pierre qui roule. Cédric, Pierre qui roule. Namas Pamous. Bah Pierre ronde. Oh là là. Non mais le Pierre qui roule, Pierre ronde. Non. Je le fais exprès. Et non, Cédric lui ne le fait pas exprès non plus, mais elle, je t'assure, c'est pareil. Non mais c'est chaud quand même. Ah Pierre qui roule, Pierre ronde. Ouais, moi j'ai que le roux. Elle est pas plate. Quelque part, elle est logique. Bah, elle est pas plate, c'est sûr. Pierre qui roule. Elle est pas carrée, sinon ça roule pas. Ah, putain. Elle est comme tous les Marseillais, tous des cassos. Message. Ouais, moi je suis d'accord. Message de Canis du 93. T'as entendu, Samy? Ouais, j'ai entendu, ouais, tous les Marseillais, les cassos. Et alors? Ouais, c'est vrai. Je te dirais bien de... Ah, je dis oui. D'aller te faire enculer cordialement, bien sûr. Ah, c'est gentil. Ah bah, c'est tout pour ça, toi, dans Canis. La joie, la bonne humeur. Non, mais c'est vrai que dans la télé-réalité, à chaque fois, enfin, à chaque fois, souvent, il y a des Marseillais, j'avoue, c'est des bons clients, quand même. Et ouais. De toute façon, c'est soit des Marseillais, soit des Nordistes. Non, mais tu sais que, moi, j'avais fait des soirées avec des gens qui bossaient à la télé. Et, qui faisaient les mecs de la jet set. Ouais, ouais. Non, mais comment ça se fait? Non, parce qu'en fait, ils ont remarqué que là-bas, il y avait toujours des bons clients, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Il y a trois zones. Non, mais c'est vrai. Elle, il fallait la trouver. Non mais c'est dans le sud, dans le nord et en Belgique. Ah, c'est les plus gros et maintenant ils vont là-bas en fait. Ils vont sud, nord, Belgique. Ils envoient des gens là-bas, genre dans les boîtes l'été, les trucs comme ça, et ils repèrent des gens. Putain là ils t'ont tout mixé, le sud, le nord contre le reste du monde. Non mais voilà, wow. La totale. T'as vu un peu. Bon, on a tiens Alex qui voulait réagir et Alex de Paris et 18 ans. Salut Alex. Salut, tu veux réagir pourquoi? Bah, Alex. Ah oui, parce qu'on était sur les enfants là tout à l'heure, mais on a fini, je crois. Tu es père. Ah, il y avait juste Faisal qui voulait réagir. Ouais, il arrive, il est sous la douche. Ah, je viens d'avoir sa nana. Il va être propre pour passer dans l'émission. Exactement. Tu entends, Cédric? Donc je la moi, je suis propre aussi. Bah, écoute. C'est bien vérifié? Non, merci. Non, merci. Ça va aller, c'est merci. Très gentil. Je tiens à ma vie et à mon nez. Surtout à mon nez. Un bah, si bel organe. C'est ça. Oui, donc Alex, toi, fan de télé-réalité ou toi, t'aimes pas? Ouais, c'est fan de télé-réalité. Donc, ta télé-réalité préférée. Il y en a quand même des bien à chier, quand même. Hein. Non, t'aimes tout, toi? Moi, j'en aime certains, sauf. J'aime plus Jessica, Hilary, certains garçons. Non, mais je te parlais des émissions en général. Fan, plus quoi. Les émissions que les personnages dedans. Donc toi, t'aimes bien les ch'tis, en fait. Les ch'tis, les Marseillais, quand ouais. On reste du monde. J'aime bien ça. Le dîner presque parfait. Ouais, ça, j'ai du mal, moi, ça. Ça ouais, mais bon, ça se regarde. Hein, voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'était bien au début, pire, hein. C'est relou. Ouais, ouais, c'est un peu, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, oui. Après, très faut aimer tout ça. Bah oui, c'est sûr que ah ça, ouais, c'est faut ouais. Aimer. C'est comme si, oui, ça faut aimer. Il y a le truc pourri aussi du poker là. Ah oui, non, mais ça, non, c'est. Vous savez qu'on m'a appelé le roi du poker cet été. Ah ouais. J'avais raconte Karim parce qu'il était avec moi, on était avec des potes et là ils étaient tout ça, c'était des Italiens, des Italiennes. Bon, on s'est mis entre mecs pour jouer au poker parce que c'est quand même un truc sérieux. Hein. Ouais. Bah, et que quand on est en Italie, on est un peu macho. Et Difou, il connaissait pas les règles. J'avais jamais joué au poker de ma vie parce que je déteste jouer de l'argent. Écoute Romano, tu vas m'admirer, tu vas me dresser une statue et me mettre dans ta chambre sur la je sais pas où sur le. Sur la table sur du la salon. Cheminée. Voilà, ouais, dans ma chambre sur la table du salon, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Exactement. C'est logique. Difool, c'est le roi de la déco, hein. C'est un truc phénoménal. Non, mais ils me regardaient tous comme un con parce que je savais pas jouer au poker. Qu'est-ce que tout le monde sait jouer au poker? Tu sais jouer, ouais. Non? Ouais, mais. Tu sais jouer, toi? Non, mais moi, je sais pas jouer au hold'em. Hein? Moi, je suis un pro du poker. Le Texas Hold'em, je joue pas celui-là, moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le poker auquel t'as dû jouer. C'est celui-là. Poker. Tu jouais contre les autres ou tu jouais contre la banque? Non, je jouais contre les autres. Ah ouais, c'est sûr. Moi, non, la seule fois que j'ai joué au casino, c'était contre la banque. Ouais. Et ça, c'est mieux. Vas-y, raconte ouais. Un peu. Alors, je comprenais rien au jeu. Non, il comprenait rien de rien, gros. Ouais. Mais la mise à la base pour rentrer sur la table, c'était 10 euros. Ouais. Donc après, si tu perdais tes jetons, tu remettais 10 euros si tu voulais ouais, jouer. Donc j'ai mis 10 euros. Il a mis 10 balles, 10 full. Ouais, bon, normal. Moi, j'ai mis 40 balles. Ouais. Parce que je me suis fait sortir plusieurs fois, il y en a un autre, il a mis 20 balles, au total il devait y avoir 100 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et bah, ça, Difood nous a tous baisés. Mais non, ouais. Baisé. C'est la première fois que je jouais au poker de ma vie. Mais tu sais, il avait quoi comme jeu? Tu sais, j'avais moi par exemple, je le baisais, j'avais, je sais pas, par exemple, trois cartes identiques, genre trois, ouais, 3, ouais, 5. Ok, ouais. Trois cartes identiques et le mec il me sort une quinte ou une couleur ou je sais pas, ah ouais, il me sort non, ça. Ouais, ouais. Mais en plus, la dernière carte à chaque fois. Et quand j'ai sorti mes cartes, je savais même pas que j'avais une quinte ou une couleur. Mais ça veut dire que le con il jouait comme ça, tu vois. Ouais, balancer ses joues. Ah, mais ouais, ouais. Mais Cariole elle m'avait fait le coup, j'ai essayé une fois au casino et elle avait quand même réussi à gagner 900 balles. Non, mais moi j'ai gagné. Avec 20 ou 30 balles, tu vois. Là on jouait contre la banque et c'est même les autres joueurs à la table, ils hallucinaient parce qu'à chaque fois qu'elle était servie, mais elle avait un jeu de ouf, quoi. C'est bien ça. Ah, l'achat, toi. Direct, ouais, genre, je sais pas, deux paires, tu vois. Mais ouais. Voilà. Des trucs comme ça, elle est repartie avec. Elle avait gagné 900 balles. Bon, je lui dis, ouais, j'en mets 500 de côté. Non, je t'en prends 500 pour moi. Je t'en prends 500, je les mets dans mon compte. Et elle avait reclaqué 400 poche. Balles, mais on était parti avec 500 balles, mais j'en jouais 30 balles, tu vois. En même temps, quand tu joues avec des potes que tu dis que tu sais pas jouer, on se méfie pas de toi. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Non, et ce qui était relou, c'était comme il savait pas, donc en même temps, je lui disais les règles en même temps qu'on jouait pendant le jeu, donc ce qui faisait que je faisais de la merde, moi aussi. Ah bah, tu pouvais pas te faire baiser. Parfois, je tapais deux fois sur la table, il faut taper deux fois sur la table quand tu veux passer. Quand tu checkes, ouais. Je sais pas pourquoi. Exactement. Je faisais, mais je faisais comme ça. Et des fois, il checkait comme ça dans le vide, alors que il y avait pas besoin de checker. Ouais, alors que les cartes étaient même pas distribuées. Ouais, il checkait, ouais. J'ai investi 10 euros, j'ai gagné 42 euros. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Ah ouais. Ah, t'as vu, c'est mieux ça que le contraire. Moi, j'ai investi 40 et j'ai pris 55. Donc, j'ai gratté 15 balles, quoi. Voilà. Mais en fait, vous avez plumé vos potes Rital, quoi. Ouais, ouais, ouais, ils avaient plus ouais, rien. Ouais, c'est ça, en fait. Et jamais ils ont voulu refaire une partie avec moi. Non. C'est fou, hein, ça. Bon, donc ça c'était pour l'émission de poker de télé-réalité, mais ça existe encore ce machin là? Ouais, mais si, sur, sur les chaînes, la nuit, ouais, les trucs la nuit là. Ouais. Bon, en tout cas, on a un fan. Donc la meilleure télé-réalité pour toi, c'est quoi, Alex, puis Stéphane? Tu choisis parmi. Pas le meilleur personnage, hein, la meilleure émission. Les Ch'tis et les Marseillais. Mais moi je préfère pas celui-là, je préfère celui d'avant. Ouais, moi je suis tombé dessus 20 minutes hier, ouais. Moi j'ai regardé 20 minutes, je trouvais ça marrant avec l'autre qui disait des âneries. Non, moi pour Jessica, je vais dire la même chose que toi, c'est pareil. Même chose. Elle est blonde, mais elle s'avoue conne. Oui, elle est blonde et ça se voit. Ah ouais. Bah ça, blonde platine même. Bon, merci Alex et puis bah écoutez, on suit ça. S'il y a d'autres, si on peut apprendre d'autres trucs, c'est un peu comme une petite révision qu'on a faite. Ouais, non, mais c'est bien, ouais. C'est bien ça. C'est vrai, révision Première Guerre mondiale en 46. Vous avez bien noté. Ouais. Non, c'est Christophe Colomb en 46 et la Première Guerre mondiale en 26, je crois. Ou 24, ouais. 24, 26, c'est ça, à peu près dans ces eaux-là, vous dites. Ouais, à peu près. Ouais, ouais. C'est bien. Vous ouais, dites ouais. que vous avez vu ça sur W9 et pff, et nickel. Bon, salut Alex, merci pour le coup de fil. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Ciao. Ciao. Okay, merci. Salut. Un petit transfert rapidement. Ah, allez, attention, allez. Le dernier quart d'heure des transferts. Il reste 13 minutes et 25 secondes. Ouais. Donc, deux nouvelles pour les Marseillais. Premièrement, on signe un joueur, bon, en prêt, qui vient de l'AS Roma. Donc, c'est William Vainqueur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, le Vainqueur. Ça, tu nous avais dit. C'est officiel, milieu de terrain, ça fait plaisir. Et deuxième bonne nouvelle pour les Marseillais, Lassana Diarra qui devait se barrer, qui démarchait tous les clubs d'Europe pour se barrer, trouver un meilleur salaire. Il n'a pas trouvé. Prenez-moi, j'en peux plus. Eh ben, il s'est fait niquer, il a pas trouvé. Le pauvre. Donc il va rester à Marseille au moins jusqu'au mercato. Ouais, mais le mec il va jouer de la merde, il a plus envie de jouer là en fait. Il a pas l'air ultra motivé, ouais. C'est vrai. Et en fait, il va être obligé de jouer quoi. Ouais, il va être obligé de jouer, mais c'est un des meilleurs chez vous, si, parce qu'à l'équipe c'était de France, un des meilleurs. Il y a, tu vois, ouais, mais ça. Là, il est pas Deschamps, il a pas pris, tu vois. Donc, à mon avis, je sais pas, il est un peu blasé, on dirait. Tu vois, il voulait trouver un gros contrat, soit en Turquie, soit aux Émirats, soit à Monaco. Les trois clubs prétendus qui pouvaient l'accueillir l'ont dégagé, enfin l'ont refusé, tu vois. Mmh. Donc il reste à l'OM. Lass est encore avec vous. Voilà, il reste encore pauvre. Pour 6 mois à Marseille. Pourquoi le pauvre enfin, pour bah, je sais pas, le mec qui voulait se barrer. Dégoûté, c'est, ouais, c'est ça. T'es dégoûté de pas partir. Bah ouais, parce qu'en fait, il doit 10 millions d'euros à son ancien club de Moscou, tu vois. Et en fait, il voulait trouver un club qui puisse tellement bien le et payer. 10 millions. Qui peut sortir ouais. comme ça 10 millions pour rembourser l'amende qu'il a, tu vois. Et pourquoi leur donner de l'argent? Parce qu'en fait, il s'était barré du club alors qu'il était encore sous contrat. Donc je vais faire un test avec Romano. Romano, tu devrais 10 millions d'euros. Tu serais dans quel état? Ah putain, moi, ça me rendrait malade. Mais bon, après, tu serais malade. Ah ouais, ouais. Tiens, même tout à l'heure qu'on parlait de Chris Brown, le mec a payé quand même 250 000 dollars pour sortir de tôle. Ouais. De tôle, ouais. Mais imagine 10 millions là. Ouais. Et puis Chris Brown, il fait plus d'oseille que Lassana Diarra, je pense, tu vois. Enfin, Lassana Diarra, il a très bien gagné sa vie, il a joué au Real, à Chelsea, tout ça. Mais 10 millions, je sais pas combien qui, je sais pas combien il a de fortune, Chris Brown. Mais. À Chris Brown, déjà, il a lâché 200, combien 220 000 comme ça, vite 250 000 dollars, 220 000 euros. Ouais, mais j'ai Chris Brown, bagnole, le mec, gros, déjà, il est à l'aise, quoi. Ah oui. Ouais, mais d'accord, mais le mec, il est pas aussi riche que Rihanna, tu vois. Non, mais il est plus riche qu'un footballeur, je pense. Ouais, ouais. Ah, largement, ouais. Ah, Chris, là, blindé, un alors. Petit truc à nous dire. Fuck ugly bitches. Ah, Cédric, il t'en veut. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Il va pas te dire fuck ugly bitches. Ouais, ouais, je crois que c'est l'amour. C'est, ouais, c'est ça. C'est depuis qu'il t'a rencontré cet été. Fuck ouais. you. Voilà. Bon, on a Malik et puis on prendra Faisal. Ouais, il a le cul propre, ça y est. Dès qu'il sort de sa douche. Malik en direct de Nice. Salut Malik. Oui, salut Diffoul, salut toute l'équipe, coucou. Romano salut. Et... Ouais, Malik. Salut. Salut toute l'équipe. Voilà, ouais, fais comme ça, ça. Cédric aussi, Cédric aussi. Paul Mamer, là. Bim, bam, bim. Alors, je fais un gros bisou, parce que ça se trouve, elle écoute, là. Bonjour, à 145 maman. Millions d'euros, il aurait. Qui? Chris Brown. Ouais. Putain, bon, ça va pour lui. Combien? Ça va, il est pas aisé. Non, ça va. Non, mais en fait, il a mis beaucoup d'argent en bourse. Ça lui a rapporté beaucoup. Il a un gros patrimoine immobilier. Il a un gros patrimoine immobilier. Non. Il a un gros paquet aussi. Ah ouais. Chris, si tu nous écoutes. C'est un gros paquet. Ah, sa baraque, elle est pas moche en plus. Et hein. Il a eu un contrat publicitaire avec des cosmétiques Covergirl et a priori, ça se lui a rapporté à mort. Il a également plusieurs restaurants, un club de football. Il est bien renseigné, Romano. Hein. Ouais, il a un club de football, lui. Ouais, ouais, ouais. Un tapas à Loc. À quoi? Tapahanok. C'est l'endroit où il y a son club de football. Ah d'accord. C'est le club de football à Tapahanok. Tapahouchnok, ouais, c'est bien ça. Tapahouchnok. Sympa ce club. Ils sont pas en Ligue 1. Et il a également une ligne de vêtements Brown Selection, ainsi qu'un parfum L'eau de Chris. L'eau de Chris. Mignon. C'est pas con comme nom, l'eau de Chris. Et rien qu'en 2016, en 2015, il a gagné 46 millions d'euros. Ouais, donc ça va la vie. Ah ouais. Ça va Chris. La belle vie. Ouais, 250 000 euros pour lui. 220 000 euros. Son copain. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, putain. Bah ouais. Bon, alors toi, tu nous appelles par rapport à un de tes potes, Malik. Si vous avez déjà eu des embrouilles avec des potes, écoutez bien, vous allez peut-être pouvoir aider Malik, en tout cas, donner votre avis. Vas-y, alors Malik. En fait, l'histoire, c'est que j'avais un pote, en fait, il a fait pas mal de crasse et pour me couvrir, il m'a toujours mis devant. Et après des années, il va revenir pour vouloir se faire pardonner. Donc je sais pas si. C'est quoi, donc un pote, si j'ai bien compris, qui t'a fait des coups de pute, en gros. En fait, voilà, il s'est mis avec des filles à droite à gauche et a trompé sa copine et pour protéger une manière d'avant devant sa femme, voilà. J'ai pas compris. J'ai rien compris, moi aussi, ouais. Oui, c'est quoi le rapport avec il a un pote qui lui a souvent fait des coups de pute avec des histoires de meufs, tu vois. Ouais. Mais du style, par il exemple. Il a piqué des meufs, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais. Un enculé, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ah, on appelle ça comme ça. Mais pourquoi c'est ton pote? Ah ouais, s'il pique toutes les meufs avec lesquelles. Il pique les meufs avec lesquelles tu sors. C'était son pote. Voilà, c'est ça. En fait, il est piqué, il se mettait avec elle en couple et il se faisait griller. Quand il se faisait griller, il disait à sa femme, non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est Malik qui a tout fait. Ah, ok. Alors, non seulement il te pique les meufs avec lesquelles t'as envie de sortir, il a une femme, il l'a fait cocu, et en plus, pour se justifier, il dit que c'est de ta faute. C'est vraiment un enculé. Voilà, ouais, c'est ça, ça hein, on appelle ça comme ça. C'est hein. Copain. Ah ouais, quand même. Un chic type. Et voilà. Maintenant, il revient, là. Et là, en fait, il est en train de revenir après des années où on ne s'est plus parlé, il est en train de revenir comme si de rien n'était. Voilà, excuse-moi, c'est ce que j'ai fait. Bah, dis-lui, c'est en cul. Ouais, tu sais ce que tu fais, prends ton doigt en photo et fais-lui un doigt et envoie-lui. Prends ton doigt en photo. Dis-lui, tiens, tu sais, tu lui envoies un fuck. Tiens, t'auras ça. Saute sa femme et on le voit lui la vidéo. Ouais, encore Guillaume mieux même. 77, oui, 500. Oui, c'est pas mal ça. Bien joué, Guillaume du 7-7, là. Bien vu, bien vu. Peut-être qu'il a des remords. Saute sa femme et on voit lui la vidéo. Hein, il a peut-être des remords. Non, mais ouais. Quoi, après, si le mec, moi je sais qu'un mec qui m'a fait trop de coups de pute, il a beau revenir même à genoux, là que c'est terminé. Hein. De toute façon, la question qu'il faut se poser avec un pote, c'est comme avec une meuf. Hein. Est-ce que tu lui fais confiance? Oui, non. Ben personnellement, après toutes les crasses qu'il m'a faites, non. Non, bah moi non plus, je ferai pas. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc c'est pas un pote, donc il va se faire enculer. Bah oui. Si, voilà. Sans être vulgaire et cordialement. Et cordialement. Tout à fait. Sûr. Et voilà. Non, mais je sais pas. Même voilà. S'il a changé. Ah non, mais moi c'est hors de question. Hein, c'est terminé. Ouais, allez, hop, ça évacue. Envoie le chier pour Zarza de Cherbourg. S'il revient, c'est qu'il a besoin de toi pour des alibis avec sa meuf ou alors pour te taper des thunes. Raccroche, c'est pas un pote. Ça, c'est le message de la moustache de Marie. Salut. Faut arrêter de lui parler pour la beauté de Difool. Très beau pseudo. Bonjour à toi, la beauté de Difool, 18 ans. Big up, big up. Il a peut-être encore besoin de toi comme bouc émissaire. Le mec profite de toi. C'est un enculé. C'est un fils de pute. Salaud, il te mérite pas. Ouais, en plus toi t'es sympa avec lui au final. Tu l'as couvert plusieurs fois en plus. Bon, ça va. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Quoi, tu l'as couvert mais involontairement du coup. Le mec en fait il servait de toi, tu lui servais d'alibi quoi. C'est ça. Bah, le pire, c'est que j'étais même pas au courant parce qu'il restait avec moi. Dès qu'elle appelait sa copine, il se mettait dans un camp pour parler, pour dire qu'il était pas avec moi en fait. Ouais. Ah ouais, ça, ouais. Fred, les vrais amis, ouais. C'est tellement rare, il faut choisir les bons. Et lui, je te le dis, c'est un enculé. Moi, je suis d'accord avec Fred là, ouais. Ouais, il a trop poussé. Mais lui, un doigt dans le cul. Pourquoi vous voulez Ah oh, ouais, moi, s'il le veut pas, moi je le prends. Non, reste... ça va aller. Et attends, Daminou qui est pas d'accord, qui nous dit. Ah merde. Alors que j'allais donner désolé Malik. Qui nous dit reste avec lui mais profite de lui à ton tour. C'est pas mal ça. Hein. Ouais mais bon la relation elle est pourrie quoi. Qu'il retourne le truc. Moi c'est ce que je ferais dit Daminou là. Bon, il t'a pris pour sa pute Mr Skyrap. Oh, il est vénère. Non, moi j'ai un pote aussi pareil, c'est quand il est avec sa meuf. Enfin, quand il veut sauver chez sa meuf, il dit qu'il va me voir, quoi, tu vois. Je suis même pas au courant. Ah, toi aussi, tu sors d'alibi. Voilà, puis ouais. Après. Moi, ça me dérange pas. Je lui filme mes copines, je lui paye des. Non. Voilà, et puis de temps en temps, je lui paye mon cul. Voilà, après, quand il. quand il a envie, il me prend mon cul. Non, mais ça, voilà, je lui donne mon huc. Ça, tu peux le faire, être un alibi pour un ami, y a pas de problème, mais à partir du moment où il te fait des coups de pute derrière, c'est pas possible. Ouais, quoi. Un ami qui te pique tes meufs, Malik. Ah ouais, en plus. Non, mais puis en général, quand tu sers d'alibi, t'es au courant, tu vois. Le mec, la personne. À qui tu rends service, elle te le dit avant, elle te dit ouais, il faudrait que tu me dépannes. Non, mais je le disais pas à chaque fois, moi. Non, mais toi, il te prenait pour un con aussi. Non, Cédric, mais Cédric, il était content. Non, ouais, la meuf, elle m'aimait bien, tu vois, elle avait confiance en moi. Donc, du coup, lui, quand il voulait se sauver, il disait moi. Voilà, moi aussi, j'ai servi d'alibi. Malik, t'es pas tout seul, tu vois, Cédric aussi, il a servi d'alibi, pareil. Mais il faisait pas de risque, c'est normal. Alibi, j'en suis baba. Ça, c'est autre chose. Eh bien, Romano. Eh bien. Bon bah écoute Malik, voilà ce qu'on pense en tout cas. Enfin c'est assez unanime dans l'équipe et assez unanime dans les messages que vous nous laissez. Ah non mais le mec qui t'a enculé pendant des années, le mec il revient comme une fleur normale. Hein, dis donc, mon pote. Ouais normal, il me envoie un message, il me dit oui, ça te dit qu'on laisse voir un verre. Ouais bien sûr. Ouais. Tiens regarde, Axe le Mauricien, 19 ans, c'est un enculé ton pote là. Ou alors si c'est vraiment un gros enculé, c'est-à-dire que le mec il revient vers toi parce qu'il a besoin de quelque chose. Moi je pense que c'est ça moi. Ouais, mon avis, c'est ce que je me. Ouais. Fais-lui croire que t'es son ami, tu le filmes en train de baiser une autre meuf, tu le fais voir à sa meuf officielle, comme ça tu te venges. Diablotin, qui voudrait se voir. Ce connard, c'est qu'il a mis, mon prénom sur des messages de filles. Ça fait qu'à chaque fois qu'il recevait un message de filles, il pensait que c'était pour moi. Ouais, mais en fait, le mec t'utilise. Non, mais ou alors il est tout seul parce que tout le monde s'est tiré autour de lui et il s'est regratté la musique. Bah écoute, Malik aussi s'est tiré, Marie, tu vois. Ça tombe bien. Bah, on avait fait le tour de toute façon avec Malik. Merci pour les messages que nous avez envoyés. Malik, on va lui envoyer le t-shirt Skyrock à la maison et dans un instant, il sort de la douche. C'est Faisal. Ouais. Faisal, qui a fait un bébé à une fille. Ouais. Sa mère a eu du mal beaucoup au début. Oui. Eh bien, il sort de la douche, il va tout nous dire, Faisal. Et Chris Brown, je lui dis des conneries, hein. Le site. Juste après la roulette, on va faire tout. Le site où j'ai pris les informations n'est pas fiable. Ouais, apparemment. Ouais. Les infos sur quoi? Ouais, sur Chris Brown. Il fait insulter, là, sur Ouais. Non, mais il y a des plaintes. Alors, j'ai trouvé un autre chiffre. Il ne s'est riche qu'à 26 millions et pas 146 millions. C'est un peu moins déjà. Ouais, parce que le parfum en fait il n'existe pas. Ils ont mis que de la merde sur ce site. Donc 26 millions, faut se méfier d'internet, il n'y a que des merdes. Ouais. Merci des informations. Vous savez qu'il y avait une étude qui a été faite sur internet et sur sur les infos du net. Ouais, c'est vrai. Il y a entre 90 et 95% de ce qu'on trouve sur le net qui est fake. Non, mais c'est vrai. Qui est regarde, il y a plein de trucs. C'est pas vérifié, ouais. Toutes les infos. J'ai vu Cédric Ebo, moi. Ben voilà, moi j'ai vu aussi. J'ai vu Cédric Mexite aussi. J'ai vu des trucs comme ça sur le net. 90 et 95% des trucs sont faux sur le net. Faites gaffe. Bon. Et on peut se faire baiser, hein, bah non. Oui, bah, je me suis bien fait baiser. Allez, la roulette. Si vous voulez vous inscrire pour la roulette, vous allez sur le 720. Vous envoyez roulette, tout simplement, au 720. Vous envoyez vite roulette si vous voulez aller voir Maître Gims. Maître Gims en tournée avec Skyrock dans toute la France. La tournée de Gims. Les dates, c'est au choix, c'est pour vous. Prenez n'importe quelle date et vous faites tourner. Il faut juste s'inscrire au 720. On tire au sort dans un instant et dans un instant, il est avec nous. Il est tout propre. T'es tout propre, fais sale. Je suis tout propre. Voilà, un fais sale qui est propre. Ah, bah, nickel. C'est quand même un truc de fou, hein. Ah, j'ai tout fait, franchement. Vous m'avez fait rentrer comme un champion de boxeur. C'est vrai, t'as fait une belle entrée. Rentre sur le ring dans un instant. T'as fait une belle entrée là, l'antenne. Allez, c'est parti, à tout de suite, fais ça, bouge pas. Le temps d'écouter Alonso, c'est parti pour Alonso, j'adore ce son là. C'est Binta. Et c'est évidemment une découverte Skyrock. Alonso sur Sky. Oui. Binta, Binta. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, on écoutait Alonso, le Marseillais. Artifool. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Ouais, marché des transferts terminé. Les minuit sur Skyrock. C'est fini pour les transferts du foot. On a suivi ça tout au long de la soirée. Et on est content parce qu'on a été meilleur qu'InfoSport. On donnait toutes les infos avant InfoSport. Parce qu'on avait mis InfoSport en fond, là. Et on s'est dit, bon, la chaîne du groupe Canal, le foot, tout ça. InfoSport, j'ai eu un problème au niveau du chronomètre. Oui, le chronomètre, ah oui. Là. Pour eux, les transferts se terminent demain soir. Ils sont trompés. C'est reparti à moins 24. Ouais, ils ont un chronomètre à la con qui en tourne. En fait, il est arrivé à zéro, mais c'est du coup, c'est reparti dans l'autre sens. Après, c'est ça. Ouais. Bordel. Bon, alors, les transferts, c'est fini. On vous rappelle les gros transferts de la soirée. Balotelli arrive en France. Et là, on est content. Je suis content que l'Italien arrive. Nice. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est le black italien. Mario Balotelli. C'est il arrive ça, à Nice. Bon, bon coup pour les Niçois. Hein. Les Niçois, faudra compter. Effectivement, je sais pas. Faudra compter avec eux cette année, quand même, je pense. Ouais. C'est Balotelli, il a fait tellement d'années de merde que cette année, il va peut-être essayer de jouer. Non, mec, il va faire la fête à Nice. C'est un attaquant, il a seulement marqué deux buts lors des deux dernières années. Quand c'est normal, il fait des teufs tous les soirs. Ouais, mais bon, il a quand même joué des matchs, tu vois. Mais là, il va peut-être se calmer. Jamais. Ça fait deux années qu'il foire, trois années qu'il foire. Ouais, il a foiré toute sa carrière, en fait. En gros, ouais. C'est un des mecs les plus talentueux du football. Ouais, il a du talent, mais il bosse pas. Entraînement, quoi. Ouais. Bon, donc Balotelli arrive à Nice. Samir Nasri se retrouvera à Séville bientôt. FC Séville, ouais. Des nouvelles de Lassana Diarra. On vous disait que Lassana Diarra n'avait pas trouvé de club et restait à Marseille. Pour l'instant, il reste à l'OM. Mais, petite nouvelle, dans un mois, il sera peut-être parti. Bah, en fait, le marché des transferts a fermé dans toute l'Europe, mais il a encore ouvert dans des pays comme par exemple les Émirats Arabes Unis. Exactement. Ou en Amérique du Sud ou quoi. Donc, il pourrait se barrer de l'OM quand même. Mais, d'ici un mois. Moi, j'ai une petite info, man. J'ai eu un mec au Standard, il est agent de joueur. Et il m'a dit que Lassana Diarra devrait signer à Al Jazeera. Al Jazeera, ouais, parce que c'est ceux qui étaient les plus chauds. Ouais. Il va présenter le journal. Exactement. C'est ça. Très bien. En arabe. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il a changé de joueur. T'as gardé son numéro. Ouais, j'ai gardé son numéro. Il devait signer avant minuit là. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Pourquoi Non, mais c'est ouais, mais bon, c'est jusqu'au 20 septembre. Ouais, mais là ils en parlaient aujourd'hui. Ouais. Alors on nous dit, vous me confirmez, c'est vrai ou faux, Akiko, 20 ans, qui nous dit le Marocain Belhanda a signé à Nice à 23h59. Vrai ou faux? Ah ok, ouais, j'ai pas vu. Ah peut-être. Mais si confirmé par Colonel Charlie, Nice ils ont signé Belhanda. Dernières infos. Peut-être vous êtes meilleur qu'InfoSport. Il est fort, hein, Belhanda, en plus. Putain, 59. Ouais, Belhanda, les Niçois, je vous dis, cette année, peut-être champion devant le PSG. Ah, ouais, hein, ils vont niquer santé, ouais. Ils vont niquer. C'était George devant santé l'année dernière. Ouais, mais tu vois, tout le monde est devant Saint-Té, gros. Non, mais tout le monde n'est pas devant Saint-Té, l'OM était derrière Saint-Té. Ouais, par exemple. Ben, nous, on était derrière beaucoup de monde. Et il y a Blue qui a fait le calcul, le coût total des transferts, tout championnat confondu, 1 115 230 009 livres. Et ben voilà. David Louis s'en va du PSG aussi. Ouais, salam alaikum, David. Salut, David. C'est fini pour Tahiti Bob, c'est celui qui avait les cheveux, David Louis. Ouais. Ah, Belhanda à Nice, c'est faux. Alors, faudrait savoir. Moi, j'ai pas Belhanda à Nice. Ah, écoutez. J'ai eu plusieurs sources, plusieurs messages que nous a laissé sur Belhanda après. Moi j'avais entendu qu'il devait signer à Nice, mais que finalement il signait pas après. Moi j'ai pas. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une victoire au clash de moi-même. Oui, contre Cédric, une branlée monumentale. Et je dédicace ma victoire à la team Romano et en particulier à Callaghan ce soir. Branlée monumentale, pas tant que ça. Bah, 76%. Bah, et ça fait quand même 24 pour Cédric. Donc monumentale, faut quand même pas exagérer, pas ça, ouais. Monsieur Romano. Petite victoire. Messi Romano. Petite victoire, mais. Petite victoire de merde que t'as fait. Mais c'est quoi quand tu gagnes gros? C'est quoi? C'est 51% que tu fais. Et alors, c'est une victoire. Ou 50, bien dit ça, Cédric. Ce qui compte, c'est la victoire, mon pote. Bien dit. Je t'ai mis une branlée. Comme ta gueule, allez. Qui c'est qui veut se faire branler? Cédric. Non, ça va aller. Ah oui, merci. Oh, bon, merci, ça va aller, du coup. On a la roulette à faire tourner dans un instant au 7-20-20. Vous envoyez roulette, on va voir qui va faire tourner avec nous pour Maître Gims. Mais tout de suite, il y a Faisal qui est en ligne avec nous. Donc Faisal qui a pris une douche, qui est tout propre. C'est la blague que vous avez fait. Je sais pas, j'en ai reçu 100 des messages comme ça. Depuis tout à l'heure, vous allez tous rentrer dans le KM Comedy Club. Ah justement pour les transferts, vous avez vu sur BFM TV, ils ont parlé d'Ibrahimovic, il revient sur Paris. Ouais, donc c'est BFM Télé, hein, c'est, faut faire attention. Non, mais ouais, il est venu sur Paris pour taper un week-end peut-être. Ouais, pour aller dans son appart, pour se détendre shopping. Un petit peu quoi. Non, mais Ibra, il est parti, il revient il pas. Il revient pas. Non, il revient pas. Bah, merci salon, merci pour l'info, l'info BFM Télé fait ça. Pas de soucis, pas de soucis. Bien joué. La pote de l'actu. Ouais, comme d'hab. Bon, alors, Anthony, toi, tu voulais réagir par rapport. Anthony, fais ça, tu voulais réagir par rapport à Anthony. Par rapport à Anthony, en fait. Justement, Anthony qui a une meuf, mauvais rapport avec. Elle s'est battue avec sa mère, Anthony. Ouais, sa meuf. Un mois, quoi. Et la meuf est enceinte. Et la meuf est enceinte, une très bonne nouvelle. Comment l'annoncer à la famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, t'as eu la même situation que lui, toi? Ouais, bah moi, je suis resté. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec ma copine. Et elle a déjà rencontré ma mère. Ma mère, elle l'a trouvée super sympa, super jolie. De même, elle m'avait proposé de me marier avec elle. Ah ouais, donc la mère était tombée amoureuse de ta meuf. Ouais, ça c'est bien, voilà. Ça avait bien accroché, ouais. Ça c'est bien, ça. T'aurais aimé, hein, Romano, que ta mère tombe amoureuse de la gothique. Non, peut-être pas amoureuse non plus. Et non, qu'elle couche avec. Non mais bon, ma mère avait non mais ma mère oui, non mais ça va pas. Non mais de toute façon au final ma mère avait raison, je suis pas resté avec elle donc voilà. Ta mère t'avait dit qu'elle était pas bien pour toi. Non mais ouais, mais elle t'a fait tomber tes cheveux. Non mais bon, à un moment donné ma mère, elle de toute façon, c'est toutes les meufs que j'avais, n'étaient pas bien pour moi donc Ah, ta mère elle voulait te garder pour elle. Maman poule. Oui, c'est ça, maman poule. Ouais. Voilà, comme ça la c'est la mère de Romano. Elle faisait des œufs tout. Donc toi ta mère elle était contente, c'est un bon début ça, Faisal. Voilà, et du coup comme moi je suis dans une famille un peu religieuse en fait, musulmane. Quand j'ai annoncé que voilà ma femme elle était enceinte, vous étiez pas marié, c'est pour ça. Voilà, et du coup ma mère elle s'est dit quoi, voilà, elle m'a cette fille là elle m'a fait un coup de couteau derrière le dos. Ouais, non, mais elle m'a sorti tous les vices qu'elle avait. Oui, quand j'ai vu la première fois en fait elle était pas sincère avec moi. Elle avait Oui, ben bon, tu lui as quand même mis un coup de bite toi aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le fils aussi il est coupable, la maman. Oui, elle l'a pas fait comme ça quoi. Péché voilà. Mortel. Et du coup, voilà, en fait, en plus avec la vieillesse et tout, ma mère, elle était un peu rancunière et tout. Et après, voilà, c'est juste question de temps et tout. Là, maintenant, elle est bientôt à terme. Ah, donc le bébé n'est pas arrivé. Mais moi, j'ai l'impression que ça s'est amélioré. D'accord, mais le bébé va arriver. En plus, oui. Tu vas voir, quand le bébé va arriver, ta mère, elle va être. Bon, a priori, c'est pas la vie de ta meuf, mais que ça aille mieux. Mais... Oui, t'as pas ce qu'elle disait. Comment elle s'appelle, ta copine? Elle s'appelle Nadia. Nadia, c'est ça? Naya. Bah, fais une bise à Naya. Et il arrive quand le bébé? Normalement, le 25 septembre à la terme. Ah ouais, donc bientôt en fait. Bientôt, papa fait ça. Papa fait ça. Tu te sens prêt, tout ça? Bah, depuis que j'ai su cette nouvelle, je perds des cheveux, je commence à maigrir. Eh ben écoute, c'est très lucide. C'est beau maintenant, voilà, non mais. T'angoisses limite plus que ta meuf, toi. Non, je suis content, je suis heureux. Ah ouais, je suis heureux, j'ai plus de cheveux. J'ai plus de cheveux. Ouais, fantastique, ouais. C'est l'enfer. Ma mère m'a pourri la gueule. Bon, mais déjà, si ça commence à s'améliorer avec ta mère, je pense que quand le bébé va arriver, tu vas être. Elle va être contente tout plein. Bah, elle est déjà grand-mère, ta mère. Bah, il faut espérer, hein. Non, c'est... C'est le premier. La deuxième fois. Justement, ma petite soeur, elle est tombée, elle a accouché là, le mois dernier. Ah ouais, donc elle est grand-mère. En fait, c'est par rapport à ma petite soeur quand elle a accouché, du coup, c'est à ce moment-là que... Ça l'a calmée? Ouais, ça l'a un peu calmée. Ouais, mais bon, pas totalement. Elle a encore des petits pics, hein. Bon, allez, on fait un pari, Faisal. Je suis sûr que le 25, elle verra son petit-fils. C'est un garçon ou une fille? Une fille. Une fille, elle verra sa petite-fille. Bah, elle est contente, ma mère, du coup, j'appellerai pour les 1500 euros. Ouais, écoute, voilà, inscris-toi, 720-20, t'envoies 1500 et hop. Et j'espère qu'on t'appellera demain matin. Non, mais voilà, pour réagir pour Anthony, c'est, voilà. Le temps fait son œuvre. C'est juste question, voilà. C'est bien, ça m'arrive. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est super. Ça. Ouais, quand Anthony, on part de loin quand même aussi, hein. Oui, c'est vrai, Anthony, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Oui, toi, ta copine fait ça, elle s'est jamais foutue sur la gueule avec ta mère. Non. Ah bah, comme. Ouais, parce que voilà, ma copine elle est respectueuse, bah il a eu des moments où. Bravo d'ailleurs, elle aurait eu envie, mais elle l'a pas fait, c'est bien. Ouais, qu'en même temps, bon, la copine de. Comment il s'appelle ? Anthony. Voilà. Anthony. La copine d'Anthony. En même temps, la mère, a priori, c'est elle qui a commencé, elle lui a mis une baffe dans la gueule, donc bon. Non, c'est la mère qui a mis une baffe à la copine. Oui, non, mais c'est ça, ouais, mais voilà, la copine, bon. Ok, il y a le respect, mais elle peut avoir du respect aussi, la mère, quoi. Oui, c'est vrai. Ça marche dans les deux sens. Bon, j'espère que pour Anthony, ça se passera bien. Merci, Faisal, pour le coup de fil. Merci, beau bébé. Et beau bébé à toi et à Naya. Bon courage. Bon courage à tous les deux. Salut. Je pourrais gratter un petit truc ou pas pour le bébé et ma femme? Ben, on va vous envoyer les t-shirts Skyrock à la maison. Ouais. Plein de t-shirts Skyrock à la maison pour Faisal. Faisal le Lyonnais. Salut, Faisal. Ciao. Bisous. Okay, ciao, Faisal. Ciao. Et ben, c'est l'heure de la roulette, là, maintenant. Il est minuit 9. Maître Gims. Eh oui, Maître Gims, la tournée de Gims, tournée Skyrock. Tous en place de concert, Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Eh ouais, Skyrock, premier sur Maître Gims. Maître Gims en tournée dans toute la France. Ça continue et les places sont à gagner sur Skyrock. Et celui qui a été tiré au sort au 7-20-20, c'est Maxime. Salut Maxime. Salut, ça va ou quoi, Dipou? Eh Maxime. Oui, ça va Maxime. Salut Maxime. Bien, tranquille. Romano, ça va ou quoi? Ça va bien, tranquille. La Marie, tout le monde bien? Ouais, super, merci. J'ai l'impression que tout le monde est en forme. Et Belinda, c'est officialisé par Nice. Ouais, apparemment, c'est officiel. Ouais, donc, on vous a encore donné une info en exclu grâce à vous. Merci à tous les messages. Merci à OM, Crain des Gangs. Merci à Raph. Merci à tous les autres. Merci à la beauté de Difool également. T'es prêt pour la roulette, Maxime? Ouais, carrément. Vas-y, fais tourner. Allez, on fait tourner, on se dépêche. Allez. Et toi, t'es en train de fumer un ouage, toi? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ça s'entend. Ça, super. J'ai l'oreille pour ça, moi. C'est une petite clope, ouais, c'est ça. Ouais, une clope qui fait rigoler. Allez, Maxime, on y va. Skyrock Radio Libre, venez comme vous êtes, comme le dirait Ronald. Venez en fumant des. Voilà, je suis du vilain, moi. Maxime, tu viens de gagner deux places pour aller voir Maître Gims. Oh non, ça passe bien, mortel, tu meurs. Eh ben bravo à toi, de rien. Ça passe grave bien. Donc le 25 novembre à Nantes, il passe. Donc tu vas le voir à Nantes, j'imagine. Bon, bah bien sûr, bah oui. On va le voir à la maison. Bah oui, Martin, ça fait plaisir. Et ben maître Gims à Nantes, plein de places à gagner hein, tout au long de la journée avec toute l'équipe de Skyrock. Et bien joué, et deux places pour toi. Bravo Max, félicitations. Ça fait grave plaisir. C'est hyper cool. Bah, hyper cool, merci. Hyper cool. Salut Maxime. Salut. Ciao Maxime. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à Callaghan. Bon anniversaire Callaghan. Ouais. Bon anniversaire Callaghan. Et je te dédicace ma belle victoire. Ah, j'espère que tu vas te péter une jambe, tiens. Oh l'enfoiré. Dis-lui bon anniversaire. Bah oui, Cédric, c'est pas comme ça qu'on souhaite bon anniversaire à un auditeur fidèle de Skyrock qui est là tous les soirs. Oh putain, j'ai souhaité qu'il se pète une jambe. Voilà, qu'il se pète une jambe. Et moi, je vais me faire péter le cul. C'est déjà fait. Je vais te péter le cul. Bon, on revient demain soir à partir de 21h. Il y aura du foot demain soir. France-Italie. On a pas fait les pronostics. Ouais. Et on les fera peut-être demain matin. Ouais, demain matin on fait ça, allez. Ouais. Pronostic pour France-Italie, soyez là dans le morning demain entre 6h et 9h. Avec les 1500 euros à gagner toutes les demi-heures. Avec une nouvelle rentrée, il y a Rachel qui nous dit: nouveau bahut, je connais personne. À part mes ex, hashtag gênant. En effet, hashtag gênant Rachel. Ouais, hashtag, ils vont dire que t'es une grosse pute. Attention, ouais, méfie-toi de tes ex, Rachel. Ah, tiens, Cédric, il y a Callaghan qui a répondu au message à propos du cassage de jambes. Je vais pas te lire la réponse, ça risquerait de te mettre à bout de nerfs. En effet, je vais me casser une jambe en descendant du lit de quelqu'un que tu connais. Gros, fais gaffe, que tu dépasses un peu trop les limites, toi. Voilà, dépasse les limites, attention. Parle pas mal. Ah, sur la vie de ma mère. Voilà, justement, Cédric. Bon, Cédric, à demain matin. Romano, pareil. Ben oui, à demain matin. Les autres, à demain soir. On se retrouve entre 21h et minuit sur Skyrock demain soir pour la Radio Libre. Vous nous raconterez votre entrée si vous rentrez. Ouais, et là, vous retrouvez Maxime, Urban Music Non-Stop sur la première radio urbaine mondiale Skyrock. C'est parti avec 21 Pilots. C'est Ride. C'est Ride. Ouais, c'est un des sons de l'été. Ouais, ouais. Allez, 21 Pilots pour démarrer. Pour démarrer la nuit. Et rendez-vous demain matin à 6h. Ciao. Ciao. À la rentrée, on a besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Tous les matins, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 euros dans le Morning Daddy Fool. 1500 euros, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. La rentrée, ça a du bon. 65 centimes plus coût d'un SMS. Allez, salut! I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know. It's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. I'm on my ride. écoutez Skyrock, la première radio urbaine mondiale, Urban Music Non-Stop. C'est parti maintenant, juste après la radio libre de Difool qui sera de retour demain. Ce sera entre 21h et minuit. Avec Difool et toute l'équipe, on écoutait Ride à l'instant, les 21 Pilots sur Skyrock. Et attention, on va prévoir Soprano pour attaquer la nuit. Du gros son de Soprano, le diable s'habille plus en Prada. Soprano, deux concerts Skyrock, ça se passe à la rentrée de l'année prochaine. Ce sera le 30 septembre 2017 à l'Accor Hotel Arena de Paris. Le nouveau Bercy et le 7 octobre, attention, Soprano, premier artiste rap R&B à remplir le stade Vélodrome. Vos places, vous les prenez directement sur le www.skyrock.fm. Soprano, des psychiatres de la rime à écouter juste après DJ Snake tout de suite. Et la voix de Justin Bieber, voici Let Me Love You sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Depuis quoi?

gave you two just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Une découverte Skyrock, une de plus, Frank Ocean. Frank Ocean, c'est celui que vous avez découvert cette semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h. Et sur Skyrock, depuis lundi aussi, on vous offre 1 500 € cash dès le réveil avec 10 foules entre 6h et 9h. On appelle chez vous, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche 1 500 € que vous pouvez aussi envoyer au 72020 par SMS. Vous envoyez 1 500 au 72020, ça augmente très largement vos chances d'être tiré au sort pour le coup de fil qui rapporte de la thune sur Skyrock. Soyez bien là pour le morning de 10 foules. Nouvelle matinée qu'on attaquera tout à l'heure entre 6h et 9h. Je vous présente une rappeuse belge qui déchire tout en ce moment. C'est Shy. Le morceau s'appelle PMW. C'est ça, on l'écoute tout de suite. Hey, hey. Et Lil Wayne, Wiz Khalifa, Sucker for Pain. Nouveauté Skyrock, c'est juste après. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes se lient, mais voient, ils veulent engager.